la team GP au grand complet. Voilà, tous ceux qui vous suivent un peu partout. On vous informe de partout qu'ils viennent. On est ensemble, l'équipe. Merci vraiment à vous. Merci à tous ceux qui sont passés dans ce Planet Rap. Et juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette. Rock t'offre 200 places de concert Soprano. Avec Soprano, la roulette et Anthony, qui est au camping du Puy du Fou, me dit Anthony. Ouais. C'est bien ça, Anthony. Tu es en vacances encore, Anthony? Ouais, ça va, nickel, et vous? Ça va, t'es en vacances, c'est ça, Anthony, encore? Toi, ouais, tu profites? C'est ça, on est en vacances, on a pris une semaine de vacances. Bah écoute, très bien, donc au camping du Puy du Fou, en direct du camping, Anthony, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Ok. Dès que 3, tu veux, la 2, roulette. 1. Ah oui, c'est une sacrée équipe au camping. Ah ouais, ils sont pleins. Hein. Il faut que vous mettiez le son de Ghetto Phénomène là-bas. Tu vas voir, ça va retourner le camping du Puy du Fou. C'est ça, c'est ça. Eh ben, il y a deux places pour aller voir Soprano. Alors, je sais pas, qu'est-ce qui t'arrange, toi, comme ville, Anthony? Bah ouais, c'est nickel, les gars. Tranquille, dédicace au Ghetto Phénomène. En fait, merci, c'est à côté. On trouvera. Eh ben, pas de problème. Merci à toi, Anthony. Passe une bonne soirée. Merci à vous, les gars. Merci à bonne toi, fin de vacances. Il y en a encore qui ont la chance d'être en vacances, dis donc. Attends, septembre, c'est pas en vacances. Bravo Anthony, merci à vous en tout cas au Ghetto Phénomène. Vous, pas de vacances, ça va taffer dur là. Demain, on vous retrouve à Lyon, à pas louper. Exactement. Pour faire la fête avec le Ghetto Phénomène du côté de Lyon. C'est ça, on espère que vous serez nombreux et nombreuses. Nombreuses. On vous a nombreuses, ouais. Plus nombreuses que nombreux. Plus nombreuses que nombreuses. Et voilà, j'ai pétillé ma fête de filles, de garçons. Et voilà, exactement. De jeunes, de vieux. Il y a de tout. Merci à vous quatre, en tout cas, messieurs. Merci à toi, Fred. Et à très vite dans Planet Rap pour la suite des aventures. Merci à vous tous. On va retrouver D-Fool maintenant. Mais oui, Fredo. C'est l'heure de la radio libre. Excuse-moi, Fredo. De rien. C'est la radio libre. Ben oui, on est là. Excuse-moi, je reviens du Parc des Princes. Pour l'instant, il y a 0-0. Les dernières nouvelles, je vous les donne. 0-0 entre le PSG et Saint-Etienne. On suivra le match ce soir en direct sur Skyrock. Évidemment, toute l'équipe débarque ou presque. Vous allez voir. Dans un instant, l'arrivée de la Marie, ben la voici. Karim, Samy, Romano, Cédric, Dénébel, dans un instant. Et là, la radio libre, c'est parti en direct. Fred, la semaine prochaine dans Planète Rap. La semaine prochaine, c'est alors la pièce, le film du Watibé qui arrive. On aura déjà la bande-son à découvrir tous les soirs de la semaine entre 20 et 21 avec toute l'équipe du Watibé qui débarque. Donc le Watibé, semaine prochaine. Vous connaissez le jeu de la pièce? Watibé. Le jeu de la pièce. Ah, c'est quoi? Je connais pas, moi. Vous connaissez pas le jeu de la pièce? Ben non. En fait, c'est l'idée du film d'ailleurs qui va sortir au mois d'octobre. L'idée, c'est tu prends plein de potes. Tiens, ce serait pour Romano, ce serait pas mal. Tu te mets face à un mur et c'est celui qui approche le plus le mur en jetant la pièce qui remporte toutes les autres pièces. Mais Romano, il jettera jamais. C'est connu, ça. Mais c'est connu, ouais. Vas-y, on va jouer ce soir. Ah, moi, ça, je le faisais avec des billes. Mais là, fais-le avec de la monnaie. Ah, c'est pas mal. Ça, ouais. C'est pas mal comme truc, non? C'est toi, on va jouer. On fait une partie ce soir. Il va ramener de la fausse monnaie. Avec des pièces de 10 euros. Ah, D-Fool, tu veux pas me coacher? Comme ça, tu fournis la monnaie, toi. Mais malheureusement, tu sais, Romano, c'est la crise. Ah, bah oui, c'est bah oui, on a offert tellement de chèques de 1500 euros que j'ai plus rien cette fin de semaine. Ah, bah merde. Bah oui. Bon, on revient dans un instant. Donc, c'est Radio Libre jusqu'à minuit, la nocturne. Avec toi, Fredo. À pas louper, ouais. Ouais, il y a quoi dans la nocturne? Oh, bah, il y a plein de nouveautés que je vais aller préparer de ce pas. Il y aura forcément aussi des extraits donc, de la bande-son du film La Pièce, avec notamment un titre de Rof à écouter tout à l'heure. Oh, du Rof. Et d'autres nouveautés, d'autres découvertes. Eh bien, on sera là minuit, donc c'est juste après la radio libre. D'ici là, bah, c'est vous qui faites de la radio avec nous en direct au 01 53 40 30 20. Vous nous appelez, vous nous laissez vos messages au 41 759 avec l'appli Skyrock aussi. Faites péter tout ça. On vous attend, ça arrive directement dans les studios. C'est comme vos coups de fil. Directement ici, tout se passe là. C'est sur Skyrock jusqu'à minuit. À tout à l'heure, Fred. Ciao, ciao. Et à tout de suite, tout le monde. On arrive tout de suite. Ne bougez pas, on est là. À tout. Ciao. Depuis la rentrée, D-Fool a déjà distribué plus de 30 000 euros en cash. 30 000 euros en cash. Il faut me dire, quelle est ta radio préférée? Bah, Skyrock. Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. C'est Skyrock. Mais oui, c'est Skyrock. Ouais, c'est gagné. C'est pas vrai. Plus de 30 iPhone 7. Ton iPhone 7. Le tout dernier. Putain, ça c'est bon, ça. Romano a déjà arnaqué des commerçants. Des familles. C'est encore une arnaque, ça. Hein. Des vendeurs sur le bon coin. Et vous le vendez 50 euros, c'est ce qu'il y a de marqué sur l'annonce. 500, 50 euros. Non, non, bah t'enlèves les 500, tu me le lâches à 50 et puis ça ira bien. Ouais, ouais. Ah bah j'arrive. Et ce n'est que le début. Que le début. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de D-Fool sur Skyrock. Des problèmes pointent toujours le bout de leur nez, hein. Moment au 71-777. Les astres vous guident vers la voie. Moment, M-O-M-E-N-T, au 71-777. Nos astrologues vous apportent les réponses. L'amour, le travail, le succès. Vous voulez savoir? Envoyez Moment au 71-777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. The Morning Show. Envoie 1500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1500 euros toutes les demi-heures dans le Morning de D-Fool. Banzai Noodle de Lustucru, c'est super bon. Pratique, les Banzai Noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Banzai! Pour vous régaler. Bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai Noodle de Lustucru. Banzai, que c'est bon! Pour votre santé, bougez plus. Concert. Il va mettre le feu. En 2017, Soprano choisit encore Skyrock pour sa nouvelle tournée dans toute la France. En concert partout en France pour terminer sur la scène de l'Accor Hôtel Arena de Paris le 30 septembre et au nouveau stade Vélodrome Orange de Marseille le 7 octobre 2017. Ouais. Yeah, c'est Soprano. En tournée dans toute la France avec Skyrock. Plus d'infos sur Skyrock.fm et l'appli Radio Skyrock. Et c'est parti, les piles 21h, radio libre en direct, on y va. Romano. Moi je crois que je vais directement enlever mon slip et faire tourner mon sexe. Diffoul. Tu veux pas qu'on se fasse un petit truc dans ta maison mais sans caméra? Non, même pas. Cédric. Salut les filles. Cédric, hein. Marie. Des râteaux. T'en as pris, Marie, des râteaux, toi? Non, mais en général, j'arrive à mes fins. Hein. Samy. Non, pour jouer au billard. Des grosses boules. Et Karim. Pourquoi Cédric, il a un A, la lettre A brodée sur son oreiller? Eh ben, c'est pour pas oublier son texte quand Romano l'encule. Diffoul Radio Libre. Tous les soirs sur Skyrock. Et salut tout le monde, 21h pile sur Sky, bienvenue, merci à vous d'être là, même le vendredi. Et ouais, un gros vendredi soir qu'on va passer en direct ensemble avec toute l'équipe ou presque. Yes. Ouais, bah oui, toute l'équipe ou presque, puisque Cédric, je vous le rappelle, ne sait toujours pas faire de moto, on l'avait prévenu, on l'avait dit. Hein. Voilà, donc petit accident de Cédric. Mais tout va bien, il est rentré à la maison. Vous avez vu, ça avance ouais, hein, hier rentré, soir. Ouais. Oui, il est rentré. Ouais. On démarre l'émission, il était à l'hôpital. Il voulait plus de lui. Ce soir, ils l'ont foutu dehors. Ils l'ont viré. Foutu dehors de l'hôpital. Je sais pas pourquoi, en tout cas, je crois qu'on a une infirmière qui va intervenir dans un instant. On va la retrouver en direct avec nous. On essaie d'appeler Cédric aussi tout de suite pour la voir en direct et prendre des nouvelles à la suite de vos nombreuses demandes. Et peut-être aussi quelques questions à poser parmi toute l'équipe qui est là. Bonjour Romano. Bonsoir. Voilà, comment vas-tu? Bah ça va très bien. Tu me disais tout à l'heure que tu allais gagner le clash de la drague de ce soir par forfait, je crois. Bah j'ai la pression. Hein. Bah, malheureusement, il n'est pas là donc. Eh oui, malheureusement, tu l'as dit car Romano prend sa place, gros. Est très triste. On va voir ce qu'on fait avec le clash de ce soir. Bonsoir la Marie. Bonsoir tout le monde. Bienvenue merci à toi. La Marie vous attend au 01 53 ouais. 40 30 20 si vous voulez passer dans l'émission, si vous avez un truc à dire, profitez-en. Vous allez aussi sur le 41 759 et sur l'appli Skyrock. Karim est là. Salut ouais. Karim. Salut Man. Samy est derrière Salut. Moi. Il regarde avec amour son équipe préférée, le PSG. Ah ouais, bah oui. Je suis complètement fan. Génial, ça tape bien dans le ballon. J'ai fan out, ok, ils sont forts. Allez, le PSG. J'ai même pas regardé encore. Eh ben regarde, pour l'instant 17 minutes de jeu, 0-0. Qu'est-ce que ça joue face mal à la S Saint-Etienne. il a regardé 10 secondes. Ouais, oh là, ok, 10 secondes, ils perdent le ballon. Oh, ils ont perdu la balle. Regarde, c'est Saint-Etienne qui a la balle. Donc le match à suivre, puis un autre match à suivre ce soir, c'est du tennis. On va suivre mon fils. Bah oui, mon fils qui joue ce soir à New York. C'est pas ton fils, Marie, hein, c'est le joueur, c'est Gaël. On va suivre ça en direct, il faudrait se mettre ça sur une des chaînes là. Ah bon, là derrière, c'est bon, parfait. Donc on va regarder ça, on vous tiendra au courant car Skyrock est premier sur le foot et premier sur le tennis. Sur bien, sûr. Bien sûr. Le tennis aussi. Le pénis, oui, Marie. Premier sur les gros pénis. Bah attends. D'ailleurs, si vous avez un gros pénis, vous pouvez nous appeler. Bon, alors, en direct avec nous, oui, l'infirmière de Cédric est en direct dans le studio. On va la retrouver avec nous. Je croyais qu'elle est même. Ah non, elle est au téléphone. Je croyais qu'elle était venue au studio. Allô, bonsoir, madame l'infirmière. Bonsoir. Bonsoir. Salut. À vous. Comment ça va? Comment allez-vous? Dure nuit. Ah, j'imagine, mais pour Cédric, en effet, parce qu'il a eu un petit accident de moto. A priori, clavicule cassée, on essaye de prendre des nouvelles de Cédric, mais pour dure nuit pour Cédric, bien sûr. Ah non, pour le service médical. Ah, le service médical de l'hôpital. Eh ben oui, on a vu arriver un porc domestiqué. Mais non, c'était Cédric de Skyrock. Et encore domestiqué, bon. Mais oui, vite fait, quoi. Moyen. Oui, domestiqué, oui. Mais c'est notre ami Cédric, celui qui fait la radio libre et le morning. On a été obligé de le mettre dehors, il y avait des plaintes des autres malades. Hein. Mais pourquoi des plaintes des autres malades? Les odeurs. Ah, les odeurs, merde. Oui, j'imagine. Les odeurs émanant de sa bouche et de son cul, mais c'est à peu près les mêmes. Mais vous l'avez mis tout seul dans sa chambre? En fait, c'est peut-être relié, les deux, oui. Dans sa cage. Dans sa cage, ouais, carrément. Oui, on l'a préféré. On l'a isolé. On a préféré mettre en quarantaine, on ne savait pas si ses vaccins étaient à jour, en carrage et tout ça. Ouais, bah écoutez. Et il était plein de puces? Il avait des puces. On a été obligé de le dépucer. Vous l'avez dépucé, bah c'est bien, ça déjà, c'est pas mal. Un vrai calvaire. Je savais qu'il faisait un élevage de morpions, mais je ne savais pas qu'il avait des puces. C'est pas facile là, d'être dans le médical. Et non, salut d'ailleurs tous ceux qui bossent dans le médical ou ceux qui ont envie de faire ça plus tard, hein, ceux qui veulent devenir médecin, qui veulent. Je vois Momo qui dit Cédric, hein, c'est tellement moqué de la tendinite de Diffoul que Dieu l'a puni. C'est vrai peut-être, c'est ça. Alors petite question pour l'infirmière, est-ce qu'elle est vétérinaire? Nous demande vendredi sur SMS. Bonjour vendredi. J'espère pour elle. Ah bah effectivement, je suis au diplôme. diplômé. Hein, ah, sauvage. Diplômé vétérinaire. Les plus grandes écoles de vétérinaire à rien. Option, option bovin ou option porcin? Bovin, porcin et macaque. Et macaque la également. Voilà. Très bien. Mademoiselle l'infirmière, si je fais écouter ce son, vous pensez à qui? Mais ça a été ça toute la nuit, merde. Toute la nuit. Toute la nuit, ça empêchait les gens de dormir. Hein. Ah ben on était obligé de foutre dehors, je vous dis. On l'a foutu dehors vers 2-3 heures du matin. On a dit, monsieur le porc, faut partir. Faut dégager. Non, c'est vrai, il est sorti cette nuit, on l'a appelé juste après l'émission. Ils l'ont foutu dehors de l'hôpital aux alentours de minuit, 1 heure du matin. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà les dernières nouvelles de ouais. Cédric. Mais je crois d'ailleurs que Cédric. Tiens, regarde, message du câble HDMI de la PS4, un fidèle qui veut faire des études de médecine, qui a 16 ans, et qui nous dit j'ai peur maintenant. Ah ben, merci. T'as bien raison d'avoir peur. Merci d'ailleurs pour tous vos messages. Pour Cédric, hein, regardez, la PS4 du salon, on a le câble HDMI et la PS4, on va pouvoir faire un truc dément avec tout ça, qui nous dit Cédric va mieux, comment va Cédric, vous nous dites aussi, est-ce que Cédric va bien pour Jules, la Team Sky tout au bene Jules, mais oui, tout va bien pour nous, et il est avec nous en direct, Cédric le Belge, ouais. Bonsoir. Direct de son lit. Bonsoir. Il y a des parasites, non? Salut beau gosse. Il passe mal ton téléphone, je crois. Non, il marche pas. J'entends des parasites de partout. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des bruits. Ah, tu sais que c'est vrai qu'on a l'antenne là quand même. Ouais, mais c'est connard. C'est sûr que c'est pas. On peut pas se tenir, quoi. Eh bien, oui, il est avec nous, c'est Cédric le Belge. Pour un coup, ils m'ont fait mes vaccins, j'étais pas à jour. Ouais. Ah bah voilà, tu vois, ils t'ont dépucé, ils fait les vaccins en plus. L'infirmière, tu as entendu ton infirmière? Ton infirmière et son témoignage. Ouais, j'ai entendu. Bon alors, comment ça va? T'as vu tous les messages qu'on a reçus pour toi? Ouais, je vois ça. Putain, même ça fait plaisir, la team. Ouais, même la team Romano te soutenait. Regarde, c'est fini là. C'est fini. C'est fini, ça va mieux. Même Callaghan t'a soutenu. Ouais, même Callaghan. J'ai mal encore. J'ai mal. Ça c'est les douillets, Alors, qu'est-ce que t'as, mec? Qu'est-ce que t'as? On voudrait savoir un petit peu ce que t'as. Après tomber de moto, parce que tu sais. Oui. J'ai la même chose, mais j'ai un os qui est cassé à l'intérieur. Tu as un os cassé à l'intérieur. Allez. C'est quoi? C'est l'os de la clavicule, parce qu'on a. Ouais, c'est ça. Ah, on a supposé ça hier soir dans l'émission, la clavicule qui serait pétée. C'est alors, ça. Alors. Ouais. Moi, c'est mon cul qui est pété, tout simplement. C'est la clavicule qui est pétée en deux. Mon gros cul. Ah ouais, ton gros cul, alors Marie. C'est ça, mon gros cul. Reste au calme. Et bon, alors pour la suite, comment ça va se passer? Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, faut que j'attende que l'os se remette. C'est un bandage ou c'est un plâtre? Non, j'ai la même chose que Diffoul. Ouais, mais en fait, t'as pas grand chose au final. Bah, j'ai pas grand chose. Bah, écoute, je te souhaite pas d'avoir ce que j'ai. Hein. Bah, attends, je l'ai vu il y a deux mois, moi. Chouchoute. Non, mais toi, t'avais pas l'os cassé. Aïe. Ah, parce que moi, je suis solide, moi, je suis un bonhomme, tu sais, Cédric. Mais bon, je compatis quand même. Je compatis. J'ai mal à la hanche, je suis brûlé un petit peu sur les genoux. Mais genre, l'os, il est sorti de la clavicule, de l'épaule, à travers la peau? Non, il est pas sorti. Non. Là, tu vois qu'il y a une bosse, tu vois que là. Ouais, tu vois que c'est pété un peu. Cédric, tu appelles du paradis, on nous dit. Merci, le cingouin à 15 ans. Non, il est à la maison dans son lit là. Et d'ailleurs, je fais un gros big up aux pompiers de Gennevilliers et à la police. Ah ouais. Ils sont suivis psychologiques. Hein. Oui. Non, franchement, c'était des bombes atomiques, c'était grave gentil, je te jure. Très bien, bon, salut la police. En fait, quand j'ai fait mon accident, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis relevé et je suis retombé dans les pommes et je me suis relevé. C'était un pompier qui m'a réveillé en fait. T'as fait du bouche à bouche? Du bouche à bouche. Je sais pas, justement, j'ai oublié de lui demander. Ouais, bonjour, c'est le pompier. Ah, il est avec nous en direct. Bonjour le pompier. Ah, ce con est tombé dans les pommes, j'ai foutu un coup de pied pour le relever. Non, la gueule. Il a pas fait du bouche à bouche, là. Tiens, j'ai eu la clavicule cassée, nous dit. Allez, lève-toi, sac à merde. Clavicule cassée, il va souffrir, nous dit Dragonix. Ah, et puis il y en a pour longtemps. C'est la première fois. Dans 15 jours, en fait, ils font une. Ils me reprennent à l'hôpital. Non, dans 15 jours, regarde s'ils m'opèrent ou s'ils m'opèrent pas. Ouais, on a eu la clinique. On a eu la clinique vétérinaire juste avant. Ouais, c'est bon. Ouais, ils nous ont tenu au courant. La cage est prête, si tu veux y retourner à n'importe quel moment. Tu as ta place à l'intérieur. Ils ont dégagé l'hôpital hier soir. Ah, mais oui, on a eu le témoignage de l'infirmière. On salue d'ailleurs tout le personnel hospitalier qui s'est occupé de toi quand même. Beaucoup de courage. C'est l'animalier aussi, ouais. Oui. Ouais. Merci à eux. Toutes les 5 minutes, je les ai appelés, je leur demandais des calmants. Ils t'ont shooté un peu, t'as l'air shooté, ouais. Ouais, ils m'ont mis de la morphine, puis là, j'ai des cachets à la codine. Voilà, ils m'ont mis shooté la gueule. Coup de baffe. Bon, bah écoute, bon courage, Cédric. Toi, tu as plein de messages. Tu es vraiment un motard du dimanche, Cédric. Mort de rire, nous dit Yuma. Ah, mais laisse tomber. Qui a 20 ans. Tu étais à l'hôpital. Oui, tu as trouvé le bel hôpital, là. Parce qu'il y en a qui nous disent, tu étais à cet hôpital. Oui. Ah, bah tout le monde le sait. Putain, c'était un événement que Cédric soit à l'hôpital hier. Ils n'ont jamais reçu quelqu'un comme ça. C'est dingue, ça. C'est vrai que c'était la star de l'hôpital. Ah ouais. The star of the hôpital. Le VIP, quoi. Oui. Non, mais en plus, il y a une meuf qui m'a reconnu à côté. Ah, bah la pauvre. Il m'a reconnu quand je partais. Ah, laissez-moi mourir. Ah ouais. Laissez-moi des calmants. Je veux m'en aller. Tout laissez-moi suite. Partir. Non, laissez-moi. Non, elle m'a dit je veux qu'il foule, il vient de me voir. Je dis ouais, je crois qu'il arrive. Là, je crois qu'il arrive tout de suite. Bon, bah écoute, bon courage à toi, Cédric. Et est-ce qu'ils ont découpé ta veste? Ah bah oui. Putain, ils m'ont découpé ma veste. Ah, la polo, veste de Louis Vuitton. À combien? Aïe, aïe, aïe. Alors, non, c'est une veste Hugo Boss, un polo Lacoste. Ah ouais. Et j'ai une paire de Nike et une paire d'Air Max Zero qui sont complètement niquées. 1000 euros le total. Il y a un trou dedans. Putain. Il y a un trou dedans. Et le jean aussi qui est mort. Ouais, il y a un trou au niveau de l'orteil. Je vous enverrai une photo des baskets, vous allez voir. Vas-y, on les mettra sur les réseaux là ce soir là. Est-ce que t'as des nouvelles de la moto? Toshi qui nous demande comment va la moto de Cédric. Non, la moto, je m'en bats les couilles, franchement. Non, mais c'est bon, c'est pas la question, Cédric, que tu t'en bats tes couilles. On veut savoir comment va la moto parce que nous, on s'inquiète pour elle. Bah ouais. Bah écoute, je crois qu'elle est un petit peu cassée. Parce qu'elle avait. Mais je crois qu'elle a rien. T'inquiète, Cédric, elle a rien, je l'ai revendu. Non, il y a un keuf qui m'a dit, franchement, vous avez fait tomber un rétro, vous avez niqué 2-3 pédales, mais. Enfin, 2 pédales et un truc, mais sinon ça va. Je te jure. C'était pas mal, ça. 2-3, juste. 2-3. 2-3, ouais. Bon, mais je vois que tu t'es déjà bien éclaté, Cédric. Bon, on voulait avoir des nouvelles, les auditeurs aussi. Pauvre moto, on nous dit. Je crois d'ailleurs que la moto de Cédric est en direct avec nous ce soir et qu'elle voudrait témoigner. Elle est là. Vroom, vroom. Bonjour, moto de Cédric. Bonjour, je suis la moto. Oui, comment vas-tu alors? L'autre con, il faudrait qu'il apprenne à me conduire. Ah bah je sais. Tout le monde nous l'a dit. J'ai les coudes sur les côtés. Oui. Pourquoi tu fais changer tu veux faire changer ton siège? Il a pas arrêté de péter dessus, ce con. Ah ouais, évidemment. Pour moi, que ce soit un petit problème. Les amortisseurs aussi. Bon bah tu vois, ta moto va bien, Cédric. J'embrasse. La moto t'embrasse. Bon. Écoute, bon week-end, profite bien. Merci. Et puis, si on a besoin de toi, on te passera un petit coup de fil. Hey, Cédric, petite question, parce que je fais pas de moto, moi. Est-ce que quand tu tombes comme ça, ça te donne envie d'en refaire derrière ou tu dis plus jamais je fais de la moto ou un truc comme ça? Non, moi j'ai envie d'en refaire. T'étais vraiment un problème. Mais moi j'ai un problème en fait quand je fais un accident. T'as un problème. Bah, déjà, après, quand je fais un accident de voiture, j'ai envie de refaire de la voiture parce que après j'ai peur d'avoir. Ah ouais, j'ai trop envie de refaire un accident. Encore un mur. Non, après, t'as peur de. T'as une phobie de la moto, une phobie de la voiture. Cédric, t'as vu la voiture qui t'a tapé ou pas? Ben non, en fait, j'ai vu une voiture arriver. C'est bon, il a pas vu que c'était la tienne. Non, mais d'ailleurs, un petit message, on nous dit, est-ce que c'était un chauve qui t'a cogné? C'est le message du Saint-Gouin, là. C'est bon, il pourra pas témoigner. C'est bon. Non, mais le mec, il s'est barré, en fait. Je sais bien, je suis rentré chez moi après. En plus, si tu fais chier, je t'ai attendu un moment hier, quand même. Ah ouais. Salut, Cédric. Ciao. Ciao. Bon courage. Et bonne soirée à toi. Merci pour tous les messages que vous avez laissés, là, sur les SMS, le 41759, sur l'appli Skyrock aussi. Cédric, donc, et même dans l'équipe, on a des problèmes. Quand je vous dis, si vous avez un petit souci, n'hésitez pas, faut pas hésiter, faut nous appeler 01 53 40 30 20 dès que vous avez une question, vous vous posez, dès que vous voulez faire les cons avec nous, jusqu'à minuit, on est là. Alors, on n'a pas parlé de ce qui allait se passer ce soir. Ce soir, c'est vendredi, et vendredi, c'est le soir de Pamela qu'on va retrouver en direct. Ah, la beauté, oui. Oui, et on va également retrouver les pervers de Pamela, vous savez, ceux qui ont laissé des messages sur tous les réseaux. Si vous allez draguer sur des réseaux, vous tombez parfois sur des gens un petit peu chelous, je le sais, on a souvent des témoignages de vous, les filles, même les mecs tombent sur des gens chelous. Il y a même des mecs qui cherchent des meufs, qui tombent sur des mecs qui se font passer pour des meufs. Alors ça, vraiment, Romano, je sais pas ce que tu en penses, mais ça, j'ai jamais compris qu'un mec prenne une voix de meuf et se mette à draguer d'autres mecs. Ça, vraiment, pour moi, c'est vraiment... Non, mais faut être complètement malade. Ah, tu penses qu'il faut être complètement malade? Avoir un petit dédoublement de personnalité. Être complètement... Avoir un pète au casque, comme on dit. Ah, voilà, un pète au casque. Ne pas avoir la lumière à tous les étages. Attends, c'est Louis Cédric. Alors, voilà. C'est un pète au cul. Voilà, j'ai pété dans mon casque. Ah ouais. Donc Pamela arrive, j'ai déjà les pervers à vous faire écouter, on peut les écouter si vous voulez, quand vous voulez, vous nous dites. Ouais. Et puis, pour tout le reste, c'est au 01 53 40 30 20. Les familles du double appel aussi à retrouver. Et est-ce qu'on se fera un multi-appel comme on a fait la semaine dernière? C'était génial, ah ça. Ah ouais, c'était bien ça. Le multi-appel chez les gens qui travaillent. C'est possible. Donc on essaiera ça avant minuit, le multi-appel sur Skyrock, avec plein de lignes de téléphone qu'on appelle en même temps et qu'on met en contact. On avait fait ça avec ceux qui bossaient là. Ah, j'ai l'infirmière de Cédric. Ah ouais, alors qu'est-ce qu'elle dit? Ah bah l'infirmière de Cédric qui vient d'être hospitalisée en hôpital psychiatrique. Ah merde, la pauvre. Elle a pas supporté malheureusement. Ah ouais, c'est ça. Elle a pas supporté. Bon, on vous tiendra au courant de toutes ces nouvelles tout au long de la soirée sur Skyrock. Et tiens, puisqu'on y est, Dark Soul qui nous dit que ma sœur Alissa est amoureuse de toi, Romano. Ah ouais, elle a quel âge? Je sais pas, en tout cas c'est Dark Soul qui en a 22, elle. En tout cas, elle a beaucoup de goût. Oui, c'est... Ah bah oui, ça c'est certain. Et non, mais tu peux te le dire, ta sœur a du goût. Bon allez, on y va, Pamela, c'est parti tout de suite, les pervers de Pamela. pour démarrer la soirée. Je vous dis bonsoir. Bonsoir beauté. Bonsoir beau gosse. Comment vas-tu? Ah il est pas là l'autre. Non, Cédric a eu un accident de moto, malheureusement, le pauvre. Ah, merde. Bah ouais, ouais, c'est pas drôle. Hein. Ça va, écoute, ça a peut-être tu arrangé la gueule. Allez, Pamela, on y va. Elle est blonde ou brune. Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que 3 doigts. Elle travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela. Pamela. Le moment le plus sensuel de l'émission. Oh, il y en aura de la sensualité ce soir dans l'émission. Hein, et on va démarrer très très fort tout de suite avec un petit tour sur les réseaux. Allez, c'est parti, alors. Sur les réseaux, il s'en passe des choses, surtout quand c'est Pamela qui drague. Bonsoir tout le monde, hein, sur... Salut Pam. Bonsoir sur les réseaux, bonsoir sur Skyrock, bonsoir l'équipe, bonsoir. Il y a toujours 0-0, hein, vous demandez le score du match PSG Saint-Etienne. Ouais. On est toujours à 0-0 pour l'instant. Ouais. Et on est à... On doit être à la demi-heure de jeu, là. Parlons de la mi-temps. Ouais, c'est ça, demi-heure de jeu. Ah non, 30 minutes de jeu. Non, demi-heure de jeu, il reste un quart d'heure. PSG Saint-Etienne, on fait un petit point, là, dans un instant. Et les titulaires, Ben Arfa, quand même. Et Ben Arfa, il est rentré, ouais. Il joue. Ah, il a mis. Et on va suivre l'US Open aussi avec Djokovic, qui joue contre mon fils. Ouais. Pour aller en finale. Bah bon courage mon fils. Attention ouais, Mado, oui, de coup. Bon courage monsieur Djokovic. Le mec qui se plante quoi. Bon courage. Mais il est super fort hein, Djokovic. Ouais, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1. Ouais, c'est toujours numéro 1. Moi je connais rien au tennis. Si si, il est toujours numéro 1, il a pas en difficulté cette année, un peu fatigué cette année, mais toujours number 1. Mais mon fils, il est fort aussi non? Mon fils ce ça. Il a jamais gagné contre Djokovic. Ouais. Jamais, jamais. Bah, mon fils, ça dépend des tournois, quoi. Il y en a, il réussit bien, mais il y en a, il foire complètement. Bon, là, il se démerde pas mal. Mon fils s'appelle Théorible. Non, il s'appelle Théo tout court. Théodule. Théodieu. Non, c'est pas odieux, Théo top, on a dit. Théo top. Allez. Salut les Théo qui nous écoutent. Allez, c'est parti, on y va pour tes pervers, Pamela. On va voir ce qui se danse du côté de ton répondeur. Ils ont laissé des messages. Qui c'est le premier? Bonjour, homme de 50 ans, désirant se faire sucer en toute discrétion. Voilà. Je reçois 06 72 11. J'adore ça, tu peux garder mon tel. Je suis libre toute l'année. Voilà, je désirais se faire sucer de temps en temps. Voilà, j'ai très très envie. Voilà, c'est le mec au bout à la fin du message, il en peut plus là. Oui, alors oui, j'ai très envie. J'ai très très envie, hein. Tu peux garder mon téléphone. De temps en temps, tu gardes mon téléphone toute l'année, il a dit non. Ouais, lui, c'est un mec dangereux. Je peux garder mon téléphone toute l'année. Lui, toujours au garde à vous, toujours prêt à se faire sucer là. Ouais, le mec, ça doit faire 10 piges s'il s'est pas fait sucer la bite. Ah ouais, c'est. J'ai envie de me faire sucer. Mademoiselle Pamela, ouf. Eh ben, c'est avec plaisir. J'en peux plus. Ah bon, on l'appellera peut-être tout à l'heure. Ils abusent trop, même leur voix dégoûte, nous dit Radical. Lui, dégoûte un peu. Salut Radical du 78. Bisous, ma chérie. Les gémissements, c'était horrible pour Jules. Jules. Tiens, on va écouter Jules là d'ailleurs dans un instant. Je vous le dis comme ça, mon bisou. Ah. Alors, après ce magnifique. Y a pas de prénom le type là, le non. Premier. Non. Bon, après le magnifique premier, celui qui a envie de se faire sucer. Voici le deuxième pour Pamela, toujours. Couple Exib cherche pour madame. 06 80 39. Couple exible cherche pour madame. Pour madame. Donc en fait, moi, c'est clair. Si j'ai bien compris. Donc sa femme se fait baiser, lui regarde. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Il regarde, il se branle à côté. Il se met tous à poil. Il cherche quoi? Il cherche un homme. Il cherche un homme, une femme. Ouais, il dit pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, il cherche quelqu'un, je pense. Ouais, bah c'est bon. Moi, je fais les deux. Homme, femme, trans. Une femme habite. Ouais, voilà. Bah, c'est pour ça qu'il t'a laissé le message, Pamela. Bah c'est parfait, nickel. En fait, tu fais les deux. C'est bien pratique. Double fonction. Double fonction, exactement. Passons au numéro 3. Voici le numéro 3. Bonsoir, mesdames. Offrez-moi votre jet doré au 01 45 41. L'autre, il veut une fontaine. Ah, du jus doré, ouais. Non, du jet doré. Jet doré, il veut se faire pisser dessus. Ouais, oui, bah, oui, c'est clair. Ouais. Votre jet doré. Jus de pomme, et lui, il me dit quelque chose. C'est pas un qu'on a ouais, vu. Ouais, c'est lui qui disait je veux être votre bidet. Ah, c'est le même. Et celui qui dit aussi une dame godeuse. Ah, mais en tout cas. Il avait dit notre expression. Il a des idées. Chaque fois, il utilise. Puis des bonnes expressions, quoi. Ouais. Oui, offrez-moi votre jet doré. Le jet doré à Delphine qui me dit que c'est quelqu'un qui ressent. Alors, je sais pas si elle parle de celui-ci ou celui d'avant, mais que la voix lui dit quelque chose. Il me semble que c'est quelqu'un qui habite dans mon quartier. Ah mais ouais, bah, t'as de la chance, toi. Il saluera pour nous. C'est sympa. Si t'as envie de pisser un petit coup, n'hésite pas. Bonsoir, mesdames. Oui. Offrez-moi votre jet doré au 01 45 41. Tu vois, lui, j'aimerais bien voir sa gueule, par exemple. Ah oui. Ah, pas moi. Ah ouais, c'est clair. Non, mais pas en face, pas moi. Pas en face à face, non, mais une photo, quoi. Non, mais tu vois une photo. Moi, quoi, ah ouais, ça, ouais, mais. Ouais. Putain, en face, gros. Juste voir un petit peu sa tête, le jet doré. A priori, ouais. il avait sorti un truc aussi, champagne, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est lui, il en a laissé plusieurs. Pour se soumettre à une dame godeuse à Paris, Michel est au 01 45 41. C'est Mich-Mich. C'est Mich-Mich, ouais. Michel a beaucoup d'imagination. Il s'appelle Michel, c'est lui. Pour une femme adepte du code de ceinture, Michel est au 01 45 41. Ah, pas mal. Ah, c'est Michel. Bonsoir, mesdames. Michel déguste votre champagne. Ah, c'était ça. Au 01 45 41. Ah, lui, il est très, très dangereux. Oui. Oh. Bonsoir, maîtresse. Michel, ça change. Votre bidet est au 01 45 41. Mais combien il a laissé de messages, lui? Parce que là, je suis dans les archives de l'émission, mais il y en a encore. Un mâle obéissant recherche une dame codeuse au 01 45 41. Ah oui, il est bon. Et lui, c'est encore lui, là? Pour une femme codeuse à Paris, oui, toujours. Michel est au 01 la classe, 45 lui, hein. 41. Lui, je pense à un ouf. Ah ouais, je pense que lui. C'est bien, en fait, le mec a deux phases. Il y a une phase où il veut se faire goder, une autre où il boit il la pisse. Pisser, tu veux. Pour vous obéir sans tabou. Bah oui. Michel est au 45, 41. En tout cas, il doit galérer pour laisser un paquet de messages comme ça sur. Non, tous mais les il n'a pas un appel, je pense. Non, bah non. Bah si, nous. Déjà oui, pas non, mal, mais à part nous, quoi. Bah, parce que le mec. Bah, il nous a appelé 10 fois, quoi. Ouais. Bonsoir, madame. Oui, bah oui. Un mâle obéissant est à vous. Au 01, 45, 41. Voilà. Bon, écoutez, lui, on le garde. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas appelé, en plus, ouais, le ravager. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va pas s'ennuyer avec lui, ça c'est clair. C'est notre Michel qu'on va retrouver ce soir, tout à l'heure. Il y a d'autres pervers qu'on va écouter. Ah, j'espère. Mais vous, surtout en direct, au 01 53 40 30 20. Dans un instant, vous débarquez en direct. Les familles du double appel aussi, on va s'en occuper. La radio libre a bien, bien, bien démarré. Et puis Jules aussi, on écoute mon bijou. C'est mon bijou. Allez. C'est mon bijou, c'est Jules et c'est sur Skyrock. Je Jardine, c'est la toute nouvelle appli gratuite pour créer ton potager sans prendre la tête. Je Jardine, c'est des vidéos pour t'aider à planter des légumes chez toi. Sur Je Jardine, tu visualises ton plan de potager, tu reçois des alertes quand il faut arroser ou récolter et tu partages tes plus belles photos avec tes nouveaux amis jardiniers. Je Jardine est disponible gratuitement sur iPhone et Android. Télécharge maintenant pour profiter de ton cadeau de bienvenue. Je Jardine est une initiative du Crédit Agricole. Concert. Le phénomène Nekfeu. C'est Nekfeu sur Skyrock. Choisis encore Skyrock pour son prochain concert à Paris. Nekfeu. C'est ce bon vieux feu. Le beau gosse du rap français. Le 1er décembre en concert Skyrock à l'Accor Hotel Arena de Paris. On verra bien. Merci. Plus d'infos sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Ghetto Phénomène. Découvrez leur tube Maria Maria avec Jules. Maria Maria, le single de Ghetto Phénomène, déjà disponible. Jolie course, t'as progressé. Ouais, si ça pouvait être pareil avec une nana. Pourquoi t'essayes pas de discuter par SMS? Envoie chat CHAT au 62333. Le chat avec photo. Chat CHAT au 62333. Banzai Noodle de Lustucru, c'est super bon. Pratique, les Banzai Noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Banzai! Pour vous régaler. Bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai Noodle de Lustucru, Banzai que c'est bon! Pour votre santé, évitez de grignoter. Comment la séduire? Plutôt jean ou survêt? Comment choper des Pokémon rares? Ce soir, on regarderait quoi comme série? T'as des questions? Va sur Yax. Le peuple Yax te répond instantanément. Yax, l'appli sans prise de tête pour balancer tout ce qui te passe par la tête. Y a plus qu'à télécharger. Yax, Y-A-X. Radio Libre, c'est reparti, c'est en direct. En ce vendredi soir, toujours 0-0 entre le PSG et Saint-Etienne. On suit également Gaël Monfils contre Djoko. Le match démarre au tennis. Le match démarre au tennis, Romano, le roi de la petite baballe. Oui, ça y est, là, je suis devant, là. Et allez, nous aussi. Et Jules, avec nous, maintenant, c'est parti, c'est mon bijou. Wow! C'est la plus grande radio libre de France. Tous les soirs, Full Radio Libre. Radio Libre, en direct. Je veux inviter à moi. Tu peux me laisser, t'as le choix. J'suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, j't'aime bien habillé ou en pyjama. Coiffé ou avec les pinces. Des fois, t'sais pas où t'as mal, suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Y'a ce gros boule dans la cuisine. J'suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. J'pense à toi quand j'suis dans ma piscine. Y'a ce gros boule dans la cuisine. J'suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. J'pense à toi quand j'suis dans ma piscine. T'es mon bijou. J'suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bisou, oh, oh. Dans mon bisou, oh, oh. T'es mon bisou. J'suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bisou, oh, oh. Dans mon bisou, oh, oh. T'es mon bisou. J'suis fou de toi, je veux mon bisou. Découverte Skyrock, c'est Jules, Jules sur Sky. D'ailleurs, les potes de Jules étaient invités de Planet Rap. Vous les retrouverez à minuit tout à l'heure. Le Ghetto Phénomène sur Skyrock, du son du Ghetto Phénomène. Et Jules qu'on écoutait avec mon bijou sur Skyrock. Diffoul, radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et Nick dit moi aussi, je suis sous résine, j'hallucine. Ben, salut à toi, Nick. Vous pouvez venir comme vous voulez ici, hein, tous les soirs, en direct au 01 53 40 30 20. Les coups de fil, vous les passez, vous tombez sur la Marie, sur Karim et sur Samy ce soir. Et puis sinon, vos messages, bah, vous faites comme Nick, hein, vous nous envoyez ça avec l'appli Skyrock, avec le skyrock.fm et avec le 41-759. Vous envoyez ça tout au long de la soirée, puis vous débarquez en direct avec nous. Mes bisous, mes bisous, mes petits bisous. Bisous. Bon, dites-nous comment s'est passée votre semaine, ce que vous allez faire ce week-end aussi. Parlez-nous de ce que vous avez prévu. Vous avez prévu des trucs un peu exceptionnels. On va parler également de vos passions. Vous avez une nouvelle passion cette rentrée 2016-2017. N'hésitez pas à nous dire également. Je tiens à vous annoncer que Romano, après avoir côtoyé un des personnages de l'émission, ça y est, a une nouvelle passion cette rentrée. Non, c'est pas une nouvelle passion, c'est un truc que je passe parce que ça me fait plaisir et je veux m'en servir l'année prochaine. Et on va faire un jeu, tiens, on va jouer là tout de suite ensemble. Voici le jeu de la radio libre sur Skyrock. Ah ça y est, ça 41, ça, sûr. Et sur l'appli Skyrock. Et vous savez ce que j'ai envie de vous offrir pour le jeu de ce soir? J'ai envie de vous offrir la nouvelle PS4. La PS4, PS4 Pro? Non, la Slim. Celle qui sort la semaine prochaine. Parce qu'il y en a une qui sort la semaine prochaine. Elle sort le 16, la semaine prochaine. On en parlait dans le morning, avant-hier matin. Enfin, on en a parlé toute la semaine. Et donc, la nouvelle PS4 va sortir. Et j'ai envie de vous l'offrir en exclu ce soir. Si vous voulez la PS4. La toute nouvelle. Ah, putain, t'es généreux. Hein. Il faut nous dire quelle est la nouvelle passion de Romano. C'est le grand jeu que je lance tout de suite. Et ça se passe donc sur les réseaux de Skyrock. Mais surtout sur le 41-759, sur l'appli Skyrock. Et pas aux 01 53 40 30 20. N'appelez pas pour ça. Autrement, ça va nous faire exploser le standard. Je vous connais déjà. Vous avez déjà fait péter le standard le soir. Donc, vous nous dites, quelle est la nouvelle passion de Romano? Je lis les messages. Le sangouin, il est couturier. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Il est pourquoi tu serais couturier? Ah, je sais pas pourquoi pour te lancer dans la mode. Sangouin. Pour te lancer dans la mode, comme ça. Ah non, mais putain, moi, la couture, ça, c'est bien un truc qui ne m'intéresse absolument pas, quoi. Bon, laissez bien vos numéros, parce qu'on fera gagner, si vous avez la bonne réponse, vous n'avez pas le numéro, c'est relou, hein. Alors, la nouvelle passion de Romano, on découvre ça dans un instant. Je vous annonce bientôt la mi-temps pour le match entre le PSG et l'AS Saint-Etienne. Vous avez vu, moi, supporter de Saint-Etienne. En plus, le PSG, j'aime bien comme équipe. Mais bon, l'AS Saint-Etienne, c'est quand même mon équipe de cœur. Bon match, les Stéphanois. Il est vert. Bon match. Allez, les verts. Ah, vous passez le bonjour à Sacha Dehors. Oui, on passe le bonjour à Sacha Dehors. Donc, je l'ouvre pas trop pour l'instant, mais je suis quand même assez content de voir comme que. Comme t'as dit, ouvre-la pas trop, gros, parce que depuis tout à l'heure, le ça PSG, il pousse. Hey, on va vous la mettre. Écoutez comme il est agressif, ce supporter Karim du PSG. Pas agressif, je t'aurais tapé sinon. Agressif. Qu'est-ce qu'il est agressif. Non, mais c'est les gens qui galèrent quand même. C'est les gens qui sont pas sur deux comme ça. Tu penses que le PSG galère? Non, mais moi, je pense que ça va être une saison plus dure que les autres. Non, tu sais pourquoi? Moi aussi. Pour le PSG. Ouais, c'est clair. Non, parce qu'ils avaient déjà un entraîneur, c'était pas le même style de jeu, donc là ils s'adaptent à un nouveau style de jeu, c'est pas la même chose. Ah, t'as vu, ils avaient raté Neymar. Ouais. Eh oui, on entend. Ah, non, on en parlait ce matin. Vous avez failli avoir Neymar. Vous l'avez loupé. Votre ancienne star que tout le monde bandait dessus, Ibrahimovic, ce qu'il a dit encore sur le PSG. Ouais, ce qui lui manque, c'est son salaire. Alors, à Zlatan, ils lui ont posé une belle question. Ils lui ont demandé. Alors, Zlatan, qu'est-ce qui te manque le plus? Qu'est-ce qui te manque le plus du PSG? Et Zlatan a répondu, mon salaire. Non, mon dernier salaire. Mon dernier salaire me manque. Apparemment, il est en litige avec eux. Ils ont pas payé son dernier salaire, c'est pour ça. Mon dernier salaire, pas payé. Tapez gueule, PSG, pas content. Pas content, Zlatan. Ah, il est pas content. En même temps, si les mecs, ils lui ont pas payé. Ouais, mais bon, tu sais, les joueurs, d'habitude, ils disent, ouais, l'ambiance, ouais, le jeu. Non, mais Samy, gros, ils te payent pas. C'est normal que t'aies le salaire. Ouais, mais non, il y a une semaine, c'est David Luiz qui s'est barré du PSG. Il lui a dit, ouais, qu'est-ce qui va vous manquer en Ligue 1? Il a dit, bah, l'ambiance du vélodrome. Mais jamais de la vie, il a dit ça. C'est sûr qu'il l'a inventé. Il a dit ça où? À qui? Mais bien sûr que oui, il a donné aucune interview. Ça y est, ça sent bon. Ça y est, ça y est. C'est n'importe quoi, gros. Et même, il a dit qu'il voulait porter le maillot de l'OM et et qu'il en avait déjà dans ses toilettes pour se torcher. C'est ça. Non, il a dit l'ambiance des stades de Ligue 1 va me manquer, notamment celle du vélodrome. Ah, voilà. Sors-moi l'interview, fais voir. Vas-y, je te l'avais montré, gros. Mais tu es agressif, Karim. Mais non, mais en plus, tu sais pourquoi il est agressif. Ça fait les nerfs que ton équipe n'y arrive plus. On l'avait mis sur Twitter. Il est agressif parce qu'il y a 0-0 contre Saint-Etienne. Au bout de combien de temps? 45 minutes, mon bon Romano. 45 minutes, on est à la mi-temps, là. Bon, si Saint-Etienne, quand même. Tu sais, ouais, je suis d'accord que c'est de la merde. Vous visez quand même la Champions League, quoi. À Paris, c'est la Champions League. Saint-Etienne, bon, c'est quand même pas c'est la Champions League. Ah non, ça c'est sûr que c'est pas la Champions League, ça t'es gros. Non, mais c'est l'Europa League quand même. Ah bah c'est super. Ah bah Saint-Etienne, c'est l'Europa League. Saint-Etienne, c'est l'Europa League. Bon, allez, c'est la mi-temps dans 10 secondes. Donc mi-temps 0-0 entre le PSG et dernière action pour le PSG. Attention les Stéphanois, faites gaffe à ça quand même. Et voilà, dernière action, on passe au goal et mi-temps. Voilà, mi-temps entre le PSG et Saint-Etienne, deuxième mi-temps, deuxième partie à suivre. Ce sera en direct sur Skyrock. Je vous salue, supporters parisiens. Vous avez vu heureusement que Karim représente. On nous dit là, c'est Drop qui nous laisse le message sur le 41-759. Salut à toi Drop. Bon, le jeu de Romano et puis dans un instant vous accueillez. Attends, c'est en direct. Quoi parce que moi, c'est quoi Romano? Faut que tu me l'écrives parce que je connais pas moi ta passion. Mais si. Alors, nouvelle passion de Romano. Alors, il y a Thomas qui est en ligne avec nous qu'on va retrouver dans un instant. Tiens Thomas, t'as le droit de donner une réponse. Salut Thomas. Allô. Oui, bonjour Thomas. Ça va? Ça va et toi? Salut Thomas. Oui. Alors Thomas, comment vas-tu? Ça va Thomas? Ah, c'est le sud. C'est le sud. Et ouais, le ça s'entend un peu, ouais. Alors en direct du sud, Thomas, est-ce que t'as une idée pour la nouvelle passion de Romano? Et après je lis les messages que vous nous envoyez depuis tout à l'heure. Ça vaut une PS4. C'est pour gagner une PS4. Bah, propose un truc. Ah, bah ouais, pour une PS4. N'importe quoi. Ouais, du hasard. Alors, nouvelle passion de Romano. C'est vraiment pas. Ah, t'as vraiment aucune idée? Ah, non, t'es con, on propose n'importe quoi. Je sais pas, par exemple, moi, la gothique. Ouais, bon, allez, la gothique. Ah, gothique, eh bien! Malheureusement, non. Parce que c'est pas une nouvelle passion, c'est une passion depuis toujours. Ouais. Eh oui. Non, mais y a c'est pas nouveau, ça. Non, mais y a rien du tout. La gothique, c'est terminé. C'est pas nouveau, oui. Ah, ça y est. C'est un moment que. Ouais, vous allez pas me casser les couilles. Allez. Bon, eh oui, c'est bien. Alors, tu bouges pas, Thomas, on va te retrouver dans un instant. Tu vas nous expliquer. Okay. T'as un petit problème sexuel, toi. Oui. Oui, eh bien on s'occupe de ton petit problème sexuel. Marie est là pour s'occuper de. Bien sûr. De toi, évidemment, toute l'équipe. L'experte. Et vous tous. C'est marrant parce qu'on parlait hier des petites galères, pas des problèmes. Hein. Des petites galères qu'on avait eues en faisant du cul. Eh bien là, c'est une. Ouais, genre comme Cédric d'être précoce. Par exemple. Ah oui, tu sais que tu le savais que Cédric était précoce, toi. Ah bah tout le monde le sait, ouais. Bah écoute, moi j'ai appris ça il y a pas longtemps. Il nous l'a dit. Ça m'a fait de la peine, tu sais. De savoir qu'il est précoce depuis ses premières relations sexuelles. Ouais. Mais 10 secondes, 5 secondes. Ouais, c'est ça, durée d'un snap, quoi. Tu sais, j'imagine la tête de Cédric qui est en train de nous écouter là. Eh oui, Cédric, tu vois, on t'oublie jamais. Dans son pieu. Ah, mais vous savez que moi, avant l'épisode, je l'ai vu en FaceTime parce qu'il était en FaceTime avec Cariole. Alors. Et il était donc avec son espèce d'écharpe là. Oui, écharpe à tel. Il était torse nu. Mmh. Oh, et le mec, il allait bouffer. Il allait ouvrir son frigo. Et il allait, oh, voilà, j'ai faim. Voilà, je vais manger. Moi, je venais de me lever. J'ai dit à Cariole, enlève-moi ce truc de ma vue, s'il te plaît. Bon, il va mieux, Cédric. Hein, si vous venez de vous brancher sur Sky, on l'a eu tout à l'heure au téléphone. Ça va, il a la maison, il est rentré, ils l'ont foutu dehors de l'hôpital cette nuit à 1h du matin. Bah, il a trop pété, il sortait trop fort. Ouais, on a eu d'ailleurs l'infirmière qui était dans un état assez apocalyptique d'ailleurs, faut bien le dire. Eh bah, normal. Bon, alors, les réponses que vous nous laissez, allez, on joue ensemble. Les réponses que vous laissez pour la nouvelle passion de Romano. Qu'est-ce que vous nous dites? Romano veut passer. Alors, attendez, celle-ci, il y en a plusieurs. Flo du 13, qui nous dit Romano veut passer son permis moto. Bene, la moto. Nemo fan Joe, bonjour Nemo, fan de Dugard, la moto, Chachou, la moto. Et il y en a plein d'autres, je vais pas tous les citer. La moto. Après, le petit accident magnifique de Cédric hier. Bah ouais, vu que ça, il peut plus s'en servir, je voulais récupérer sa moto. Hop, non, cadeau, pas cher. Non. Non, ça, la moto, c'est, moi, j'ai fait du scooter, mais ça me fait, je sais pas, j'ai pas un permis moto. C'est pas galère, quoi. Sa nouvelle passion, regarder des documentaires à la télé, nous dit Kelvin. Proposer n'importe quoi. Allez-y, t'as raison, Kelvin. C'est pas ça. Non, mais je regarde des trucs à la télé, ouais, bon. Fibra, qui nous laisse un message. Le poker, c'est sa nouvelle passion. C'est pas ça non plus. Non. On nous propose la scatophilie. Non, le faire caca sur non. Oh ouais. Le caca c'est bon. Oh ouais, Romano, viens me voir ce week-end. Bah pourquoi pas. Oh. Et en plus Cédric il me dit qu'il peut plus bouger, qu'il peut plus rien faire. Je peux vous dire qu'il va fouetter mais sa race, ça, ah ça ouais. va être terrible. Ah ouais, c'est ignoble. Ah ouais, ça va être ignoble, ça Marie, tu fais bien de le dire. Non mais moi je l'ai eu ce matin en ligne et il m'a dit le médecin lui a parce qu'il a fait il a essayé de faire le mec propre, tu vois. Voilà, je peux me laver, je peux enlever la telle pour me laver. Le mec il lui a dit ah non, vous pouvez pas, il faut pas absolument pas l'enlever. Faut pas enlever la telle. Faut, vous lavez au gant et tout, donc je me suis dit mon Dieu. Nouvelle passion de Romano, vous nous proposez Pokémon Go, il y en avait pas mal. Ouais, non. Et énormément de Pokémon Go, t'as vu? Non. T'es pas passionné par Pokémon Go, Romano? Non, parce que j'aime pas le truc, ça te géolocalise et je suis un peu parano, donc j'ai pas confiance. Ah, ça c'est marrant. Fafa, 18 ans, qui nous fait la musculation. Ça, ouais, grand, bah, grand. Ça me ferait pas, délirer. À la salle, ouais. Délirer que tu fasses de la muscu, vraiment. Ça, depuis la rentrée, je soulève de la fonte. Tiens, il y a Rania qui est au téléphone avec nous en direct du 29. Rania, est-ce que tu as une idée pour la nouvelle passion de Romano, Rania? Je sais pas. Tout ce qui te passe par la tête. Là, on nous dit le pipi, par exemple. Ah, mais ça, c'est déjà. C'est le message de Jordi. Et oui, c'était déjà une passion. Le pipi, oui, non. Ce n'est pas sa nouvelle passion. C'est quoi ta passion à toi, Rania? J'en ai pas. Oh non. Manger. Ah, bah voilà. Manger. Bon, c'est une passion. C'est bien, Rania. Au bout d'un moment, tu fais 150 kilos, mais. Donc, manger, ce n'est pas la bonne réponse, malheureusement. La danse, il veut se mettre à danser pour concurrencer Cédric, nous dit Brahms. Non, pour faire danser avec les stars l'année prochaine. Ah ouais. Moi, ma passion, c'est une bonne branlette. C'est peut-être la même pour Romano. Non, mais bon, oui, ça fait. Mais bon, ça date pas d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Il jardine, nous dit Ricard. Bah non, j'ai pas de jardin, donc. T'as entendu la pub avec le jardinage, là? Ouais, c'est ça, l'appli, là, ouais. Je vais jardiner, ouais. C'est quoi, j'aurais dit gommer les murs, mais bon. C'est pas une nouvelle passion. Il est passionné. Il faut que je gomme, là, chez moi, là. J'ai vu des traces, ça me fout à bout de nerfs. Ça y est, c'est parti. Quand je suis passé l'autre jour, j'ai fait des traces marron. Ah ouais, sur les murs. Moi, si j'avais pas été au courant de ta passion, j'aurais dit que c'était un truc avec un nouvel animal. Genre, tu veux avoir des oiseaux ou un chat. Ah non, tu veux avoir des rats. Des pigeons chez toi. Non, mais j'ai déjà eu, hein. Quand j'étais pigeon, j'avais des canaries, j'avais. Cuit, cuit, cuit. Les canaries sont cuits. Ça a du bruit, ça. Ah ouais, ça arrête pas de piailler. Ouais, tu sais, en plus, dans la cage, quand ça s'accroche, ça fait du bruit. Ouais, c'est horrible. Mais laisse-les vivre quand même, les pauvres. En plus, ça pue la cage, hein, ça pue en deux-deux. Hein. Oh. Genre, les jours comme ça, là, où il fait chaud, là. Ouais, bah ouais, là, il faut nettoyer. Ah, parce que ça arrête pas de chier, en fait. Bah ouais. Ça n'a que ça à foutre en même temps dans la cage. Au niveau du vol, c'est quand même assez limité. Donc, ça chie, quoi. Passion originale, hein, je vous le dis, hein. C'est le roi du bricolage. On nous dit, ouais, mais ça, c'est déjà une passion depuis longtemps. C'est pas nouveau, le malfaiteur, fidèle. Le sport automobile, non. Nouvelle passion, la politique pour. C'est Drake. Il veut se présenter aux élections. Ouais, c'est ça. Bah, d'ailleurs, je voulais vous annoncer quelque chose ce soir. Tu adhères au FN. Romano Maréchal, je deviens. J'ai ma carte. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Mais quel parti? Parti, FN. Voilà. Extrême droite. Ah, il y en a qui ont trouvé. Ah, je vois des messages qui ont trouvé. Passionné de cinéma. Je suis passionné de cinéma. Putain, j'y vais tous les jours. Mais quand t'es passionné de cinéma, tu peux aller voir un film tous les jours. Bah non, ouais, qui vont tous les jours. Attends, moi, j'ai une copine à moi, elle a un film différent tous les jours. Elle y va quasiment tous les jours. Ouais, mais tu dois avoir un paquet de tomes. C'est inconnu qui nous envoie ça, là. Ouais, parce que sur chaque semaine, il sort pas que des bons films. Ah non, ça dépend dans quelle ville t'es, parce qu'à Paris, il y a beaucoup de cinéma, beaucoup de choix. Ouais, c'est vrai. Tu vois, dans les plus petites villes, il y a moins de choix déjà. Ah, tiens, Romano veut faire du beatbox. Ah, est-ce que tu veux faire du beatbox? Bah non, l'autre fois j'en ai déjà fait à l'antenne, j'ai même été félicité par beatboxer Wawad. C'est Wawad. C'est Flo et Oli, et par MB14 de The Voice de TF1. Ouais. Ils m'ont dit que je faisais très bien le pouch. D'ailleurs, Wawad et MB14, ils sont passés cette semaine dans l'émission. Là. Ouais. Non, les a eu à l'antenne, ils m'ont félicité en direct, ils ont appelé exprès. Bah ouais, si vous étiez là. L'Ivoirien, lui, fait trois propositions. La danse, le chant, la peinture. Waouh. Collectionner des billets, c'est sa passion. Ouais, mais c'est pas sa nouvelle passion. Bah, ça c'est depuis toujours. Ça durera toujours. On vous offre la PS4 hein, si vous trouvez la bonne réponse. Mais la bonne réponse, on l'a. On va prendre le premier. Faut qu'on trouve le premier. Ouais. Vous avez le premier qui a trouvé la bonne réponse? Ouais. Adrien, qui est en direct avec nous à Paris. Bonsoir à toi, Adrien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Adrien. Bonsoir Adrien. Ça va Adrien? Salut les filles. Salut les filles. Salut les garçons. Il n'y en a pas là-bas. Salut Adrien. Alors, je viens de dire Adrien. Comment salut Adrien. Comment t'as fait pour trouver la bonne réponse, Adrien? Parce que t'es pas le seul. J'avais plus, deux choix en fait. Il y a Flo qui a trouvé aussi. Je me souviens que j'étais un peu sur Insta cet été en train de galérer et je me disais c'était soit. Je peux la donner, hein? Ah bah vas-y, donne la réponse, t'as trouvé, vas-y. Moi j'ai envoyé permis bateau et je me suis dit c'est soit le bateau, soit la plongée sous-marine. Au final, je me suis fait peut-être commencer par le permis bateau, du coup. Non, c'est plus ça, parce que la plongée sous-marine avec l'asthme, c'est pas dans la Seine, c'est moins bien. Romano, sa nouvelle passion, c'est le bateau. Il va s'acheter un yacht. Et depuis le début de l'année, vous savez pas ce qu'on endure, tous les jours, il nous parle de son permis bateau. Non, mais j'en parle. Demain, il se lève à 8h pour aller faire son permis bateau. Non, avant. Tu vas te lever à 6h comme pour le morning. Ah, pas loin. Tu vas écouter le morning best demain. Bah, en y allant, ouais. Mais pourquoi il l'a pas passé directement en vacances d'ailleurs? Parce que pendant les vacances, j'étais bourré tous les jours. Ouais, puis c'est compliqué pour passer le permis là. Mais sache Romano que si tu avais lu ton livre, il n'y a pas de taux d'alcoolémie sur la mer. Tu peux être complètement bourré. Ouais. Si. En fait, il contrôle. Ouais, en fait, il contrôle, c'est pas un taux, c'est à la limite de ce que tu tiens en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire si t'es pas trop décabané en fait. Ouais, en fait si t'es bourré et que tu dégueules machin que t'es bourré, ouais, tu claques le sol quoi. Si t'as bu un coup mais que tu tiens, tu gères ton bateau, il y a pas de problème. Ouais, c'est si tu commences à faire des zigzags là, ils viennent t'arrêter. Bah sinon si tu veux tous les marins ils seraient jamais sur mer quoi. Bah ouais, c'est surtout ça le colis qui faut que c'est bien quoi. Ah oui, c'est pas facile comme métier, faut supporter. Non mais attends, moi j'avais le père d'un pote et pas le port d'un père. Le port d'un père. Allô, je suis là. Allô. Tiens, il travaillait lui, il s'occupait de la construction des plateformes pétrolières. Ah ouais, bah allez, il est picolé aussi. Ouais. Ah bah ouais. Ah bah. J'ai fait 2-3 apéros avec lui, ouais. C'est-à-dire que le mec qui te couche quoi. Et comment ça t'est venu cette passion de la mer? Est-ce que c'est après avoir rencontré tu sais notre ami comment il s'appelle, le débile là? Voilà, c'est lui, ça, le commandant Baby. Le commandant. Bah évidemment. Ouais. Il m'a parlé de la mer, je me suis dit moi aussi il faut que je navigue. Non, c'est ma nouvelle passion. Tu vois, c'est bien Romano parce que quand on a tu vois, t'as des passions, la passion de l'argent, tout ça, mais t'as une nouvelle passion qui arrive, ça veut dire un peu de renouveau dans ta vie, un peu de trucs non, c'est bien je trouve. Bah attends, maintenant il faut que je l'aie hein, c'est pas garanti. Hein. Ouais, ça va gros. C'est facile non? Bon, ça va, à Paris, c'est facile. Tu vois les caves? Non, mais partout c'est facile. Et tu vas passer ton permis bateau sur la Seine. Non, mais non, là demain en fait, là c'est ça qui est bon. Mais t'as pas le choix quoi. Demain j'ai une journée entière de formation code. Donc c'est de 8h30 à 17h. Mais bon, c'est la durée légale. Il faut, après c'est géré. Et bon, là j'ai déjà révisé un peu la semaine là. Et après j'ai. Si vous avez des révisions à faire ce week-end, Romano lui en a fait toute la semaine après le morning à 9h30. Bam, il était chez lui et révisait tout. T'as raison. Bah non, mais ouais, parce que j'ai pas envie, tu vois. Je me suis inscrit, j'ai pas envie de mettre 6 mois, à l'avoir. Ah non, mais t'as raison. T'auras perdu. Tiens, je me suis mis dedans en plus. Bon, non, par contre, je me suis fait. Ou Samy, tu m'as un peu. Ah mais j'allais pas te dire de suite que. Tu m'as un peu déçu, Samy, parce que Samy là, lui, tu vois. J'en ai justement, j'en parlais avec Samy. Et je lui disais, ouais, le code. Et il me dit, oh, t'inquiète, le bouquin, il est tout fin. Ouais, j'ai été le commander. Le mec, il me tend le bouquin. Je lui dis, vous êtes sûr que c'est le bon? C'est un dictionnaire, ouais. Le truc, il fait 200 pages. Non, peut-être pas 200 pages, mais franchement, il est aussi épais que celui du code si de la route. Si je t'avais dit de suite que c'était la misère, tu l'aurais pas fait. Ouais, non, mais c'est vrai. Je dis, non, c'est tranquille. Non, mais je pense, bon, il y a. Et en le lisant, tu vas te rendre compte. Ouais, ça va, t'arrives à te démerder. Voilà, c'est moins long. Eh bien, on t'annonce ce soir en direct, Adrien, car il faut quand même t'annoncer la bonne nouvelle que tu as gagné la PS4, la nouvelle. PS4 Sartek man. Celle qui sort la semaine prochaine, et ben vous la gagnez dès maintenant sur Skyrock. Enfin, tu l'as gagné toi dès maintenant sur Skyrock, Adrien. T'es fan de la console? Ouais, je joue pas mal. Ah bah là, t'as la toute nouvelle qui arrive là. T'es content? Bah ouais, je crois que je vais me faire du bien là. Bah c'est bien, ça arrive pour l'hiver en plus. C'est parfait. C'est toi. Ah bah oui. Tu pourras rester à la baraque quand tu fais bien, froid. Je crois qu'avec, on peut aller sur Internet. Donc, de toute façon, tout faire. Hein. D'ailleurs, tiens, on va vous donner les caractéristiques de la nouvelle PS4, puisqu'on en parlait dans le morning. Si vous n'avez pas entendu cette semaine, on vous amène les caractéristiques de la PS4. Vous saurez tout sur la nouvelle PS4. Elle arrive la semaine prochaine, puis il y a une autre. Il y en a deux, en fait. Il y a la Pro qui va sortir. Il y a la PS4 Slim. En novembre, je crois. Et la PS4 Pro. Ouais. La Pro sort en novembre. Et la Slim, donc, elle a gagné. Bah, elle est même gagnée ce soir. Merci pour les messages. Et non, le nouveau délire de Romano, c'est la Chicon, au moins, qui nous laisse le message. C'était pas de renverser des mecs en bécane. Ah bah non, mais c'est pas moi qui ai renversé Cédric, qui a arrêté de balancer cette rumeur. Ouais, mais on a dit. Je m'en fous, de toute façon j'ai un alibi. C'est quoi ton alibi? Ah mon chien. Ah bah super, ils veulent bien parler. Tu me feras témoigner si tu as un problème alors. À la barre du tribunal, oui. Oula. En effet, à la barre du tribunal. Et donc ça, la nouvelle passion, c'était pas la drogue, c'est les messages qui revenaient, qui revenaient le plus souvent là. Merci pour vos messages et bravo Adrien, PS4 pour merci toi. Merci beaucoup. Bravo. Restez bien merci sur Sky. Merci beaucoup, bonne soirée. Les PS4, on aura et plein de bonnes choses pour le permis. Hein. Bah écoute, merci. J'espère que ça se passera bien. Je vous annonce bah ouais, que c'est. Vaut mieux le passer. Ouais. C'est, la, mieux c'est passer l'arrivée de nouvelles aventures. Alors ça, je pense qu'on va en entendre. Non, mais ça va être vite fait. Oh bah oui. Non, mais ça va être vite fait. Il va rentrer dans un paquebot, Bado. Le commandant BIB sera. C'est combien? C'est 1500 le permis? C'est quoi ça coûte un permis? Non, c'est 300 balles. Ouais, c'est. Tu es. Ah, mais c'est petit. Il y a plusieurs tailles de permis. Ouais, en fait, t'as le. Côtier, fluvial, hauturier. Ouais, c'est ça, fluvial, voilà, okay. C'est pour aller sur les rivières. Voilà. Tu es fou, ouais. Tu penses que Romano va dépenser 1000 euros dans un truc. Côtier, tu peux aller jusqu'à. Après, je sais pas. Non, moi je l'ai payé 269 euros. Ouais, voilà, c'est pas cher. Pour faire le bateau pendant les vacances, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, ou tu le connais. Ouais, au jet ski, ouais. 1000 euros, non, mais ça. Non, 1000 euros, faut pas déconner, j'aurais pas fait. Jamais ça. Bon, bah en tout cas, bravo Adrien, PS4 à la maison. On t'envoie ça, PS4 sur Sky. Super, merci beaucoup. Salut Adrien. Tiens, bonne soirée à toi. Ciao. Bon, bah ouais, pas mal le petit jeu là, le petit jeu de la radio libre de ce soir. Hein? Ah bah c'est surtout cool, pour le gagnant de la PS4. Ouais. Bah, tu m'étonnes, ouais, surtout pour Adrien. Il va pas se plaindre. Ah, putain, votre jeu il était à chier. Quand même, tu peux arriver à la PS4. Tu m'étonnes. Bon, si vous avez des passions, vous aussi, des nouvelles passions, vous découvrez en cette rentrée. Parce que bon, on peut avoir une passion qu'on a depuis tout petit. Moi par exemple, c'est le sport. Et le sexe. Le sexe aussi, le sexe depuis tout petit. Romano, c'était tout petit. Et voilà, donc si vous avez une passion nouvelle qui arrive comme ça, vous nous faites signe. Moi j'ai pas de nouvelles passions qui sont nécessaires. Non, mais moi ça c'est un. Si je m'occupe de mon jardin, je fais un peu de déco. Non, il arrose les plantes tous les jours, gros. Bah, ouais. Tu vas les faire crever. Passion, non, mais je fais ça quand je suis en été en vacances. Je fais pas ça là, de toute façon j'ai un. T'as planté quoi? J'ai un balcon, j'ai rien. La weed, la weed, bah oui, ouais, de la beuh. Uniquement de la weed. Il arrose la terre. Le jardinage. Tiens, ma passion c'est Jules, nous dit. C'est qui? C'est Chou sur SMS. Salut. Ouais. Salut à toi, Chou. Bon, et ben vos messages, si vous aussi vous avez une passion un peu particulière, vous pouvez nous dire, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous laisser vos messages. Tiens, ma nouvelle passion aussi, c'est de te gratter une clope. Ouais, j'ai vu. Allez hop, au passage. J'ai vu, Romano, ouais. Et la PS4, il y a juste quelques petits renseignements sur la PS4 qu'Adrien a gagné et qu'on vous file sur Skyrock. La PS4, la nouvelle qui sort septembre 2015. Mais non, tu m'as envoyé la vieille. Mais on est en septembre 2016. Ah, novembre 2016. Très bien. Mais c'est 2016, pas la, ouais. c'est pas la pro que je voulais. Ouais, mais la slim, c'est la même. Hein. Si y a, au niveau des caractéristiques. Sauf qu'elle est, ils ont réduit la taille, quoi. Ah, elle est jolie, moi je trouvais. Elle a rien de spécial, la slim. Non, je crois pas. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Je crois que c'est exactement c'est la PS4, mais version slim en fait. Elle a maigri. C'est-à-dire, elle a fait un régime. C'est ça. C'est comme si Cédric avait perdu 20 kilos. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. C'est ça. Ils l'ont redesigné. Il y en avait pas une qui était sortie qui s'appelait la slim déjà. Si. Si je crois, hein, y a déjà. Ça me dit quelque chose, moi. Donc, et la PS4 Slim, c'est semaine prochaine. Et la Pro, elle sort en novembre, le 10 novembre de cette année. Hein. Et donc la Pro, qu'est-ce qu'elle a? La Pro, elle aura un disque dur exceptionnel. Elle aura un processeur graphique super, à la puissance doublée, wow. Et un CPU mais magnifique, wow. Mais qui est identique. Ok, donc je lis ce qui est écrit sur mon papier. Okay. Notons également que plusieurs jeux sont déjà sortis à l'image de Infamous Second Son ou encore Call of Duty Black Ops 3. Yeah. Ils disposeront de patchs pour profiter de la puissance de la console. Bon bah écoute, c'est mais bien, c'est un beau cadeau ça, 399 avec euros. Ouais, c'est ça, ouais. C'est moins cher qu'un iPhone. Ah, c'est oui, deux fois moins cher qu'un iPhone. Si on compare les trucs. C'est vrai, c'est vrai. Ah non, et a priori, la Slim est un peu plus puissante que celle qu'il y avait avant, nous dit Nonou. Reboosté alors. Merci les spécialistes. Ah ouais, la Slim. Ouais, c'est ça. Et, et la Pro, elle est encore plus puissante que la Slim. Pour voir. Ok. Bon, on avait Thomas qui était en direct avec nous. Tiens, on va le prendre là. Et en direct du 66, ah oui, t'es des Pyrénées-Orientales. Allô? Oui, Thomas. Oui, ça va? Ça va, Thomas. Salut, Thomas. Ah oui, je vous appelais parce que j'ai un petit problème. Ah ouais, problème de quéquette. Oui, il est assez mal à l'aise, Thomas, parce que bon, faut pas être mal à l'aise quand on a un problème de quéquette. On a tous une quéquette et on peut tous avoir des problèmes dessus. J'ai personnellement un ami qui a la quéquette qui pue. C'est pas facile à dire, mais c'est moi. Oui, on a déjà essayé de l'aider dans l'émission. Ah ouais, faut se la laver déjà. Oh là, mais elle sent tout le temps le poisson. T'as un problème, c'est vrai. Il est pas tombé en moto récemment? Bah hier. Si, d'ailleurs, on a eu des nouvelles tout à l'heure. Ah oui, t'as pas entendu. On a eu des nouvelles tout à l'heure, Thomas. Ouais. Arrête de jouer avec des pièces derrière, tu vas exciter Romano. Tu vas l'exciter, Romano. Ah, joue plutôt avec des pièces. Romano, il est en extase. Complète. T'as un bruit de pièces, il est en extase. Ouais, donc c'est pas facile de parler d'un problème de sexe. Après, on est entre nous et puis ça arrive à tout le monde. Donc là, c'est un problème de. C'est physique, c'est pas sexuel ton truc, toi. Oui, ah, si, un peu. C'est bizarre à expliquer. Je vais vous expliquer. Vas-y, dis-nous, Thomas. Donc en fait, ça m'arrive depuis quelques temps que... Attendez 2 secondes. Oui, on attend 2 secondes. Hein. Attention, accrochez-vous. Oui, s'il y a ta mère derrière, je comprends que c'est pas super de parler de ton problème de zizi devant ta maman. Ah, c'est la marraine. Ah, c'est la marraine, c'est pas super non plus. C'est pareil. Tu parlais de tes problèmes de sexe, Romano, devant ta marraine? Non, mais moi, devant la famille, pas trop. Par exemple, que tu avais dos à tes pots qui puent, qu'après t'avais ton doigt qui sentait tout mauvais. Non, mais tu évites, quoi. Non, mais devant la famille, je raconte pas mes histoires de cul. Ouais, c'est ça. Elle est partie, la marraine? Oui, c'est bon. Parfait. Alors, tu peux tout nous dire, vas-y. Alors, en fait, ça fait quelque temps que quand j'ai envie de me masturber... Absolument, et oui. Et ben, je bande mou et... Et c'est long, en fait. Bah, c'est pas comme d'habitude, quoi. Ah bah ouais. Vous avez envie de vous masturber un petit peu, non? Non, Patrick, non, pas maintenant, tout de suite. On verra non, peut-être. Non, ça va, ouais, là, on va attendre un peu. On verra peut-être tout à l'heure. Tu bandes mou. Et alors, ça, ce qui est inquiétant, c'est que c'est à 14 ans de bander mou, c'est chelou. Ben, je sais pas, c'est bizarre, quoi. Ça m'arrive depuis même pas une semaine et moi j'ai rien compris parce que genre un jour normal et un jour... Ouais, mais tu te branles combien de fois? Ouais, ce que j'ai demandé, tu te branles beaucoup donc c'est peut-être. Si au bout de la cinquième oui, fois... beaucoup. Ah oui, c'est peut-être ça. Mais au bout d'un moment, t'es peut-être pas plus assez excité. C'est ça. Non, mais c'est quand ça m'arrive même rien que la première fois, en fait. Genre, des fois, ça, j'arrive à le faire plusieurs fois par jour, même pendant une heure, j'arrive à le faire 4 ou 5 fois. Ah ouais, non mais c'est pour ça que tu bandes mou, c'est parce que tu te branles 4 ou 5 fois en une heure. Mais t'es déchaîné, Thomas. Mais pourquoi? Bah parce que c'est pas mal, attends, 4 ou 5 fois en une heure, c'est une belle performance, Thomas, en tout cas. Ah non, mais ouais. Ouais, but? Non, pas but. C'est reparti, man. Ah, c'est reparti pour le match. Tifou, il a paniqué, hein. Ah ouais, bon, j'ai pris le cœur et tout. J'avais Karim qui souriait en montrant la télé. Allez, je vous fais un tennis. Vas-y. Bon, mon fils est en train de se faire défoncer au premier set. 5-1. Ah oui. En plus, il avait perdu aucun set, mon fils. Ouais. Bah là, je crois qu'il va en perdre quelques-uns, là. Je crois en tout cas, pour le premier, c'est pas gagné, ouais. Ouais, ouais. Non, il est remonté à 5-2 à l'instant. Ah, c'est bien, mon fils. Gaël, mon fils, qui joue contre Djoko ce soir en direct sur Sky. Et le PSG qui joue contre Saint-Etienne, 45 minutes de jeu. Et c'est reparti, ça vient de reprendre. Et c'est les Stéphanois qui ont la balle et qui ne l'ont plus. Ah si, qu'ils la gardent. C'est bien. Touche pour les Stéphanois. Donc, ouais, mais 4 ou 5 fois par jour, je sais pas, dites-nous les gars, si vous, par heure, pas par jour, si vous arrivez à vous branler 4 ou 5 fois en une heure. Romano, qui est quand même un des, on peut le dire. Un des gros branleurs. Un des gros branleurs de l'équipe. Ouais. Est-ce que, combien t'avais fait une fois? J'avais fait 7 ou 8 fois en une journée. Ouais, voilà. Donc c'est déjà pas mal. Bah, c'est ça. Pas vraiment une heure, c'est genre une après-midi, quoi. Oui, ouais, non, mais t'es sur une bonne moyenne. C'est pas mal quand même, Thomas. Mais est-ce que à chaque fois, tu penses à la même chose? Non, ça m'arrive, enfin, je change, quoi. Tu bandes avec ta tête dans tes pensées, ou alors tu mates des trucs de cul? Un peu des deux. Un peu des deux. Et tu bandes mieux quand tu regardes un truc de cul, ou alors quand tu penses à des trucs de cul? Non, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Bon, ouais, donc y a pas de différence là-dedans. Non, apparemment mais, pas. Non, mais je pense que c'est, tu trouves pas que c'est beaucoup, en une après-midi? Non, mais je pense que, c'est que t'en as marre. Et si tu fais ça tous les jours, je pense que, voilà, sans t'en rendre compte, tu fais ça machinalement et du coup, ça monte pas, quoi. C'est la routine. Moi, je pense qu'il y a pas, de toute façon, ça marchait très bien il y a une semaine. Oui. Oui, donc tu t'es pas cassé la bite en l'espace de. Non, mais là, en fait, ce soir, j'ai refait, là. Ouais. Et c'était à peu près. Ça, j'ai passé. C'est moyen. Tu veux que Marie te parle pour Bien sûr, t'as raison. Non, mais pour essayer, mais c'est médical, Marie. C'est médical, ouais. T'as raison, ouais. C'est prendre service. C'est la Sky Solidarité. Tu connais la Sky Solidarité, Marie? Bien sûr. Et ben voilà, c'est ça la Sky Solidarité. En tout cas, cette fois en stress, ça s'entend. Hein. Bon, allez, c'est normal. On vous laisse un peu tous les deux, Marie, vas-y. Ouais, c'est ça, t'as raison, ouais. Vas-y, Marie, allez. Non, mais oh, t'es désolé. Salut. T'as raison, ouais. Salut, bébé. Vas-y, appelle Pam. Salut la fille. Salut les filles. Ouais, dites-nous si ça vous est déjà arrivé, vous aussi, d'avoir un petit... Un petit coup de mou. Ouais, vous... Mais je pense que c'est parce qu'ils se branlent beaucoup, hein. Bah ouais, normalement, ouais. Je pense que c'est à cause de ça, ouais. Moi, je pense que... m'a dit ça, mais... Bah oui. Normalement, si je le fais trop, c'est... Je sais pas, ça devrait le faire qu'une seule fois. Non, mais faut que tu te retiennes. Enfin, après, tu fais ce que tu veux avec ta bite, si t'as envie de t'amuser avec ton zizi. Ouais, mais que ce soit pas automatique, parce que du coup, t'es moins excité. Non, mais ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est déjà que tu te branles pas pendant une journée. Tu es chiant, le lendemain, tu vas bander comme un âne. Ouais. Ah, oh, c'est chiant, ça. Ah, ouais, mais c'est chiant, mais bon, il faut savoir ce qu'on veut au bout d'un moment. Drogué. Toi, t'as découvert ta bite, tu l'as lâchée. Ouais, c'est ça, ouais. Vous êtes ça fait quand même, depuis 3 ou 4 ans que j'ai découvert. Oh, vas-y, arrête, ça m'excite. Arrête, Cédric. C'est dégueulasse. Tu veux pas plutôt aller jouer avec le guidon de sa moto? Voilà, c'est ça, qui se le met, le guidon de la moto. Ouais, ouais, ça m'excite. Il y a Inès qui nous dit, vous êtes des malades, les gars, avec votre bite. Pourquoi on est des malades avec notre bite? On peut jouer. Qu'est-ce qu'il y a, Karim? Karim a l'air désespéré. Non, mais regarde, hop, il y a une faute. Ouais, mais la balle, elle revient. Ouais. Verratti tire, but, mais l'arbitre, il siffle au moment où il y a but. Ah bah ouais, bah y a pas but alors. Hein. Bah non, putain, mais ça va. Donc je vous annonce un but. du PSG refusé par l'arbitre. Putain. Coup de sifflet juste avant qu'il rentre. Autrement, c'était pas mal Verratti ce qu'il a fait. Ouais, hein. Une bonne frappe. Ouais. Il est bien Verratti. Hein. Verratti du PSG avec une. Avec un premier tir de Ben Arfa, ça rebondit. C'est Verratti qui reprend et l'arbitre avait sifflé faute. Et ouais, putain, merde. Et faute pour et le voilà. PSG. Donc coup franc dangereux pour le PSG ouais. En Suisse en direct. Alors, d'où est-ce que ça vient d'après vous? Tout le monde dit la même chose. Trop de branlette. Ouais, c'est de branlette, ça. Ouais. Trop de branlette, tu la branlette. Pour Bruno là sur SMS. C'est grave trop automatique en fait. Mais non, est-ce que genre ça va partir, ça va revenir normal? Ah bah oui, ça va revenir normal. Mais faut que t'arrêtes de te branler 4-5 fois par jour aussi. Ah ouais. Qui c'est qui s'est déjà branlé 4-5 fois dans une après-midi? Franchement, moi oui. Romano, oui. Non, mais franchement, non. Au bout de la cinquième fois, tu bandais mou ou pas? Ah non. Ah, tu bandais toujours dur, toi. Toujours veineuse, quoi. Ouais, mais par contre, j'étais. Tu jutais moins. Ouais, et puis j'avais le gland très rouge. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est moins bien. T'es moins sensible. Bah ouais, ça, au bout d'un moment, ça t'irrite la bite, mon pote. Bah oui. Hop là, au-dessus le PSG. Ça aurait été bien au rugby, ça pas mal à thème. C'est bien, les gars, tirer les pigeons. Allez, hop là. Toujours 0-0 entre le PSG, Saint-Etienne, deuxième mi-temps, 40 ou 50e minute de jeu, je sais plus. C'est dur pour Paris, c'est dur. Bon, c'est pas simple pour Saint-Etienne non plus, mais bon, pour l'instant. Tiens, regarde, Difool qui nous dit, c'est pas moi, la voix de Marie est tellement excitante que moi, je me branle tous les soirs. Pff, ouais, bah super, bien ça pratique. Me rassure. Et il y a 17 cm dans ta gorge qui nous dit, moi, je me branle, et quand je me branle, ça dure au moins 2 heures. Bah, heureusement que tu le fais pas 5 fois, parce que ça te fait 10 heures à la suite, ça fatigue un peu. Ah bah ouais, faut avoir que ça à foutre, quoi. Oui, bah ouais, c'est vrai. Parce que bah, et puis pendant 2 heures, putain, t'as mal au poignet au bout d'un moment. Ah ouais, c'est long. Change de main. Hein. Donc Thomas, c'est normal que t'aies le gland rouge, c'est normal que tu bandes un petit peu moins. Je pense que c'est normal. C'est ouais, je pense aussi. Hein. Trop de branlette, tu la caquettes. C'est genre, ça met genre 5 minutes bande normale et après. Vite. Je sais pas, c'est bizarre, c'est tout le monde. Bah après, c'est pfft. Bah oui, oui. Non, mais déjà, branle-toi main, tout le monde le dit. Regarde, encore des messages. Khaled qui nous laisse un message qui dit. Branle-toi bien, oui. Il a qu'à se branler moi, le petit. Bah oui, attends d'avoir envie au lieu de te créer le. Mais en fait, j'ai envie tout le temps. Ah, t'es chaud. Bah c'est ça. Non, mais t'as pas un autre truc, je sais pas, on parlait de console, on a offert la PS4 là tout à l'heure. T'as pas envie de jouer, tu tapes une partie entre deux branlettes, comme ça laisse un peu de temps. Ouais. Non, mais sinon, trouve-toi une meuf, hein. C'est pas mal non plus. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée, ça, Romano. Après, ta manette, elle doit puer, là. Enfin, bon. Ouais, elle va puer la bite, mais non. Non, mais sinon, une meuf. T'as pas de meuf, Thomas? Non. Ah, faut en trouver une. Ou un mec. Parce que tu veux. Non, ça, non. Et la branlette rend sourd. Voilà, c'est ça. Il dit comme les vieux, vous savez, c'est but. Oui, ouais, c'est ça, ouais, ça rend sourd. La branlette rend sourd. Le mec, en général, qui dit ça, il est à un certain âge, il commence à devenir complètement sourd. C'est un gros branleur aussi. Ouais. Et bien, ouais, il est sourd comme un pauvre. Regarde, moi, je n'entends plus rien. Tiens, dites-nous si vous êtes chaud comme lui, si ça vous est déjà arrivé comme ça de. Les filles hallucinent. Hein. Je vous avais lu le message, je crois que c'est Inès qui nous laissait un message. Les filles, vous hallucinez sur le fait de se branler 5 fois dans une après-midi. Pour vous, c'est. Bah ouais, c'est énorme. Il y a bien des filles qui doivent se toucher la moule en non-stop, non? Mais il y en a même qui se mettent des trucs dans la chatte et qui sortent comme ça, non? Et alors? C'est quoi le problème? Tiens, moi je suis circoncis, c'est pour ça que ça dure 2 heures. Ah ouais, t'as un autre qui dure 2 heures là. Non mais Marie, toi, c'était jamais arrivé de te toucher la boule un après-midi entier? Ah non, jamais non. Genre plusieurs fois dans l'après-midi? Oh non, ça me ferait chier. Excité, t'as pas de mec, t'es en chien. Non, puis après t'es moins sensible, non. Ah bah ouais, c'est peut-être pour ça qu'ils bandent moins. Ouais, mais je pense que c'est ça. Mais hein, c'est ça. Hein. Là, hein. Tiens, on salue Charles qui nous dit, moi, tellement j'adore me branler tous les midis à ma pause, au taf, je vais me masturber aux toilettes. Carrément. Je salue tes amis, Charles. Si vous le connaissez, eh bien, serrez-lui la main après leur pas de midi. Eh ben oui. Voilà. Ça va sortir un peu la queue. Ouais. Ça va peut-être être collant aussi un peu. 3 ou 4 fois dans une journée, c'est trop. Voilà, tout le monde est d'accord, hein, Thomas. Donc, ralentis un peu la branlette. Et puis. Lâche un peu ta bite. Lâche un peu ta bite. Et, okay. Et tu verras, ça ira mieux. Eh ben, merci Thomas du coup de fil. T'inquiète pas, il n'y a rien. T'as rien. Une dédicace. Vas-y, grave à la bite. Hein. Alors, non, non, ça marche bien a priori. Salut Tony. Fanny. Salut Fanny. Eva, Cyril. Yanis aussi, faut pas l'oublier. Salut Yanis. Et voilà, il y a moyen de gratter un petit truc. Ouais, on t'envoie le t-shirt Skyrock, le collector à la maison dans le 66 à Perpignan. Que pour toi. Et oui, que pour toi. Et dans un instant, on se retrouve ensemble en direct. On fera le multi-appel. C'est un double appel amélioré, le multi-appel. On appellera des gens qui bossent. Ah, d'ailleurs, je voulais vous demander, je vais pas demander ça. Si vous avez des gens qui bossent dans votre entourage à cette heure-ci. Ouais. Ou si vous connaissez des endroits où vous allez régulièrement le soir, des bars, des fast-food, des kebabs, n'importe quoi. Des épiceries, ouais, des trucs ouverts le soir. Vous nous laissez les numéros, en plus il y a un de vos potes qui bosse dedans, c'est peut-être marrant. Donc vous nous laissez les numéros de téléphone et on les appelle. Faut pas leur dire qu'on appelle. Et on appellera tout à l'heure, avant minuit, les gens qui taffent pour le multi-appel. On essaiera de le faire moins tard que la semaine dernière. Ouais. Parce que la semaine dernière on avait fini l'émission avec, c'était super, mais on va essayer de le faire avant. On va s'y mettre. Et oui, on va s'y mettre. Bon, Samir arrive dans un instant à Toulon. Salut Samir. Ouais Samir. Salut. Salut Samir. Ouais, Samir. Comment ça va Samir? Ça va et vous? Et ça va pas mal Samir, bienvenue. Donc, merci.

We Love You. C'était DJ Snake avec la voix de Justin Bieber sur ce morceau d'extrait de l'album de Snake. Romano. Mais vous êtes qui, monsieur? Mais je ne suis pas monsieur, je suis pas Mella. Oh, ça suffit. T'as la même voix que moi alors que moi je suis un mec. Dis fool. Vous êtes vraiment des branquignols, sérieux. Branquignols. J'ai bien noté le mot que je n'avais pas entendu depuis avant l'an 2000. Cédric. Ah bah nickel. Ah bah génial. C'est Michel au téléphone. Ouais. Ah bah tout de suite. Ah bah génial. Marie. Bah ouais, les deux. Langue sucée en branlant. Tu peux faire les deux en même temps, ouais. Samy. Bonjour Samy d'abord. Ouais, bonsoir tout le monde. Et Karim. Est-ce que des fois tu t'arrêtes et tu prends des prostituées? Diffoul Radio Libre. 21h, minuit, tous les soirs sur Skyrock. Et ouais, même le vendredi, on est là en direct jusqu'à minuit avec du foot à suivre. 60e minute de jeu bientôt pour le PSG et l'AS Saint-Etienne au Parc des Princes. C'est le 1000e match du Parc des Princes ce soir. C'est ça, ouais. Il a ouvert en 1973. C'est le 1000e match. Ils ont décidé, et on remercie le PSG d'ailleurs pour ça, de le fêter avec une équipe digne de ce nom, l'AS Saint-Etienne. Et ouais. Allez les Verts. Millième match et 0-0 toujours entre le PSG et Saint-Etienne. Ah mais je vous dis, vous allez faire une saison de merde les gars. Mais non, tu vas en Paris finir. C'est fini. Ah tu parles de Paris, tu parles pas de Saint-Etienne. Oui, bon, Saint-Etienne, c'est bon, habituel. Bon. Oh. Pour le PSG, allez Paris Saint-Germain. À vouloir tout changer. Bon moi je suis derrière les Verts. Tout perdre. Ah, je suis... Et on sait ce qu'on a, Karim, on sait pas ce qu'on trouve. Ouais, mais tu sais, tu l'herbe est toujours plus gagner, verte dans le pré d'à côté. Exactement, Samy a raison. Si tu veux gagner, faut changer, man. Ouais, mais il est Marseillais, il donne des conseils de merde pour que tu te plantes. Non, mais bon, tu comme toutes les équipes. Regarde, le Real Madrid, il gagne, et d'un coup, il change d'entraîneur. Alors, TF1, il change de direction, poum, ça marche plus. France 2, poum, ça marche plus. Canal Plus, poum, ça va fermer. Mais regardez, PSG, poum, ça marche plus. Et voilà. Non, mais Laurent Blanc, il était pas si mal. Bah oui. C'est pas le meilleur entraîneur du monde, mais c'est pas mal. En tout cas, il était premier tous les ans. Ouais, c'est vrai. Et ouais. Et cette année, il s'est pas battu contre Saint-Etienne. Cette année, c'est Guingamp qui est premier, je crois. Ouais, t'as vu devant Saint-Etienne, devant Paris, devant Putain, tout c'est le monde. Dire le niveau de la Ligue 1. Ah ouais, oh la vache. Bon, en tout cas, le PSG 0, Saint-Etienne 0. Il reste une demi-heure et en une demi-heure, tout peut arriver. C'est comme dans la radio libre tous les soirs. Ouais. Bon, il y a Samir qui est avec nous en direct de Toulon. Il a une question à vous poser juste après. On va tenter double appel, multi-appel et puis on vous écoute jusqu'à minuit. Donc n'hésitez pas à nous appeler. L'équipe est là. Même si Cédric n'est pas là, mais tu es toujours avec nous dans notre cœur, Cédric. Salut les filles. Oui. Ouais. Bon, c'est pas, c'était pas la réponse qu'on attendait, mais. Bon. Mais merci, salut quand même, Cédric. Salut les filles. Je pense que ça vient des cachets qu'il prend après sa chute en moto. Je pense. Je suis tombé. Vous rappelez, on se foutait de lui parce qu'il conduisait. Déjà, il a l'air d'une grenouille sur une moto. Une grenouille à tête de hamster. Une grenouille à tête de hamster. Ouais, parce qu'en fait. Et à corde de porc. Voilà. Un truc assez bizarre. Donc, on se foutait de sa gueule parce qu'on trouvait qu'il conduisait mal. Mais il conduit mal, c'est clair. En moto, il conduit mal. Bah, la preuve, hein. Et le soir, avant après, si c'est fait carteler par un mec, bon, ça, tu peux rien, quoi. Le soir, avant que ça arrive, on était là, mais c'est pas possible de rouler pareil. Ouais, on était dans la voiture. Dans la voiture, on le regardait, faisait le kéké à côté. Voilà, vroom, vroom, voilà. Tout dedans en avant. Tap, tap, tap, tap. Moi, je t'ai dit, il était venu en bas de chez moi une fois avec sa bécane. Le mec avait failli se vautrer deux fois. Il venait d'avoir le permis. Déjà, il essaye de remonter du parking souterrain. Il y avait une pente dans la pente. Tu sais, à un moment donné, ce con, il a pas assez accéléré. Donc, la moto, elle commence à partir en arrière. Imaginez un peu. Et après, il a voulu tourner sur place, mais je sais pas, il a galéré. Limite, j'étais obligé de le retenir. Ce con allait se vautrer, quoi. Heureusement que t'étais là, Romano, pour le sauver une fois de plus. Bah ouais. Hier, malheureusement, je n'étais pas là. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, voilà, toute l'équipe est là, sauf Cédric. Même si on l'a eu tout à l'heure, on te salue, on Cédric. On pense à lui. Big up à lui. Tu vois, on n'arrête pas de parler de toi, Cédric. Tu nous manques, mais c'est à un point tel. Ah bah, il prend de la place d'habitude. Hein, c'est vrai, ça nous fait tout drôle. Pray for Cédric. Non, mais arrête. Hashtag pray for Cédric. Très joli, ça, Romano. C'est l'horreur. Donc, on va tous se mettre en marche, en tout cas au niveau des cerveaux, parce que Samir, il a besoin de nous. T'es là, Samir? Ouais, je suis là. En direct de Toulon. Et t'as 25 ans, Samir. C'est ça. Et t'as une question à poser, bon, à nous, et puis surtout à tous les auditeurs, parce que vous avez plus de cerveau que nous. Hein. Ouais. Enfin, vous êtes plus, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, exactement. On a des cerveaux qui marchent très bien, énormes. Donc, une question à poser aux auditeurs de Sky, aux auditrices aussi, pour un truc romantique. Alors. C'est ça, en fait, voilà. Donc, je vous explique. Donc, ça fait 4 ans que je suis avec ma copine. Mmh. Non, et Romano, s'il veut pas enculer sa copine, parce que j'ai parlé d'un truc romantique depuis tout à l'heure. Ah ouais, mais romantique. Tout à l'heure. Ça peut l'être, hein, si c'est bien fait gentiment. Une sodomie romantique. Non, je suis pas sauvage. Bref. Vas-y, Sam. Donc, en fait, voilà, en fait, je vous explique. Ça fait 4 ans que je suis avec ma copine, et là, dans 20 jours, c'est son anniversaire. Oui. Et j'ai envie de lui faire un cadeau. Mais vraiment, vraiment un vrai cadeau, tu vois. Et limite, j'ai même envie de la demander en mariage ce jour-là. Ah ouais? Bah. Beau gosse. Mais tu vois le truc basique, je l'invite à un restaurant pas, avec une rose et une bague. Non, déconne pas, Samir, tu vas pas te marier. Ça y est, je suis en âge de me marier, 25 t'es sûr, ans. Ah ouais, t'es sûr. Non, mais Samir, tu vas pas faire ça. Elle va kiffer ta meuf. Ben non, mais ça y est, tu vois, il faut. Et tu vois, le truc, c'est que je voulais te demander s'il n'y a pas des plans, une ville romantique, à part Paris. Ah oui, tu es de Toulon, donc tu n'es pas trop, ouais, tu n'as pas envie de monter à Paris, d'accord. Tu vois, une belle ville avec un beau concept, tu vois, parce que, comme je t'ai dit, les demandes basiques, une rose, une bague et un restaurant. C'est impossible. Donc, fait, pour vérifier, tu veux la demande d'un mariage, ça, t'en es sûr? Ça, c'est certain. Ah, c'était pas une question, genre, ouais, est-ce que c'est bien de la demander un mariage pour un cadeau d'anniversaire? Donc non, là... oui, voilà, c'est une question aussi, ça peut être une question, mais je pense que ça pourrait faire beau, quoi, ça pourrait faire beau comme cadeau si. Ouais, c'est clair. Alors, parce que, voilà, combien de budget? Ouais, ça dépend de ça, ouais. 1003. Ouais, alors, ça va. Romano a un truc à te proposer. Bah déjà, je prends 1000. Ah non, après, tu vas te faire enculer. Bon, il t'invite à Paris. En Bourgogne, puis tu veux pas aller à Paris. Il te loue la maison de ses parents. Tu fous tes parents chez la grand-mère. Ouais, très bien. On va s'arranger. Belle maison. Pour 1300 balles. Ah, mais va à Venise. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'ai pensé à l'Italie, tu vois. C'est ringard, on nous dit. Ouais, c'est un peu cliché, je trouve. Ce qu'on avait dit Venise tout à l'heure, il y a Baby Chou qui a déjà répondu, qui dit c'est ringard. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ah, mais moi, j'étais en Italie, j'étais avec des potes italiens qui s'engueulaient se disant Rome, c'est plus beau que Venise. Bon, c'était le grand débat, quoi. Ah ouais. Les deux, c'est vachement bien. Mais tu vois, eux, au final, le bilan de la discussion, ça a été que finalement, ils préféraient tous Rome. Après, c'est de taper sur la gueule parce que les mecs de Venise étaient moins forts. C'est ça, ouais. Eux, ils se sont fait démonter la gueule. Donc, excusez-moi, au bout d'un moment, les gars. Pénalty pour le Paris Saint-Germain. Et pourquoi? Eh bah, parce qu'on est meilleurs. Parce qu'ils sont juste capables de gagner sur un pénalty. Gadi, ça, Romano. Non, ils vont pas le mettre pas. Ah, s'imagine, vous le ratez. On va suivre. Ah, putain, merde. Ouais, c'est le Stéphano mal cuit. Bah oui, elle a laissé plus longtemps dans le four. Mal cuit. Ils vont rater. On va voir s'ils vont rater. On va suivre le, match en direct. Alors, on va tirer dans la quoi? Dans la tribune. Alors, on va voir ce qu'il tient dans la tribune. On va suivre le pénalty, on dirait. Juste un truc, Marie, Marie, elle est venue avec sa chatte ce soir, oui. Son animal. Hein. Mais la chatte, en fait, elle est comme Marie. Genre, elle est collée au mur, comme si elle était ivre morte, et avec la patte, elle se grattait la chatte. Non, mais ouais, mais c'est. Là, j'étais en train de. Elle est assise comme un homme. Ouais, mais tu sais, genre, elle est appuyée sur le mur. Ouais. Là, avec la clope et la bière. Ouais, mais c'est Lucas. Et c'est Lucas qui tire le pénalty pour le Paris Saint-Germain. J'aime bien Lucas. J'aimerais bien qu'il le loupe par contre. Champion mon frère. Ouais, c'est champion mon frère. Vas-y, loupe-le Lucas. Allez, loupe. Loupe, il le marque. Et un but pour le PSG. 1-0 pour Paris face à Saint-Etienne. But sur pénalty de Lucas sur le terrain du PSG. Et comme on dit, champion mon frère. Champion mon frère. Champion mon frère. Et Thomas dit full comment il est dégoûté. Ah ouais, il est non, bah c'est bien, bon vous gagnez. Heureusement que vous gagnez 1-0. Eh ouais, parce qu'on baisse Saint-Etienne nous, à chaque fois. Bah attends, vous les baisez sur un pénalty. Si, je te jure, là vraiment, je te jure, à chaque fois on les tape, mais des scores 4-1, 5-1. Ils vous ont déjà mis la misère comme souvent en Coupe de France. Là, il faut en marquer encore quelques-uns pour faire 4-1. Hein. Ouais, bon. Mais t'inquiète, on a le temps, on va en mettre. Bon, c'est bien, Lucas, bien joué. Champion mon frère. Et 1-0 à la 60 et quelques minutes de jeu là. Et voilà. Il vous aura fallu un pénalty pour marquer quand même. Ah, alors Difool, Saint-Etienne. Alors, ça va? On gagne. Heureusement que vous avez l'arbitre dans la poche. Eh hein, bah alors Saint-Etienne. Hein? Tu crois pas que l'arbitre il est corrompu par l'argent du Qatar, Samir? Ouais. Ah, vous avez le Pokésum, les gars. Vous avez le Pokésum, les gars. Il a reçu le chat, va. Et ouais, je pense aussi. Hein. Bon, allez, 1-0. Et Benarfa sort et Cavani. Ah, Cavani, pied carré, rentre. Ouais, le meilleur. Non, mais cette année, Paris, ils vont pas faire quelque chose d'exceptionnel. Hein. Bah, c'est plus difficile que les autres années. On va juste être champion de France comme toutes les autres années. Mais bon. Non, qu'est-ce que tu me Monaco, ils vous ont tapé. Monaco, ils vont mais vous alors, taper encore. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le Real, l'année dernière, ils ont bien le même Barça. Ils ont bien perdu contre cette année, vous faites quoi? Vous dépassez l'écart ou vous arrêtez en 8e? Après, la Ligue des Champions, vous dépassez pas l'écart. Hein, maintenant, ça commence à parler de Ligue des Champions. Bah, tu verras. De toute façon, on n'est pas encore en quart. Donc, faut voir. Mais c'est la Champions League, quoi, Paris. C'est la Champions League. Pas passer les poules. Ouais, déjà, ouais. Ah si, tu verras, gros. Il est content, Samir. Il est content, Samir. Mais tu supportes qui, toi, Samir? L'OM, une fois. Il a dit, Samir. Ah, l'OM. Mais vous, bon, Samir. Mais sinon, vous jouez quand en poule, vous, déjà, d'ailleurs? Frère, t'explique. Ah non, mais explique pas, c'est quand pas, que tu l'as l'étoile sur ton maillot? De quoi? C'est quand l'étoile, c'est quand que tu l'as l'étoile sur ton maillot? Ah, mais si vous êtes resté bloqué en 70, les gars, c'est votre problème, hein. 92, 93, non? 93, mon ami. C'est les mecs qui sont restés dans le passé. C'est comme Saint-Etienne. T'as l'impression, ils ont encore Platini, gros. Ouais, Saint-Etienne attaque, mais méfie-toi, Karim. Bon allez, ensuite match, on va s'occuper de toi, Samir. Donc vous nous dites, déjà pour se marier à 25 ans, oui, bah écoute, pourquoi pas, ça fait combien, ah, bah, oui, combien de temps, 4 ans. 4 ans que t'es avec ta meuf, oui, donc t'es sûr d'elle. Eh ouais, ça fait 4 ans, tu vois, et tout, les familles se connaissent, et voilà, tu vois, je suis... Non mais bon, si ça vous... Mais bon, t'es sûr qu'elle va dire oui. Non, mais oui, on en a déjà parlé. C'est jamais dit. Hein, après, non, juste pour revenir à Venise, est-ce que parce qu'il y a une période dans l'année où ça pue, hein. Ouais. Je sais pas laquelle. Ouais. Ouais, justement, c'est l'été, parce qu'en fait, avec les canaux, la chaleur, ouais. Ouais, l'évaporation. Ah ouais, mais si tu vas à cette période, il va encore faire chaud. En Italie, il fait chaud. Quoique Venise, c'est l'Italie du Nord aussi. C'est quand ton projet là, ton anniversaire là? 15 jours, non? C'est le 23. Ouais, c'est ça. À peu près dans 15 ouais, jours. Ouais, ça va encore. Donc, va. Dans 23, tu vois, il me reste deux encore semaines. Deux semaines, mais tu vois, deux semaines, ça passe vite. C'est vendredi dans deux semaines. Bon, alors, qu'est-ce que vous trouvez de romantique pour une annonce de demande en mariage? Allez-y. Ah, il y a un message de l'équipe qui nous dit, moi, ma sœur est folle. Elle a 18 ans et elle veut déjà se marier avec son mec. Ça fait que 6 mois qu'ils sont ensemble. Ah ouais. Ah ouais. Bon courage à toi. Rapide. Ça va mettre tu vas pas te faire chier cette année parce que ça va mettre de l'animation dans la famille. Ça va les crises qu'il va y avoir. Enfin, avec les parents, tout ça, la sœur 18 ans qui veut se marier. Non mais comment vous bah ouais, c'est comment tu réagirais Romano si tes parents ne te laissaient pas te marier avec ta gothique par exemple? Non mais je veux pas me marier avec ma gothique, j'ai été mal. Tu vas le foutre à bout. Faut se mettre à la page, hein, je suis plus avec elle. Hein. Oh, dans ta tête, tu l'es toujours un peu. Non, mais je suis plus avec elle, laisse tomber. Si, je sais pas, Samir, c'était un habitué de l'émission. Est-ce que Romano nous parle de sa gothique tous les soirs? Tous les soirs, il fait chier avec toutes ça. Toutes les heures, même. Toutes les heures. Toutes les heures, bah ouais. Tu sais que ce matin, il nous en a parlé dans le morning. Même dans le morning, ça le travaille, ce truc-là. Ouais, ben voilà, tu vois, moi je travaille à 6h du matin, donc du coup, je vous écoute. Oui. Même le matin, il nous saoule avec sa gothique. Sa gothique, tout le temps la gothique, c'est un gothique, tout ça. Il est amoureux. Non, mais amoureux du tout. Si, il est amoureux. Tu es amoureux. Ah, faut c'est pas avoir honte, Romano. Non, mais si, j'ai honte. T'as vu le machin. Il y a de quoi avoir honte. C'est comme moi, Romano. C'est comme moi, demande un mariage. Marie-toi. Non, mais pas avec la gothique. Bah, si, tu l'invites dans un cimetière et tu lui annonces ça sur le cercueil. C'est heureuse en plus, cette connasse. Une nuit de noces dans un cercueil, gros, c'est bien. Ouais. Et après, ça lui ferait plaisir. Bon, on va s'occuper de toi, Samir. Donc, des trucs romantiques, merci. Tout ça, pour une demande en mariage, est-ce que vous l'envoyez en resto, une belle demande romantique, toute simple, pour Yamaha, en Espagne, pour la demande. On nous proposait aussi Barcelone, en parlant d'Espagne, j'ai vu des messages qui défilaient. Et il y a Fibra 69 qui est italien. Ouais. Et lui, il dit Roma, c'est plus classe. Venise, c'est bon pour la retraite. C'est vrai. Sinon, il y a place, ouais. Tout le monde me dit, il faut voir Venise au moins une fois dans sa vie. Ouais, ouais. Venise. Mais tous les gens qui bon, ils sont italiens donc ils connaissent quoi. Ils m'ont dit ouais, il faut rester 2-3 jours maxi parce que après. Ouais, mais Venise, tu vas pas. Ouais. Non, mais parce que tu sais, il y a des gens ils vont genre une semaine quoi. Ouais, vraiment d'un mariage, ça peut être pas mal. En fait, si t'es passionné, tu vois. Vendredi, samedi, dimanche. Venise, moi j'y pensais. Venise. Mais sinon après, si tu vas aller en Italie, il y a des coins super jolis qui sont moins connus et qui sont plus tranquilles. Parce que le problème c'est que Venise, ça va être blindé quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, après moi si je pars, tu vois, si je pars un week-end, tu vois, je la prends avec moi vendredi. Parce que tu vas au restaurant, que ça soit à Venise ou à Toulon ou à Marseille. Sur une gondole. Faut un nouveau concept, tu vois, faut un nouveau truc, tu vois, parce que si je la demande comme ça, c'est bon. Moi, franchement, je partirai pas avec elle, tu vois, j'irai avant et je lui laisse une enveloppe avec un truc ou quoi, qu'elle vienne toute seule. Ah, je lui écris, je suis allé faire la fête avec les potes, on va niquer des putains. Et je te demande un mariage. Non, mais un scénario ou un truc, tu vois, qu'elle se pose des questions. Et tu fais ta demande ouais, et quand elle arrive, beau gosse, machin, ouais, un truc comme ça. Ah, genre destination secrète, quoi. Ouais, voilà. J'envoie un billet par la poste. Ouais, ou alors tu lui laisses une enveloppe et quand elle rentre, elle va avoir l'enveloppe et il y aura son sac qui sera préparé, tout ça. Direct, elle va devoir partir, il y aura un taxi qui l'attend, machin. Et en fait, le truc, c'est que. Elle te rejoint après. Un scénario où elle va lover, toi. Sa grande soeur, tu vois, elle est vraiment complice avec moi. Eh ben voilà, tu peux organiser ça. Très bien. Elle le sait, tu vois. Et donc, j'ai bien envie de me servir de sa grande soeur aussi pour. Carrément. T'as une complice, c'est bien. Bon, bah dites-nous si vous avez d'autres idées, on va mettre ça. Saint-Gouin lui dit en Italie le lac de Côme. Ouais, mais c'est magnifique là-bas. Ouais, moi je suis allé au lac de Côme. Ah, c'est pas beau. Ah, ouais, non. Ah, ouais non, c'est pas super. Le Saint-Gouin, il disait que c'était magnifique. Ouais, je sais pas, je connais pas. Non, mais c'est joli, c'est un beau lac. Après. Bon. Ça a rien d'être. Chala va au lac Grandjean, quoi. Tu vas te faire chier, ouais. Ouais, c'est vrai. Va au Tain. Ouais, voilà. Au lac Chambon. Non, ça c'est en Auvergne. Non, mais te retrouver au lac de Côme alors que t'habites à Toulon, au bord de la Méditerranée. Ah ouais, c'est pas bien. Je sais pas, non, c'est pas dément. L'hôtel Spa. Ah, prends un hôtel Spa. Il y a des putains d'hôtels, ça peut être super. C'est Soussou71 qui a 20 ans qui propose ça. Bayonetta, elle, hop, carrément, elle t'envoie au Japon. Oh bah, pff, ah ouais. C'est pour un week-end, c'est un peu con. Si, tu fais l'aller-retour dans l'avion. Oh bah, ça arrive long. Tu ne sors pas de l'avion. Demande un mariage sur une plage magnifique, nous dit Kenza. C'est aussi une bonne idée, mais des plages magnifiques, tu en as toute l'année, c'est pas super original. Ouais. Ah, t'es à Toulon, donc t'as des plages à Toulon. Ouais, après, non, mais... Ça, c'est bon, ça. Après, quand même, en Italie, t'as des plages qui sont mille fois plus belles que celles de Toulon, quoi. Ah ouais, c'est sûr. C'est quand même, oui. Ah, bah, évidemment. En Grèce, à Santorin, c'est magnifique, nous dit Anaïs. Viens à Marseille, gros, c'est cool. Lol, message de Fage. Fage 974. Il y a Florence pour Zan. Oui, c'est joli, mais bon, il n'y a pas la mer. Oui, c'est joli. Mais enfin bon, ah ouais, c'est une ville où il faut visiter des musées. Ouais, c'est historique. Ouais, sinon, musées, des églises, voilà. Non, mais il faudrait faire un truc genre en Italie, dans une petite ville au bord de la mer, et t'organises un truc, tu loues un bateau, tu la demandes en mariage en mer. Tu fais Romano comme... Ouais, voilà. Ibiza Formentera nous propose Hakim. Ah bah ouais, Romano connaît un DJ qui travaille là-bas. Là, bah, on le connaît tous, hein, c'est DJ Roro. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, il mixe ça. Bah, pas encore. Non. Il commence DJ Roro. Il commence début octobre, quand la saison est finie. Quand c'est vide les boîtes. Il n'y a personne, ouais. Ouais, DJ Roro, grand DJ de Ibiza, hein, qui travaille uniquement à Ibiza quand il n'y a personne. Ouais, ouais, d'octobre à début avril. Voilà. Sinon, invite-le à un match de l'OM et fais ta demande au stade. Non, c'est comme non, les beaux frères. Non, mais sinon, moi, l'été, j'avais vu ça, tu sais, ouais, sur la côte, là, vous avez ça, tu sais, les avions qui passent le long des plages, avec les publicités. Germaine, je veux t'épouser, signé. Tu es trop chiant à ce moment-là, tu manques de peau. Putain, t'as raté le pilote, quoi. Il y en a pour faire les panneaux publicitaires. Non, mais ouais, après, c'est marrant, quoi. Après, tu vois, j'ai un budget de 1300, tu vois, j'ai pas un budget de 12000 euros. Non, mais là, c'est pas, ça doit pas être trop cher, hein. Non, parce que juste après, il passe, il fait une pub pour Carrefour. Ouais. Non, mais même, carrément, tu peux avoir une réduction, tu fais Carrefour et derrière, t'as ton mariage. Tu sponsorises. Ouais, puis à ce moment-là, elle regarde ses pieds, tu sais. Ouais. 1300, dans les Caraïbes. L'avion, il se casse la gueule. Les Caraïbes, c'est pas possible. Je suis désolé pour Pérez. Mariage, je dis les Caraïbes. Il fait un mariage immergé sous l'eau. Ça existe. Ouais, c'est ouais, vrai, ça existe, ouais. Bon, après, il faut aimer la plongée, ouais. Il faut délire plongeur, quoi. Bon, on n'en est pas au mariage, on en est à la demande en mariage. Tu bouges pas, Samir, on revient tout de suite. Reste avec nous, hein. Allez, c'est bon. Reste dans le coin. On prépare Alonso, tiens, puisqu'on était avec l'accent du sud, là. Alonso arrive avec. Binta. Binta, Binta. On va l'écouter, là, sur Sky. Et on avait promis aussi de faire notre multi-appel, double appel, tout ça. On va y aller tout de suite. J'espère que vous êtes prêts. Vous êtes prêts, Ouais. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? On a tout ce qu'il faut. Bon, on commence avec des familles, mais rapide. Des familles ou des gens qui travaillent, comme tu veux. Alors, on fait famille en speed. Et puis, on se met Binta et juste après on fera les gens qui bossent. Vas-y. Ok. Et alors on commence par un double appel, tout simple. Faut quand même y arriver. Et juste après on enchaîne avec un super multi appel. Alors ça c'est le haut niveau. Ça va être la folie là. Et Pamela est de retour. Je dis ça. Je dis ça pour qu'il est où. Je vous écoute. Hein. L'inconnu 18 ans qui vient nous envoyer un message. Salut à toi l'inconnu. T'as pas mis de pseudo l'inconnu. Mets ton pseudo. Et qui attend Pamela avec impatience. On ne l'a pas oublié. Mais je suis là tout de suite là. Quand vous voulez moi. D'ailleurs j'ai encore d'autres pervers à faire écouter. On en a écouté que 3 tout à l'heure. Oui. Les autres ils arrivent dans un instant. Et double appel. C'est parti. Oui, bah c'est qui là? C'est quoi? Aucun des deux n'a appelé l'autre. Bah moi, c'est moi, je veux savoir qui vous êtes. Oula. D'abord. Le double appel de Diffoul sur Skyrock. Je te dis au revoir et je t'emmerde. Et puis de toute manière, tu viens plus me rappeler. Et de toute manière, tu viens plus me rappeler. Ben voilà. On a bien noté le message. Et la dame, elle avait fêté la foire au vin, non? Je la souviens pas. C'est ça. Je ne me rappelle plus. Vous savez que vous nous laissez vos numéros, enfin les numéros que vous voulez qu'on appelle pour le double appel, on les récupère. Bon, on a pris dans tous les numéros de la semaine, là, depuis tout à l'heure, plus les numéros que vous nous avez laissés des gens qui bossent, mais ça, on fera après. Donc là, on appelle des familles. Est-ce que Patrick est là? Bah, bien sûr, oui. Ah, c'est gentil, Patrick. Patrick, il peut nous aider pour le double appel, vous le savez. Absolument, oui. Absolument, oui. Il a plein de trucs pour nous aider. J'ai des godes. Oui, je sais pas si ça va nous aider, mais enfin bon. Saucisson de cheval. Ça aussi. Allô. Allô. Allô. Allô. Mais parle. Allô. Allô. Bah, il est peut-être arrivé quand on disait j'ai des godes, parce qu'il a décroché à un moment, mais on n'a pas vu quand il a décroché. Donc on excuse la première famille. Ça sonne, il y a deux. Bienvenue sur la boîte d'eau. Bah très bien là, bon. Très bien. Alors. Allô. Allô. Allô. Allô. Lui aussi, il est parti. Allô. Non, c'est bon, Patrick Ducamo, il est surexcité. Je sais pas ce qui lui arrive. Oui. Comment vas-tu? Merci, Patrick. Alors, on va chez qui? Édouard. Et Perrine. Édouard et Perrine. On a parfois eu presque des histoires d'amour qui naissaient dans les doubles appels. Démarrer par un vote, faire enculer, puis après, bon, après, la relation évoluait petit à petit. Ouais, je vais te baiser, tout ça. Exactement. Allô? Oui. Ah. Le loup? Comment? Le loup? Vous exagérez peut-être pas un petit peu ce coup-ci? Non. Non? Bon, ben, faites vos conneries ailleurs, nous, on travaille, monsieur. Ah, ben, madame, faut arrêter de nous appeler, hein? Oh. Ah, elle était au taquet, là. Allô, tu dis allô. Moi, je comprends pas ces gens. J'irai pas un peu, là. Mais, c'est le week-end. Tu dis allô, bah écoute. Répondre non. à votre appel pour. Voilà, c'est le week-end, on est tranquille comme ça, et l'autre, elle est déjà à bout de nerfs. Allô? Il n'y en a rien encore. Allô? Ben ouais, mais faut pas être à bout de nerfs comme ça, des, comme ça. Je vais arrêter de nous appeler, monsieur. Je sais pas, par exemple, tiens, on a Kaiser au téléphone. Kaiser, au Salut Kaiser. Salut. Salut Kaiser. Je sais pas, t'as Comment un gars. Ça va l'équipe? Ça va pas mal. Coucou. On est plutôt bien là. Bah ouais, on est bien ensemble. Je sais pas, toi, t'as un mec qui t'appelle et qui te dit. Je sais pas, sodomise-là, moi j'adore ça. Voilà, qui te dit sodomise-là, j'adore ça. Bah tu réponds avec plaisir. Ah bah, je vais même lui répondre en votre vieux. Ah bah oui, ça me fait vraiment plaisir. Oh, quelle belle imitation, Kaiser. Et qu'est-ce que tu penses de... J'ai une bonne bite, là. Une bonne bite. Ça a l'air bien arrangé, Kaiser, toi aussi, hein, non? Ça dépend, est-ce qu'il a un peu de fromage autour? Ah, voilà, Cédric n'est pas là ce soir, je sais quand même à vous prévenir. Kaiser, il pète les plombs. Non mais Kaiser, je crois que... Là, il y a du level. Kaiser, il est drogué, je crois. Ah ouais, je crois aussi, ouais. Moi aussi. Ah, t'es au taf, hein, merde. Je plains tes collègues. C'est rassurant. Merci. Tu fais quoi comme taf? Je suis imitateur. Je fais partie de la police. Ah, salut la... Oh, on rigole à la police, alors. Elle est belle, la police. C'est bien. Ah ouais, c'est encore rassurant, ça aussi. Tu fais quoi dans la police? Police ferroviaire. Police ferroviaire, très bien. Donc vous le rencontrez dans les trains. C'est Kaiser. On salue les amis derrière. Salut Kaiser. Salut. Mais vous êtes tous dans le même état dans la police ferroviaire. On tous foncés dans la police ferroviaire. Bon Kaiser, on va t'en trouver dans un instant. Le double appel. On retente le coup dans un instant. Je te demandais pour les gens qui bossaient parce que toi tu bosses et nous on va appeler les gens qui bossent pour ce soir. Juste après Binta, le son de Alonso. Kaiser, tu veux pas nous refaire la voix à la con que t'as fait juste avant là? Vas-y, annonce Alonso. Eh ben alors, tout de suite, c'est Alonso. Eh ben voilà, tout de suite, c'est Alonso. Et vous tous en direct jusqu'à minuit, radio libre sur Sky. Depuis la rentrée, Difool a déjà distribué plus de 30 000 euros en cash. 30 000 euros en cash. Il faut me dire, quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. C'est Skyrock. Mais oui, c'est Skyrock. C'est gagné. C'est pas vrai. Plus de 30 iPhone 7. Ton iPhone 7. Le tout dernier. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà arnaqué des commerçants. Que va faire Kuranoff, hein? Des familles. C'est encore une arnaque, ça, hein? Des vendeurs sur le bon coin. Et vous le vendez 50 euros, c'est ce qu'il y a de marqué sur l'annonce. 550 euros. Non, non, bah t'enlèves les 500, tu me le lâches à 50 et puis ça ira bien. Ouais, ouais. Eh ben, j'arrive. Et ce n'est que le début. Que le début. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. Ça c'est quoi? Bah des tomates. Oh, oh génial. Et ça c'est quoi? Ça c'est du persil. Du persil? Mais je voyais pas du tout ça comme ça. Et là tu vas planter quoi? J'hésite mais tu me fais penser à un truc. Ah bon, à quoi? Une courge. Tu veux créer ton potager sans prendre la tête et même sans rien y connaître? Télécharge Je Jardine, l'appli du potager 100% gratuite, 100% pratique. Avec Je Jardine, tu fais pousser ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Je Jardine est une initiative du Crédit Agricole. The Morning Show. Envoie 1500 au 7-20-20 et multiplie tes chances de gagner 1500 euros toutes les demi-heures dans le Morning de Difool. Jolie course, t'as progressé. Ouais, si ça pouvait être pareil avec une nana. Pourquoi t'essayes pas de discuter par SMS? Envoie chat CHAT au 62333. Le chat avec photo. Chat CHAT au 62333. Concert. Il va mettre le feu. En 2017, Soprano choisit encore Skyrock pour sa nouvelle tournée dans toute la France. En concert partout en France pour terminer sur la scène de l'Accor Hôtel Arena de Paris le 30 septembre et au nouveau stade Vélodrome Orange de Marseille le 7 octobre 2017. Ouais. Yeah, c'est Soprano. En tournée dans toute la France avec Skyrock. Plus d'infos sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Skyrock. Tu veux réussir ta rentrée? Il n'y a pas 50 solutions. YAX, YAX. YAX, c'est l'application pour délirer, choper des conseils et se taper des barres. Profite des astuces du peuple YAX et partage tes délires. YAX, partenaire officiel de ta rentrée. Ghetto Phénomène. Découvrez leur tube Maria Maria avec Jules. Maria Maria, le single de Ghetto Phénomène, déjà disponible. Skyrock. Le 36-92 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 36-92, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 36-92.

tennis. Ah bah, ça se passe pas super pour mon fils, ça se passe même très mal. Pourquoi il perd? Premier set, il l'a perdu 6-3. Ouais. Et le deuxième set, 6-2. Ah ouais, c'est donc. Et là, on en est à 0-0 et il mène, et Djokovic mène 40-15 dans le premier set du troisième set. Bon, allez, premier jeu du troisième set. Allez, mon fils, allez. Bon, mal barré là aussi, dites donc. Ah, ça ouais. Bon, du foot, du tennis. Bah là, il perd celui-là, ça y est, c'est fini. Vraiment pas sur le sport, quand même. Bon, on a Kaiser qui est avec nous et on était en plein double appel, petit appel, tout ça. Ouais. C'est parti, Samy, alors. Ouais, ben écoute, là, on a plein de monde qui travaille là. Oui. Alors, je vous propose pour commencer. Oui. Pizzeria, oui. Hôtel et restaurant. Ok. Et pizzeria, hôtel, restaurant. Et puis, si t'as 2-3 familles aussi, parce que j'ai des numéros qui traînaient, n'hésite pas. Vous êtes sur la messagerie orange. Voilà, on commence par la messagerie orange. Bonsoir, Nicolas. Bonjour. Oui. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, oui. En quoi peut j'aider, monsieur? Mais qu'est-ce que vous me dites? Parce que vous m'appelez là, je ne comprends pas ce que vous me dites. Vous. Ça commence à bien faire ce cirque, hein. J'essaie de pas vous appeler. Ah bah si, vous nous appelez, monsieur, madame. Non. Ah bah si. Vous venez de faire mon autre numéro. Je n'ai rien fait, monsieur. Ah bah si, tu as fait. Alors maintenant, ça commence à bien faire tes bêtises. Parce que mon mari va s'occuper de ton cas. C'est moi ton mari. Mais je n'ai rien fait. Hein, faut pas appeler comme ça le soir parce que ma femme est dépressive, je vous le rappelle. J'en ai marre. Voilà, vous entendez dans quel état dans quel état ça la met la parole. Alors, je voulais. Au revoir. Bah, bien sûr, oui. Allô. J'ai une bonne bite là. Merci Patrick, viens rajouter une petite couche. Allô. J'ai pris ma belle voix, puis j'ai une bonne bite là, bien. Voilà, bah, ouais. Je t'avais dit, Patrick, qu'il pouvait y avoir un problème. Bah voilà, on a le problème là. Alors, là on était où? Dans des boîtes, dans des entreprises, tout ça? Restaurant, pizzeria, hôtel. Et là on va où? Là on va chez deux particuliers. Ah, deux familles, attention, retour aux familles. On mélange tout, c'est la folie quoi. Je vous ai dit, c'est pour la folie. Pour l'instant, j'en prépare d'autres. Tout peut arriver. Vas-y. Ouais. Et merci pour tous les numéros que vous nous laissez, des gens qui bossent et tout. On a le frère d'Amandine là qui est en train allô, de. Allô, ah, c'est, attention. Oui. Allô? Allô? Allô? Oui? Oui, qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Vous êtes qui? On vient de téléphoner. Oui, alors, allô? Oui. Allô? C'est quoi ce bordel là? Je vous ai pas appelé, monsieur. Je sais pas. Message. Moi j'ai un appel, on m'appelle, je réponds. Bon. Alors, excusez-moi. Mais qui c'est? J'appelle personne, moi. Écoutez, monsieur, moi, mon téléphone sonne, je décroche. J'ai pas appelé personne, c'est moi qui a reçu l'appel. Alors, j'y comprends rien. Si c'est pas vous qui avez appelé, je comprends pas. Hein. Bah, rien du tout, c'est vous qui appelez. Mais ils sont que t'envers. Non, quand t'es des connards, monsieur. Vous voulez que j'appelle les flics, là, ça commence. Je ne vous ai pas entendu. Non, mais dis donc. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel, là? Bah, écoute, essaye de répondre. C'est un connard qui n'arrête pas de m'emmerder, là. Bah, j'en sais rien, il m'emmerde, ce connard. Oui, allô? C'est quel sujet? J'appelle personne, moi. Écoutez, on va voir si c'est pas une erreur. Voilà. Non, mais ça s'arrange pas. Oh, ça Salut les filles. Qu'est-ce que ce bordel? Ah, bah voilà, terminé. Bon, Cédric est intervenu. Eh bah, c'est bon. Voilà, c'est bien. Gérard et François. Et François. Putain, ils avaient des voix, les deux. Ah, tu m'étonnes. Ouais, bonjour, les joueurs. Sympa comme tout, là. Ouais, sympa. Eh bah, écoute, ça fait plaisir. Qui nous a laissé les numéros? Il y en a un qu'on a choisi nous-mêmes. Ouais. Et le deuxième, c'est Vel. Ouais, je crois que c'était celui-là, ouais. Vel. Ouais, si, c'était Vel. Vel qui a laissé Gérard, c'est ça? Bon, Vel, on va t'envoyer un petit cadeau. Tiens, on va t'envoyer le t-shirt Skyrock. T'as bien fait de laisser le numéro. Merci à toi, Vel. Et on recommence dans un instant, direction ceux qui bossent, préparez-vous. Ouais. On a plusieurs choses à faire ce soir. Il y a Samir qui est avec nous en direct de Toulon, qui veut faire une demande de ouf en mariage. Ah ouais, à sa copine le jour de son anniversaire. Samir, c'est un lover, ouais. Ouais, c'est ça. Ah oui. Les auditeurs de Skyrock sont des lovers. Exactement. Allô. Les animateurs aussi. Ouais, Samir. Ouais, tu fous, en fait, là, si tu veux un numéro, là, t'es un gros nerveux qui travaille. Et but de Saint-Etienne, excuse-moi. Qu'est-ce qui vous arrive, Paris? De la merde. Le PSG, qu'est-ce qui vous arrive? Ah bah, de la merde, on fait de la merde, gros. Ouais, Skyrock La honte. Ils ont pris un but. Eh oui. Oh, la honte. Ils ont pris un but, mais qu'est-ce qui se passe, le PSG? Allez, on les verts! Moi, je suis supporter de l'équipe de France. Ah, c'est bien. Bon ben ouais, un but pour Saint-Etienne. But surprise, vous avez vu, un match se termine vraiment. Et c'est Momo qui nous disait ça, notre Momo, ouais. À la 95e minute, vous vous rappelez, hein. Ah, oui, c'est ça, ouais. Bah, ouais. Il avait bien raison. Bah, il avait bien raison, un match se termine à la 95e minute. Mais c'est quand même un résultat pitoyable pour le Paris. Champion, mon frère. Ouais, Samir. C'est la faute du Belge. Ouais, si tu veux un numéro d'un gros nerveux là qui travaille là. Oui. Ah putain. Bah, donne-le, on va te prendre. Bouge pas, Samir. Ouais, bah, en antenne, il y a des réactions qui arrivent pour toi, ouais, en plus. Mieux, c'est, oui, c'est mieux. Des réactions qui arrivent pour ta demande en mariage. Alors, il y avait plusieurs idées. Regarde. J'aime bien, moi, ça, j'aime bien. Alors, je te lis des messages et après, on prend les réactions. On aura qui au téléphone avec nous? Oh, Johnny. Oh, ah, oui, yeah. Johnny, 23 ans à Paris. Allume le feu. Allume le feu, allez. Allô, Johnny. Ouais. Ouais, on va prendre ta réaction et ton témoignage dans un instant. Eh, vous foutez pas de ma gueule avec mon prénom. C'est hein. Déjà fait, t'inquiète. Oh, oh, on l'a déjà fait. Oh yeah, rock and roll. Et tes parents, ils t'ont appelé Johnny parce qu'ils étaient fans de Johnny Hallyday? Non, mais c'est parce qu'ils sont cons. Ils ont demandé à mon frère. Non, ils ont demandé à mon frère qui avait 6 ans de choisir un prénom. Oh non, donc oh, lui, merde. Il a choisi Johnny. Ah, et ouais. Voilà. Bah, heureusement qu'il t'a pas appelé Pikachu. Hein. Mais ah, tu ouais, mais pourquoi? Non, mais tu lui en veux, non? Non, ça va. Mais lui, il s'appelle comment? Il a un prénom plus. Céline, mais non, parce qu'il était nickel, lui. Ah ouais. Pour lui. Ah oui. En fait, il t'a vraiment choisi un prénom. Il t'a niqué ta life, en fait. Un peu. Il m'a mis bizarre à 6 ans de sortir de Johnny, quand même. Joli. Peut-être parce que les parents, ils mettaient du Johnny à la baraque. Ouais, je pense qu'il fait un hasard. Ouais, Johnny a l'idée, on va l'appeler. Ouais, Johnny. Champion, mon frère. Champion, Johnny. T'as de la chance, gros. Heureusement, il a pas dit on va l'appeler Edith Piaf. Oui. T'aurais appelé Edith. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Tu veux nous expliquer l'idée que t'as pour Samir. Demande en mariage, ouais. Regarde. Demande en mariage. Ah, il y en a plein qui ont dit ça. Tiens, Blond, 16 ans, qui dit demande en mariage en direct sur Skyrock. Plein qui ont dit ça. Il y avait Azap également qui laissait le message, qui disait exactement la même chose. Même chose pour Généreux. Oh, Généreux, c'est pas toi, Romano, qui a envoyé le message. Non, c'est clair et net. Un jeu de piste dans une ville comme à Barcelone avec c'est fini pour le match. Et voilà. Et voilà. T'es mal, il a non, mais c'est, il a la haine, il a la haine. Non, mais, franchement, Paris, vous devriez pas rire. Ah ouais. Je m'en fous, je suis pour l'équipe. But de Béric de Saint-Etienne. C'est ça. Et but sur pénalty. Heureusement que vous avez eu un pénalty truqué. But de hein. Lucas. De Lucas. Non, il était pas truqué, marqué, il avait pas. Vous les mettez pas premier, quoi. Non. La honte. Ouais. Et c'est la honte, ils sont pas premiers, le PSG. Bah, tu vois, il y a même. Bah, écoute, c'est bien parti pour. Ah ouais. Donc, ça nous fait du un partout. Et c'est un fini partout, pour le ouais. Premier match de cette nouvelle journée footballistique. Mais il y a eu combien de journées, là? 4. Et sur les 4 journées, Paris a fait quoi? Ils ont perdu une fois. Une défaite, un match nul. Voilà. Ah, c'est pas la folie, hein. Non, c'est pas la folie. Ça va, c'est pas la merde non plus, gros. Mauvaise stat. Ouais. Bon, Saint-Etienne, bah, c'est bien. Et puis, le PSG, ils font un peu la gueule pour leur millième match au Parc des Princes. Ouais, voilà. Putain, ouais, la fête est gâchée, les gars. Samy, t'en penses quoi? Je pense que vous galérez un peu. Qu'est-ce que t'as envie de dire sur Saint-Etienne? Est-ce que tu as envie de dire ça? Champion, mon frère! Non, mais Saint-Etienne, c'est le match parfait pour eux. Ils égalisent à la dernière minute, comme ça, Paris, ils ont pas le temps de pousser de revenir. Ouais, peut-être pas. Non, mais jamais, gros. Paris, mais David, qu'est-ce que tu racontes? Ils auraient même pu, en première mi-temps, avoir un autre pénalty, Paris. Il y avait une faute, là, sur la surface. Si, si. Il y avait rien. Mais bon, voilà. Bon, désolé, amis parisiens. Cette année, elle va être à suspense, ça va être pas mal, cette année du foot. Par contre, ça, j'y crois pas. Moi, je pense que Paris, c'est juste le début, le temps qu'ils sont en réglage. Eh ouais, les gars. Dans un mois, là, ça va. On va voir. Bon, alors, les idées pour le mariage. Sur Skyrock. Tiens, mais sinon, Ah oh putain, les pseudos là, c'est pas croyable ça. Elle a plus de teinte lui. Ah c'est Drake. Tu l'invites sur une montgolfière. Voilà, je suis là, dans mon lit. Non mais tu et c'est même il précise comme ça, si elle dit non, bah tu la pousses. Voilà. C'est bien ça. Demande en mariage au McDo. Ah, ça c'est bon, ça c'est Moustique Tigré. Ah ouais, avec Ronald McDonald. Moustique Tigré. Ah ouais, une soirée avec Ronald McDonald, c'est bien ça. Comme les petits avec leur anniversaire, ouais. Mais toi tu. Attendez, il y a Lucas qui parle, j'aime bien lui. Lucas qui dit quelque chose. C'est incroyable, on peut pas. Ah, c'est incroyable. Un but comme ça. On peut pas prendre un but comme ça. À la dernière minute. Eh oui, mais c'est le foot est comme ça. Ah, il est bien chauve lui aussi. On sait qu'on doit progresser, on doit améliorer. Tout le monde sait. Mais tout le monde travaille dur. Pour améliorer, pour être au niveau. Eh ben, travaillez plus, les gars. Je suis sûr qu'on va arriver. Travaillez plus. Et il faut lever la tête, il faut continuer. C'est normal que ça prenne du temps avec un nouvel entraîneur, avec de nouveaux joueurs. Est-ce que c'est normal? Moi, je dis, il est pas bon cet entraîneur. Et encore, du mal après 4 journées. Ah oui, bien sûr que c'est normal. Quand on change le coach, change toute la philosophie des joueurs. Le mec, il a foutu un bordel dans le PSG. De garder les choses que le coach veut changer, qu'il nous demande, et ça prend un peu de temps, c'est mais normal. Mais il change quoi, ce mec? On est au début de la saison. Le style de jeu de l'équipe. Mais ah, ouais. La dernière, il gagnait, maintenant il perd. parce que la Ligue c'est difficile, le championnat est difficile et on ne peut pas perdre les points à la maison. Mais c'est le foot, on va travailler, on va améliorer. C'est le foot, oui, on a des sous, bien sûr. On a des sous. Quand on fait un match comme ça, à la maison, devant notre supporter. On est blindé. Mais il faut avoir un peu de patience. Les PSG continuent, ça reste les PSG. On reste très fort. Mais non. Ça prend un peu de temps. On va arriver, je suis sûr. Merci Lucas. Là, Lucas était un peu tendu par rapport à d'habitude. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tendu les PSG là. Il y a quoi derrière? Non, la tête? Ça va. Il a un trou. Des cheveux. Ah, c'est un trou. Il a un trou, ouais. Ah ouais? Ah ouais, tiens. Ça va être une teinture. Ouais, c'est pas une teinture, Marie. Ça va, il a un trou. Il a dû être brûlé ou un truc comme ça. Ah ouais, une cicatrice. Ah, j'ai jamais vu. Ah ouais, bah je viens de voir. Non, mais ouais, il vient de, je sais pas, c'est nouveau ça, je crois. Non, mais c'est pas Marquinhos qui lui a fait. C'est une blague, à mon avis. C'est une blague de Marquinhos, je crois. Non, mais Marquinhos, l'autre fois, il lui mettait du feutre noir pour pas que ça se voit. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Elles ont des bons délires entre eux. Bon, bravo, merci en tout cas. Au lieu de se maquiller les cheveux, il ferait mieux de gagner. Ouais, ouais, mais les cheveux. Les cheveux, ça va, je suis un beau gosse, même comme ça, même sans cheveux. Je suis le plus beau de l'équipe, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Lucas, sympathique ce Lucas. Bon, alors. Sympathique et en plus qu'il ne gagne plus. C'est mauvais. Le mariage. Tiens, John Fabiano a vu un truc. Une chambre, tu mets des roses dedans, une bague. Voilà. Une idée qui peut fonctionner. Mais c'est Non, mais toi, t'as envie de l'emmener quelque part. En plus, c'est cool partir en week-end quelque part pour. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Je travaille toute la semaine et. Ouais, mais c'est bien, t'as raison. Sortir un peu de ma région, ça ferait plaisir de bien, tu vois. Alors, Johnny, toi, qu'est-ce que t'aurais à proposer, toi? Ouais, alors moi, en fait, j'y suis allé une semaine à l'avance. J'ai briefé l'hôtel. Je leur ai donné une bague. Je leur ai dit que la semaine d'après je venais. J'ai réservé et tout. Oh monsieur, on a perdu la bague. Je les aurais tués. Non mais je suis arrivé. Et en fait quand on est arrivé à l'appart, on avait commandé une machine Nespresso. Bon bref. Et j'ai utilisé la boîte. Dans la boîte il y avait une autre boîte. Et dans cette boîte il y avait des billets d'avion. Ouais. Donc je lui ai dit je l'emmenais en week-end et tout machin. Donc on est parti en week-end. Et arrivé là-bas, arrivé dans la chambre, il y avait des pétales de roses jusqu'à dans le lit. Bah. Et arrivé dans le lit, il y avait une boîte avec la bague. Et puis il y avait les tiges des roses avec les piquants. Voilà. C'est allongé sur le lit et là, on a fini aux urgences. Tu l'as amené où? Je l'ai emmené à Milan. Après, on a été au lac de Côme. J'avais tout préparé. C'est toi qui proposais le lac de Côme tout à l'heure ou il y en a plusieurs qui ont proposé? Ouais, il y en a plusieurs. Plusieurs messages, ouais. Ah ouais, le lac de Côme, ça marche alors. C'est mais le lac de Côme, c'est mortel, hein. Ah, le lac de Côme, laisse tomber. Elles sont toutes amoureuses. Ça me plairait bien, ça. Bah oui, le lac de Côme, c'est lourd, hein. Non, mais ce qui est stylé, c'est la surprise, tu vois, les billets d'avion. Non, mais genre, voilà, tu vois, c'est ça, en fait. Il y avait un bon scénario, ouais. Voilà. C'est malade. Surprise en cascade. C'est un scénario de malade, hein. Après, bon, voilà. Bon, après, elle n'a pas voulu ça se marier. Encore plus amoureuse. Vous êtes mariée, là? Ouais. Franchement, avec ton nom, tout le respect que je te dois, avec ton nom, ça va, tu as des idées. Hein. Tu vois, Johnny, hein, ça se finit mieux que ça a démarré. Oui. Vous avez jamais vu sur le net, là, les demandes en mariage, genre avec les flash mobs, genre de conneries? Ah ouais, j'aurais jamais vu. Qui s'arrête d'un coup. Ouais, d'un coup, ouais. C'est-à-dire qu'elle se promène avec son mec et puis d'un coup, t'as plein de gens qui se mettent à danser. Mais c'était au States qu'il y avait, il y a une vidéo qui a vachement tourné. J'en mais là, le mec, ça avait dû lui coûter une blinde. Parce qu'en fait, le mec, il est dans un parc avec sa meuf. Et là, il y a des gens qui commencent à danser. Et au fur et à mesure. Mais ils dansent comme ça. Non, mieux. Un peu mieux, je quand même. Mieux. Et carrément, après, il y a carrément une fanfare, mais genre de 100 mecs. Ah, j'ai vu celle-ci aussi, ouais. Dans le parc. Donc le mec, ça a dû lui coûter un bras, quoi. Ou alors, elle a pleuré et tout, elle était trop émue la meuf. Ah mais moi ma copine vu comme je la connais elle va me dire c'est quoi c'est taré là comme ça comme c'est plus sympa un week-end comme a fait Jimmy quoi. Et notre idée Marie je t'aime bien mais franchement l'idée de Johnny elle est mieux. Non mais je parlais du truc que j'avais vu. Vous arrêtez pas de recaler la Marie avec ses idées ces temps-ci. C'est dingue. Non je l'aime bien la Marie, elle a des bonnes idées mais c'était une idée de merde. Bon c'était pas une idée de merde, je vous demandais si vous aviez vu le truc. Et notre idée, mais si tu veux vraiment t'afficher, c'est qui nous proposait ça. Alors je sais pas ce que t'en penses. Il y en a aussi qui ont déjà acheté des affiches. Ils mettent leur meuf et eux en photo et ils lui demandent veux-tu m'épouser. Bah et ouais des trucs publicitaires. T'achètes une 4x3, tu sais, une affiche qu'on trouve dans la ville. Hop là, tu la mets. Non mais il y a plein de trucs. Hein. Il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans pour faire des demandes de ouf. Exceptionnelles. Non, Honnêtement, c'est... Pardon, Romano, je t'ai coupé. Ouais, ouais, vas-y. Honnêtement, non, franchement, là, j'en ai plus d'idées, c'est celle de jouer. T'entends plus, Samir. Non, t'entends plus. Tu es tombé dans le port de la rade de Toulon. T'entends tout bizarre, comme si t'étais dans l'eau. Tu ouais, coules comme le PSG. Ouais, désolé. Ah, il coule comme le PSG. Il coule. Elle est trop drôle, la punchline line de Diffoul. Voilà. Ah, génial. Tu as coulé, quoi. Et un partout. Hein, moi, c'est guignol. Un partout contre le Saint-Etienne. Ah non, bah ouais. Marseille aurait fait un partout au parc. T'aurais été content. Ouais. Bah, moi, je suis content. 100 fois. Ah non, mais c'est un bon résultat pour Saint-Etienne. Et après, Saint-Etienne, c'est mon équipe de cœur, vous le savez. Un partout à la fin. Stéphanois, allez les verts. Bien sûr. Mais bon, mais j'aime bien le PSG aussi, comme équipe. Ah, ben moi, je les aime pas. Si, parce qu'ils font des beaux matchs. Ah, moi, je les déteste. Sauf cette année. Ah, je les aime. Bah, la preuve, ouais. Saloperie. Non, mais ouais. Attendez, il y a Maëva. On va prendre Maëva, toujours pour le mariage. Ah, ah oui, fille. C'est elle qui a eu un mariage à l'issue. Ouais, merde. C'est un peu moins romantique. Une demande en mariage de ouf. Ah, ouais. C'est attention. Salut Maëva. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Vous allez bien? Et ouais, bien ce soir, tranquille. Cédric nous manque un peu, mais il est toujours avec nous, dans nos cœurs. Ouais. C'est pas une grosse perte. Comment? C'est pas une grosse perte. Cédric. Ça va, coucou Cédric. Il nous écoute là, il est à la maison, Cédric. Il va être content, mais non. Et il dort ou pas? Un gros bisou. Je sais pas, attends, je vais le rappeler. Vas-y, viens, on l'appelle. Je pense qu'il écoute, moi. Je suis sûr qu'il écoute. Non, ouais, moi, je crois qu'il dort comme un porc dans son lit. C'est vrai qu'il est sous ça m'étonnerait pas, ça. Oui, il est en train de bouffer. Et puis, il dort maintenant. Ah voilà, ouais, je pète aussi. Attends, je l'appelle. Aussi. Alors, toi, appelle là, on appelle Cédric. Mais t'as une demande à mariage un peu particulière, toi. Oui, de merde. De merde. On y va, mais c'est celle qu'on préfère. Dis-nous. Alors, ben, moi, en fait, c'est mon ex, hein. C'est bien pour ça aussi que c'était une demande de merde. Ouais, ça doit jouer un peu, ouais. En fait, il m'a emmené à Paris. Mmh. Et à Paris, on est parti en soirée. C'était à moitié une rêve. Et en fait, il était sous MD. Il a commencé à gueuler. Oh putain, l'autre s'était défoncé la gueule. Dans une rêve partie. Ah non, c'était génial. Mais il t'a demandé, mais il t'a fait ça parce qu'il était sous MD. Enfin, MD, c'est de la drogue. Non, parce que le lendemain, il était lucide. Même après, parfait. Hein. Mais la honte, quoi. Et, déjà, en plus, il aimait tout le monde. Il embrassait tout le monde dans la boîte. En fait, il voulait se marier avec tout le monde. Ouais, quoi. Il a demandé 20. Non, non, non, non. Il criait, ouais, je l'ai demandé en mariage, machin. Mais la honte, quoi. Mais il avait bague au moins? Non, que dalle. Tiens, prends Dexter. C'est quoi MD, on nous dit là? Il y a Sicilien qui nous pose MDMA. La question. La MDMA. Et MDMA, c'est quoi comme drogue? Bah, c'est une drogue qui rend un peu amoureux. Ah, c'est génial. Ouais, ça rend un peu. C'est horrible, attention. Ouais, joyeux, après ça dépend. Hein. Moi, il y en a que je connais quand ils prennent. Quand ils prennent ouais, après, oui, mais tu lui as dit oui ou non sur c'est drogue chimique, c'est pour ça que j'ai fait attention. Oui, je lui ai dit oui parce que ça faisait tellement longtemps qu'on était ensemble. Non, ça faisait tellement longtemps qu'on était ensemble, ça faisait déjà. Et t'étais perché toi aussi? Non, même pas. Même pas. Ah ouais, ça a dû te faire bizarre parce que quand t'as quelqu'un qui est sous MD. C'est horrible. Oui, c'est horrible. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Oui, tu le vois, il te prend la tête au bout de 5 minutes. C'est même pas ça, c'est en fait, c'est le regard qu'ils ont en fait. Tu vois de suite ceux qui ont pris quelque chose ou pas, quoi. Ah, ouais, tu vois, le regard, ça fait limite peur. Ouais, tu vois qu'ils sont perchés un peu. Hein. Ah ouais, mais trop. Surtout qu'après, lui, il était parti en bas, je sais pas qu'est-ce qu'il avait cru. Il a cru qu'il voyait je sais plus quoi. Enfin bref. Super ouais, ta soirée de demande en mariage. Ah ouais, mais c'était. Ah ouais, le rêve, ça c'est les fonds. Ça donne envie. C'est le cas de le dire. C'est passé avant, là. Ah, t'aurais préféré le truc avec les roses de Johnny, alors. Ah, bah, ouais, Johnny, t'as du succès, hein. Non, mais c'est vrai que. Ouais, bah, c'est sûr que ça va, Johnny. Ravi, hein. C'est vrai, c'est quand même une autre gueule, ton truc, Johnny, quoi. Ça a mal démarré, Johnny, pour toi, avec, tout le monde se foutait de ton prénom, tout ça, mais. Rock and roll. T'as vu, par contre, ça se termine bien. Hein. Maintenant, t'es. Et bah, tu vois. Non, mais en plus, elle a raconté ça à toutes ses copines, et toutes ses copines, elles étaient jalouses. Ah, tu vois, Johnny, lover, quel lover, ce. Allez, musique de love, tu mérites. Toi, t'es un beau gosse, toi. Beau gosse, tu dis. Bon, tu vas faire quoi pour ta demande en mariage? Bon, je pense que tu vas oublier la rêve partie avec le MD. Non, c'est bon, ça y est. Dans ma tête, ça y est, je vais prendre les de notre ami Johnny. Ah, tu vois, Johnny, on prend ton idée, Johnny. Là, mais c'est bien. Oui, bah, tu verras, bah, te kiffer encore plus. C'est bien ça. Non, mais c'est bon, c'est bon, ça y est. Là, maintenant, là, je vais commencer à chercher les billets. Voilà, si vous voulez me demander un mariage, n'hésitez pas, vous prenez des roses, vous les mettez dans une chambre et je vais être. Ah, ben, tout émuse. Toute fofolle. Comme moi. Comme ça. Oh, bon, ben, tiens-nous au courant, c'est dans 15 jours, donc c'est vendredi dans 15 jours. N'hésite pas à nous faire un petit compte-rendu de comment ça se passe. On va te rappeler. Et d'accord. Tu nous dis si t'as recalé ou pas? Oh, ouais, y'a pas de soucis, rappelez-moi vendredi, lundi. Pas ce vendredi, c'est pas ce vendredi, c'est le vendredi, ni vendredi, c'est, ça, c'est pas aujourd'hui, semaines, en fait. C'est pas le vendredi d'après, c'est dans deux semaines. Le lundi 25. Et ben, tu te rappelleras le lundi 25. Eh ben, pas de problème. Pas de problème, Samir. Du pouce. Oui. Ah, si tu veux des numéros, je les donne à... Ah ouais, on les prend, on va les prendre. Vas-y, je vais les prendre. Sur la tête de ma mère, vous allez rigoler, c'est nerveux de fou ce mec. C'est pour le multi-appel qu'on va faire au boulot là, dans un instant. En plus, il travaille là de nuit, il travaille. Ah bah parfait, c'est exactement ce qu'il nous faut. Je te passe ça. Il est dans les parkings, donc il va péter un plomb. Vas-y, vas-y. Très bien. Je prends le numéro. Allez, je te passe ça. Merci, bonne soirée les frères. Merci, bonne soirée Samir. Salut, bon courage. Merci Johnny du coup de fil. Super. Et bah de rien les gars. Et Maëva, on te fait plein de gros bisous. Ouais. Moi aussi, je fais des bisous. Bisous, et on t'envoie le t-shirt Skyrock collector, même voilà, chose. Moi aussi j'en veux. Hein. T'en as Johnny, t'inquiète. Merci. On va écrire j'aime Johnny. Johnny Forever. Johnny Forever. Bientôt Johnny sur Skyrock. Ah ouais. Et ben voilà. Bientôt. Ouais. Salut Johnny, ciao. Allez, ciao. Bon, bah écoutez, tout va bien là pour l'instant. On a aidé. Ah ouais, on a eu le branleur fou tout à l'heure. Il y a eu plein de messages d'ailleurs. J'ai halluciné sur les messages, j'ai pas tout lu. C'était Thomas, ouais. Ouais, Thomas qui se branlait, qui comprenait pas pourquoi il était tout mou de la bite. Ah bah ouais, mais il se branle tous les après-midi, 5 fois. Ouais, donc, 5 fois, la bite irritée. Hein. On a compris qu'au bout de 5 fois dans l'après-midi, forcément, la bite elle bandait. Ça, ça fait tous les jours. Et il y avait des branleurs, mais des trucs de fou qui se branlaient à toutes les récrés. Ah, mais il y en a des branleurs, ouais. À toutes les récrés au bahut, il y en a qui bossaient dans des restos, qui se branlaient dès qu'ils pouvaient, ils allaient au Alors, tu sais qu'il y a des maladies, hein. Comme ça aussi. Des maladies. Bah, j'avais entendu un truc, il y a une nana qui avait été qui avait le droit en fait à son bureau d'aller aller se masturber parce que c'est une maladie, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Elle était je sais plus quel est le nom. Hyperactive sexuel, non ? Ouais, c'est machin compulsive, je sais pas quoi, ouais. Ouais. Compulsive. Ah donc ça c'est une maladie, la nana en fait avait eu l'autorisation à son bureau d'aller se... Ouais, non mais bon, oui, c'est une tarée sur c'est comme il y avait une meuf qui était amoureuse de la Tour Eiffel aussi. Oui, qui voulait qui embrassait la Tour Eiffel. Un truc sur elle. Je crois que c'est une américaine. Elle lui faisait des bisous, elle le prenait. Ouais, ouais. Elle vient régulièrement à Paris parce qu'elle est amoureuse de la Tour Eiffel et pareil, c'est une maladie un peu mentale. Hein. Oui, ça, c'est sûr. C'est, t'es amoureux d'un objet. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle, c'est la Tour Eiffel. Elle monte dessus. Ouais. Elle serre, tu sais, bon, c'est de la ferraille. Hein. Elle serre, elle serre les bouts de ferraille, elle l'embrasse. Ouais, je suis en communion avec la Tour Eiffel et tout ça. Oh putain. I love you. Ah ouais, quand même. C'est pas nymphomane que tu veux dire, Marie, on nous dit. Non, c'est un autre truc. Ami Rouge, lui, nous dit. Bon, c'est tout simplement une tarée. Oui, non, mais c'est vrai. C'est ça. Vrai, ouais. C'est un peu de choses près, c'est ça. Tout simplement une tarée. Bon, il y a Kaiser, notre imitateur, là, qu'on a eu tout à l'heure, là, qui imite très bien Papy Simpson. Yes. Toi, tu nous appelais, Kaiser. On a le temps de te prendre. On te prend tout de suite. Et on trouvera Pitbull dans un instant avec Florida. Dans le sens que tu veux. Moi, dans le sens que tu veux. Moi, je suis multi. Comme tu veux, bébé. Ouais. Ah, la bouche, le cul. Je suis multi-trou, moi. Je suis multi-trou. Moi, je rentre partout, t'inquiète. Alors, Kaiser, qu'est-ce que tu voulais dire? Je crois que tu voulais parler à Romano en particulier, toi. Ouais, Romano, c'est concernant le permis bateau là. Ah, ça y est. C'est ça, c'est les nouvelles aventures. Les nouvelles aventures de Romano. Non, mais c'est pas les loups. Ah, merci, c'est sympa. Merci, merci de ton appel. Tu passes lequel, l'eau intérieure ou côtier? Je prends le côtier. Ah, le côtier. Ouais. Le côtier, bah tu vois, ouais, bien, franchement, t'as bien fait, tu vas bien le faire. Alors, vous l'annoncez tout à l'heure, nouvelle passion pour Romano. C'est un pilote, il y avait l'argent, il y avait la gothique et il y a maintenant le bateau. Romano sur un petit navire. Mais c'est bien pour toi parce que tu peux faire ça dans ta baignoire. Ouais, bah ouais, bien sûr. Évidemment. Tu vois cette vieille blague? Tu mets une planche dans ta baignoire, tu montes sur la planche, t'as l'impression de faire du bateau dans la Méditerranée. Non, mais je veux pas faire de la planche, je veux faire un bateau qui avec un moteur. Bah, je t'achète un bateau miniature, c'est comme une majorette. Tu sais, les bateaux télécommandés. Un petit jet ski. Voilà. Un petit jet ski. Est-ce que t'aimes bien les nœuds par contre? Ah, j'adore les nœuds. Moi aussi. J'adore les gros nœuds. Ah ouais, c'est trop bon les nœuds. Les nœuds. Ah bah tu vas en voir des nœuds. Moi je te vais en voir. Bon bah écoute, j'espère que je vais l'avoir déjà, on va voir comment ça va se passer quoi. Ça se passe en une journée? Là en fait, ouais, c'est la formation d'une journée, enfin ça fait 8 heures la formation. Donc ouais, là t'as tous les panneaux, les signalisations, les sons des bateaux et tout. Après, une fois que t'as fait ça, tu passes le code. Ouais, là, c'est comme le code de la route, en fait. T'as ta date pour le code. Voilà, non, je dis ça marche demain. T'as 30 questions et t'as 5 sur la... Dans les 30, t'as 5 questions sur la VHF. Ouais, et t'as maximum 5 erreurs. Voilà, c'est ça. Pour l'avoir. C'est comme le code normal. D'ailleurs, salut à Broco, là, qui passe le permis demain. Bon, on revient tout de suite, vous bougez pas. Kaiser, merci du coup de fil. Merci, ami commandant de bord. Je peux faire une petite dédicace? Vas-y. Ah, une petite dédicace à la Suisse de Meaux, avec l'abeille, avec Jojo, avec Chris The Rock, moins 50% c'est discount, à Maxou, et puis à toute la Bretagne. Et puis, c'est moi de gratter un petit truc. Oui, c'est toi la police ferroviaire, hein? C'est bien ça. C'est bien ça, très bien. Je fais sauter les amendes, c'est bon. On va te garder, toi, ouais. Et on t'envoie le t-shirt Skyrock Collector à la maison. Merci, Kaiser. Hey, Romano. Ouais. Romano, pour les choses,

passport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest, Serena Venus, flow of genius, smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this, that 200 on the dash got me fiending. So I'm tryna ride out, slide out, rally stripes, send me 500, bye-bye. You waiting for? You only got one life, and we gon' live it up. So give me the green light, 'cause I'm ready to go. Give me the green light, 'cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life, and we gon' live it up. So give me the green light, 'cause I'm ready to go. J'aime bien ça, c'était Pitbull. On a vu qu'il était parmi les 10 rappeurs qui avaient gagné le plus de fric en 2016. Ouais, il est blindé, ah ouais, Pitbull. Ouais, blindé Pitbull. Putain, c'est... Il a appris ça l'autre matin. Non mais c'est vrai qu'il fait des featurings, mais laisse tomber. Ouais, partout il feature. Le mec, non, mais lui, lui feature avec tout le monde. Ah ouais, c'est n'importe qui. Feature, il s'achète des costards pour faire sortir ses couilles. Eh, d'aller, d'aller. On a bien rigolé avec lui. Carico. Et ah ouais, putain, il les touche tout le temps. Et tu sauras la prochaine fois, Manu, il est plus riche qu'on le pensait. Ouais, ouais, ouais, non mais c'est clair, c'est bon à savoir. Plus riche que Florida. On a appris ça dans le morning. Avec lui sur ce morceau. Florida, Pitbull, c'était Green Light. Skyrock, Romano. J'ai le gland tout irrité. Difool. Écoutez Skyrock, ça me détend le soir. Cédric. Ah, c'était trop, j'étais tout seul, ma gueule. Marie. Ah, bon, j'ai vu la nana qui s'est brûlé l'anus, là, en faisant un P. Samy. Combien, Marie, la photo T1 Et Karim. Ouais. Karim est là aussi, t'es prêt, ouais, Karim là, déjà. Difool Radio Libre. Soir sur Skyrock. Salam, salut, shalom, salut tout le monde. Hello, hi, ciao. Ciao. Hola, hola. Que dalle. Hola. Hola. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour, conduit toi. Et je dirais que ni ce n'est. Très bien, pas tout dire. Bon, tout le monde est là, le monde entier est là sur Skyrock. Salut l'Algérie d'ailleurs, je viens de voir un message juste à l'instant. Sabrina, salam. Petite dédicace de l'Algérie exactement à Boumerde ou Boumerdès. Boumerdès, ouais. Simplement pour vous charrier, pour vous dire qu'il fait 25 degrés à 22h. Bisous. Oh, chez nous, il fait pas mal aussi. Bah, ouais, il fait bon vivre là. Ouais, ouais, tu veux nous traquer là-dessus, on a du beau temps. Alors, Titi, il fait bon vivre. On est à l'Algérie là, Romano. Tu t'es trompé d'imitation. Non mais tu sais, j'ai rigolé cet été parce qu'il y avait il y en a des Chinois en plus. Il y avait des Chinois d'Italie, ouais. Et quand ils parlent italien, ils ont le même accent qu'en français, tu vois. Mais tu sais que quand nous on parle de n'importe quelle langue, on a notre accent français à la con. Non, salut les amis chinois également qui nous écoutent. Big up la Chine. On en bonne intérêt. Salut. T'as pas vu, j'ai vu sur le net, il y avait une photo d'un mec, un chinois, et au-dessus il y avait écrit je m'appelle Bond. Bondour. Bondour. Merci pour cette bonne blague, Karim. Le Karim Comedy Club est toujours en toi. Toujours. Bon, on est avec vous jusqu'à minuit et on a Pamela à retrouver. Là, le défi de Pamela, je lui le lance maintenant. Je ne l'ai pas encore lancé ce soir. Je l'attrape. Hop là. Hop là. Trouver un homme ou n'importe qui. Mais enfin, en général, c'est des hommes qui te laissent des messages. Bah écoute, la semaine dernière, ça a bien fonctionné. Oui, ah bah oui. Je me dis que cette semaine, ça fera pareil. C'est vrai, deux fois la semaine dernière. Ouais. Mais j'avais pas un mec à rappeler d'ailleurs. Si, mais on en a peut-être plusieurs. Il y en a un qu'on devait réessayer, c'est celui qui cherchait les très rondes. Ah oui, c'est vrai. Bon, on va réessayer tout ça ce soir. Et en plus, on a les nouveaux de cette semaine. Ouais. On en a écouté trois rapides tout à l'heure, en tout début d'émission. Vous avez eu cette primeur si vous étiez là dès 21h. Faut jamais louper le début de la radio libre. Non. Et alors la suite, parce qu'il y en a d'autres, on les écoute tout de suite. Allez. Et dans un instant, on aura une question d'ordre financier qui nous est posée en direct. Et donc, je pense qu'on fera appel au plus radin de l'équipe. Et au plus riche aussi, ouais. T'es radin. Bon, attends, Difool, t'es pas mal dans le genre, hein. Comment je suis pas mal dans le jeu. Moi, radin, t'as vu le nombre de chèques de 1500 euros que j'ai offert cette semaine. Mais c'est pas toi, non, c'est la radio, gros. T'as un gros radin. Hier, t'as dit que tu t'achèterais pas de cadeau à une meuf et tout ça. Mais j'ai pas dit ça. Merci, Karim. J'ai dit que j'achèterais pas. Bien sûr que si, j'ai déjà acheté plein de cadeaux. Mais j'achèterais pas un sac à 1500 balles. Un sac à 5 euros. Ouais. Mais non. Ouais, bon, j'ai ça dit, se comprend. Un sac à 1500 balles, j'avais pas envie d'acheter ça. Je la trouverais idiote d'acheter un truc si cher. Bah écoute, tu sais que les filles carriolent. Je sais. Il y a plein de filles qui nous écoutent qui doivent dire oh putain, Difool, quel gros con. Mais, non, mais 1500 balles un sac, à quoi ça sert? Bah ouais, mais dans tous les cas, même si tu achètes plusieurs trucs et t'arrives à 1500 balles, tu vas quand même claquer 1500 balles. Mais je trouve ça moins con. Mais si la meuf, elle préfère un sac à 1500 balles. Bah ouais, tu sais, ça lui fait plaisir. Non, mais franchement, c'est un truc que tu gardes à vie. Ouais, qui peut se revendre. Ouais, ouais, ça se revend bien, ouais. Ouais. Franchement, il y a un marché. Mais c'est pas Cariole d'ailleurs qui s'achète des bottes à 600 balles et elle les met jamais? Non, non, non, pas à 600 balles. Tu as pris Romano pour un gogo, mon ami. Non, non, mais ça va, Cariole, elle est indépendante financièrement. Hein. Tu crois pas que c'est pas moi qui lui achète. Non, rien, c'est lui achète rien. J'achète rien. Juste pour l'anniversaire et Noël. Bah, ouais, tu vois, non, mais c'est vrai. Non, non, mais là, j'ai pas des pompes à 600 balles. Ou alors, c'est. Elle aurait pu à une période. Non mais si elle achète des pompes à 600 balles, elle les met quoi. Si elle les met pas, je la force à les mettre. Voilà, l'impression. Bon, un petit point sur le sport ce soir. Il y a eu du foot. Saint-Etienne a tenu en échec le PSG au Parc des Princes. Ouais, un partout. Et ouais. Avec un penalty litigieux quand même, hein, pour le PSG. Oh, top. C'est Lucas qui a marqué et puis un but pour. Dans les arrêts de jeu à la 92e, ouais. Oui, c'est bien. De Beric. Oui, bravo. Ah, j'ai dit Beric tout à l'heure, c'est Beric. Ouais. Ah, faut dire tch. Et sinon, Romano, tu es à fond sur le tennis ce soir. Skyrock est premier sur la. Tennis. Sur la baballe. La baballe. Bon, mon fils est mené 2-7 à 0. Ah, mon fils, t'es horrible. Non, ouais, c'est ça. Non. Il s'appelle T'es horrible, c'est joli. Non, c'est lui, c'est Gaël. Gaël, mon fils. Ouais. Et dans le troisième set, pour le moment, il gagne 5 jeux à 3. Ah, il remonte, toi, Gaël. Ouais. Peut-être gagner le troisième set. Allez, ce serait bon, ça relancerait le match. Ouais. On suit donc le match de Gaël, mon fils, contre Djoko. Djokovic, ce soir, ouais. À suivre sur Skyrock. Donc, je disais, une question financière qui va être posée, Romano. Ouais, vas-y. Et, Romano est mon idole. C'est Mac qui nous envoie le message, ah. Qui a 15 ans. Écoute, c'est gentil, Mac. Proche de ses sous. Ah non, il est pas proche de ses sous. Il vit dedans. C'est plus que proche, Mac. Non, mais je suis content parce que franchement, bon, si, il y a quand même eu cette foutue télé à racheter, étant donné que mon ancienne avait grillé. Mm-hmm. Mais là, je suis sur de faibles dépenses en ce moment. Ouais, tu fais payer ta meuf. Ouais. C'est bien. Bravo, Romano. Un bip bip pour toi, on peut le. Ouais, je m'en mets. Bravo. Toi, le bip bip. Je m'auto bip bip. Bon, et avant de retrouver Marianne et vous tous en direct, c'est parti pour... Bah, Pamela. Eh oui. Elle est blonde. Ou brune. Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que 3 doigts. Et travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela. Le moment le plus sensuel de l'émission. Waouh. Sensualité à son maximum. Mais et Pamela, mais qu'est-ce que t'as le sourire depuis tout à l'heure? Tu sors pas du studio, tu virevoltes, tu danses. Elle est vachement bien, l'émission ce soir. Hein. Ah, bah, t'as vu, c'est bien. Ouais, c'est bien, mais comme tous les soirs ou presque. Hein. Oui, bah, j'adore. Non, elle est bien l'émission. Ah, mais mieux que d'habitude. Tu la trouves mieux? Mais pourquoi elle est mieux que d'habitude? Bah, je sais pas, j'entends pas l'autre. Tu parles de l'autre. Ah, Cédric? Mais tu sais ce qui arrive à Cédric? Cédric a un accident de mobylette. Bah, il faudrait qu'il apprenne à en faire. Mais ouais, il faisait de la mobylette. Parce qu'on a appris en fait qu'il n'était pas sur une moto, il était sur une mobylette. Et donc, Cédric a eu un petit accident hier. Ah merde! Oui. Eh oui. Et. Non. Il s'en est sorti. Ah merde, il s'en est sorti. Mais vous êtes sûr? Oui, tu veux pas lui faire un bisou, il nous écoute. Eh bien, malheureusement, tu t'en es sorti. Voilà. Ça, il crache dessus. Non, peut-être pas, mais je te salue, Cédric, malgré tout. C'est gentil, Pamela. Ah, c'est sympa. Magnifique. Alors, Pamela, pourquoi elle a un sein? Mais vous êtes sûr pas de la même taille que l'autre? Oui, ouais, tout va bien, ouais, désolé. Bah, je suis faite comme ça. Elle est faite comme ça, ouais. Alors, on écoute il nous reste des pervers à écouter, on se les fait? Bah, vas-y, j'écoute. Allez, c'est parti. Oui, bonjour, c'est Christian. Écoute, j'ai vu ta petite annonce dans Viva Street. Je serais éventuellement très content de te rencontrer, puis à voir si on a quelques affinités. Tu peux me rappeler éventuellement à ce numéro, 06 69 94. Voilà. Seulement entre 18 et 19 heures que je suis marié. Je serais ravi de te connaître. Fanette, il a une heure de battement dans la journée. Quoi. Ouais, puis il a un message d'une heure aussi. Ouais, c'est vrai. Et tout ça pour apprendre qu'il est. Bon, on peut essayer quand même de le joindre. Vie, ouais, pour foutre le bordel de la famille. Hein, non, mais bon, ouais, il a un téléphone perso, j'imagine. C'est Christian qui nous a laissé. Oui, c'est son portable en plus. Ouais, bah voilà. Bon, donc on va l'appeler Christian. Donc on le met de côté. Il te plaît, Pamela, on le prend. Donc Christian qui est allé sur River Street. Bonjour, c'est Christian. Écoute, j'ai vu ta petite annonce dans Viva Street. Street. Oh putain, le mec. Christian, c'est sans doute un Américain. Oui. With the Street. Tiens, on nous dit, il ressemble un petit peu à Patrick Devoix. Hein? C'est vrai, il y a un petit truc. Vous faites voir le Viva Street. Oui, bonjour, c'est Christian. Écoute, j'ai vu ta petite annonce dans Viva Street. Viva Street. Bien sûr, ouais. Oh, là, il est un peu plus. Ouais, vite fait. Patrick est un peu plus comme ça, quand même. Bon, on passe au suivant. Allez. C'est peut-être vous, celle que j'imagine en me masturbant. 01 83 Il est de retour. 89. Putain, mais il y a des mecs qui passent leur life là-dessus. Ouais, mais tu vois, là c'est bizarre parce que son message il est plus soft que d'habitude. Ah, il est quand même pas mal, t'as vu le mec qui arrive. Oui, non, mais ah, bon, c'est peut-être vous. Non, vous. Mais lui, il a une voix de merde à la base, oui. Je pense. C'est... c'est peut-être vous, celle que j'imagine en me masturbant. 01 83 89. Celle que j'imagine en me masturbant. En me masturbant. C'est non, lui mais... qui avait dit j'aime l'amour hard. Bah ouais, mais ouais, tu sais, là, il est soft, je trouve. Non, mais peut-être parce qu'il chope pas, tu vois. Ah bah lui, non, mais comment tu veux qu'il chope avec lui? Non, mais Marie. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, tu te rends compte que tous ces mecs-là, je pense qu'ils chopent pas. Ils chopent pas, non, à c'est part clair. Leur bite avec leurs mains. Non, mais c'est clair, mais il s'est peut-être dit, je chope pas à cause non, de ça, donc maintenant il est un peu plus soft, va savoir. Soft. C'est peut-être vous, celle que j'imagine en me masturbant. Mais soft, c'est un message 83, à une meuf. Essayez de draguer une meuf comme ça, tiens. Ce week-end, vous rencontrez une meuf, ah, les gars. C'est clair. Si vous dans avez, la rue, si vous avez des couilles. C'est peut-être toi. Faites le test. La meuf va partir en courant. Viens dans ma cave. Vous faites le test pour nous, vous nous racontez, vous allez voir une meuf, vous lui faites. C'est peut-être vous. C'est peut-être vous. Que j'imagine en me masturbant. 01 83. Ah, imaginez. 89. Ah ouais, dans 89. Oui, c'est peut-être vous. Non, c'est tu peut-être. Pars en faites le test et puis vous nous dites. Ah ben bonjour monsieur. Ah ben c'est peut-être moi, oui. Vous êtes très romantique. C'est sans doute moi. Allons-y. Allons baiser. Non mais sans c'est vrai Marie. Ah bah oui, non mais je suis d'accord. Alors, le dernier ou l'avant-dernier, je sais pas, Alain. C'est Alain. C'est peut-être vous. Alain, 50 ans, je recherche une femme aimant se caresser au téléphone. 01-48. C'est bien ça. Oh là là là là là là. Il essaie de prendre Alain. Une voix sensuelle. Aussi, fait sa belle salut, voix. C'est Alain. Ouais. Alain. Il fait peur, ils font peur, nous dit Kikou. Moi, c'est Alain, mais j'ai des glaires. Ah ouais. Il fait peur, nous dit Céd. Mais il veut être sensuel. Nicolas, qui irait bien rigoler. Mais attends, c'est pas fini, on les a pas encore appelés, Nicolas. Et il y a Marc. Bonjour, c'est je suis Marc. Bonjour, M. Mitanis. Je cherche des filles rondes, même très rondes, même très très rondes, très très très rondes, de préférence. Mon numéro 06-71. Très très très très très ronde. Je suis ajouté à 1m75, 75 kilos. Voilà, parfait. Voilà. J'attends votre appel, merci. Attention. Même très très très ronde. Donc lui, on l'a écouté la semaine dernière et on l'avait appelé. Il était dans sa voiture, elle va du côté de Nice. Ouais, c'est ça. Bon, on va essayer de le rappeler. On sait quoi les numéros qui sont prêts là? C'est des pervers? Non, ça c'était pour le multi-appel, mais on peut faire les bon, pervers. Bon, alors le multi-appel, ouais, tente un pervers ou deux là. Allez, vas-y. Allez, on y va. Allez, vas-y, on tente un pervers ou deux. C'est parti, mon kiki. Et si on vous parle du multi-appel après le magnifique double appel de tout à l'heure? Ouais, très bonne famille. Je crois qu'on a eu un Gérard et une je sais plus qui. Ouais, ouais, ouais. Donc, magnifique appel, double appel. On va tenter plus fort le multi-appel de ce vendredi soir avant minuit. Ouais. Bon, là, on est sur les pervers. Ah! Donc, qu'est-ce qu'on fait? On appelle n'importe lequel? Bah, moi, dès qu'il y en a un qui décroche, vous me le passez, il n'y a aucun souci. Et là, on est en train en même temps de draguer avec ta photo sur certains réseaux. Oui, oui. Et sur certains sites. Mais on ne dira pas lesquels. On ne dit pas lesquels, non, sur certaines bien. Applis aussi. Ne dites pas, il est en live. Sur Max. Je suis. Elle est, pardon. Oui, elle est. C'est une femme, j'ai oublié. Elle est sur Max. Pas de personne. Alors. Donc, on appelle plusieurs à la fois pour qu'ils répondent. Ah, oh, je suis filmé. Ouais, t'es sur Periscope. Wow, t'es sur Periscope. Désolé, vous êtes en ligne avec ma messagerie vocale. Eh bien, votre message bonsoir Skyrock, bonsoir Periscope. Sorry, you're sorry. Ah. Tu laisses un message sur la messagerie vocale. I shall call you as soon as possible. Yeah. Yeah. Allô, bonsoir. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Tu m'entends? Ah putain. C'est qui? Ah merde. Rappelle-le. Ah, la voix de merde qui va, c'est qui lui? C'est lui qui veut que tu me pisses dessus. Ah, c'est lui qui veut. Ah, c'est Michel. Bonsoir mesdames, offrez-moi votre jet doré au 01 45 41. Très bien. C'est vrai qu'en effet, il a une très très belle voix. J'espère qu'il va répondre. Mais lui, on l'avait déjà eu, non? Ouais, mais il veut jamais. C'est possible. Il voulait quoi? Il voulait pas nous parler, je crois. Ah putain, Pamela, t'es peut-être pas assez sensuelle. Vas-y, mets ta perruque. Ah ouais, je fais ce que je peux. Mais elle est où ta perruque d'ailleurs? Je l'ai perdue. Bon, je l'ai volée, c'est pour aller au bois de boubou. Oh ouais. J'ai volé la perruque. Eh ouais, Cédric est pas là, il a la perruque avec lui. Cédric, faudrait la ramener quand même. Mais pourquoi il répond pas là? Pourquoi il garde la perruque avec lui? Voilà, je m'en sers. Qu'est-ce que tu vas faire au bois de boubou? Voilà, je vais travailler. Très bien. J'arrondis les fins de moi. Ah. Je vois. Allez. Bon alors, c'est qui lui? Ouais, Michel, il répond. Bon, ouais, bon, lui, il va se reculer. Vas-y, je zappe Michel, c'est lui Michel? Après tout. Allez hop, je zappe Michel. Allez, on passe. Oh. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Oui, bonsoir, c'est Pamela, l'appareil. Qui ça? C'est Pamela, l'appareil. Vous connaissez pas? Mais j'ai appelé pour. J'ai envie de me masturber au téléphone. Ah, ben alors, c'est pas moi qu'il faut trouver. Ah, si. Ah. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Mais non, c'est bien. Mais non, reste. Non, allez, salut. Ah, allez, vas-y, sors ta queue. Allô. J'espère qu'on s'est pas trompé de numéro. Claude, il a, Claude, il a pas mis un faux numéro. Non, mais vas-y, rappelle-le, lui. Attends, c'est quoi l'annonce, d'abord, fais voir. Attends, oui. C'est peut-être vous. Eh oui, c'est lui. C'est lui. 01 83. T'as peut-être reconnu. Il y a peut-être sa femme à côté. Ouais, peut-être, ouais. C'est peut-être vous. Hein? Oui. Y a Karim, il est en train de... Allô? Allô, oui. Oui, ça a coupé, t'es avec ta femme. Écoutez, si vous voulez me laisser tranquille, j'en serais très heureux. Oui, mais j'ai vu la... J'ai 87 ans. C'est sûr que c'est lui. Mais c'est... Mais j'ai entendu ton annonce. J'ai pas... Je comprends pas du tout, j'ai pas... On va vous laisser, d'annonce. Monsieur. J'ai dû faire erreur. C'est pas lui. Mais si, c'est j'ai son rien père, du tout. Son père. Bon, salut, monsieur, on vous souhaite une bonne nuit, on s'est trompé. C'est peut-être son fils. Mais non, mais c'est son... C'est pas... Ah ouais, non, c'est mais... C'est son fils, au mec, là. Ah bah oui, il a pris le numéro, tu vois. Bah, le mec, en même temps, il a à peu près la même voix. Bah oui, mais Romano, toi et ton père, vous avez un peu la même voix. Non, mais il a peut-être fait exprès. À part que lui, il fait plus bonjour que toi. Et que toi, t'as perdu ton accent. Mais non, rien à voir. Non, c'est le père qu'on a eu. Ils ont la même voix, c'est une voix de famille. Mais c'est ça. Vas-y, remets voir le début. C'est peut-être vous. Ils ont la même voix. C'est peut-être vous. Celle que non, mais on s'en rappelle plus, peut-être. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, c'est tapez qui, dièse. Ah, non, putain, merde, alors, mais je te dis, le mec, il s'en rappelle plus. C'est exactement la même voix. Bah oui, c'est le même, bah oui. C'est la même voix, du coup. Non, mais attends, dites-nous, alors, est-ce que vous pensez que c'est la même voix ou c'est pas la même voix? Regardez, Kikou dit, c'est une voix un peu différente pour Kikou du 75. Non, mais sur la première fois où il l'a appelé, il avait exactement la même voix. Sur le deuxième appel, il bégayait un peu plus. Bah oui. Tu crois? Tu sais, genre, il a fait son cinéma, mais le mec, c'est lui, je suis sûr. T'es sûr que c'est lui? Je suis sûr, il est avec sa femme ou, non, parce que là, il avait vraiment une voix de papy, quoi. Il était... Non, mais la première fois qu'on l'a eu, il parlait normalement. Il faisait comme ça. Alors, je te dis, il se rappelle plus, c'est bien triste. Oui, c'est bien triste, en effet, comme nous. Bon, alors, plongeons un autre. Oui, et puis on a Marianne, faut pas l'oublier, on va la prendre. Elle veut des conseils financiers, des petits conseils. T'es là, Marianne, déjà, d'ailleurs. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Non, t'es pas en Bourgogne du tout, t'es à Paris, toi, Marianne. Oui. Salut, Marianne. Salut, Marianne. C'est toi qui voulais un conseil d'ordre financier. Ne t'inquiète pas si ça sonne, on appelle des pervers. Hein. D'accord. Un conseil d'ordre financier. Oui. C'est bien, je vais te mettre en contact. Allô. Oui, allô. Oui, suceur. Pardon. C'est toi le suceur? Non, pourquoi le suceur? Bah, c'est ton pseudo sur le réseau. Oui, exact, mais t'es une femme? Ah bah oui, je m'appelle Pamela, moi. Bah oui, mais t'as pas une votre femme? Ah bah si, je suis une femme. Hein. Ah ouais? Ah bah ouais, sûr, hein, ça, c'est une belle petite minette. Épilée devant, un peu plus longue sur les côtés. Ouais. Ouais. J'ai une belle poitrine, 95C, 85A. Ok, mais t'as pas une bonne femme. Je suis blonde et brune, je travaille dans la mode, je suis modéliste. Ok. Et toi, c'est quoi ton prénom, suceur? Emmanuel. Emmanuel. Et tu es donc... Et toi, c'est quoi ton prénom? Pamela. Ok. Ouais. Et toi, tu cherches un dialogue hot au téléphone? Exactement. Ah, vas-y, alors dis-moi des choses. Ben non, mais à mon avis, t'as pas une bonne femme. Ah bah écoute, donc, toi t'as bien une voix de merde et j'accepte de te parler, alors tu vas pas me faire chier, quoi. Oui, non, okay. Mais sérieux, t'as une voix dégueulasse, tu vois, et je suis tolérante. Ok, bon bah écoute, on n'a plus rien à se dire. Ah bah attends, fais pas la gueule. Bah oui, non, mais bon, t'as une vilaine voix, mais je peux me masturber en t'écoutant. Hein. Mais certainement. Allez, okay. Vas-y. Non, mais c'est très sympa, mais c'est pas ce que je recherche. Allez, en tout cas, c'était très marrant. Suceur Emmanuel, fais pas la gueule. Ouais, il est super, mignon. C'est vrai qu'il avait une voix de merde. Non, mais elle a raison, Pamela. Il se permet de critiquer Pamela. Non, mais attends. Alors que Pamela, quand même, une des voix les plus sensuelles. Ça m'énerve. Ça, vraiment. Hein. L'autre, il ouvre sa gueule alors qu'il a une voix toute pourrie. Je vais pas vous lire tous les messages d'amour. Vas-y, rappelle-le. et d'excitation qu'on a reçu pour Pamela depuis tout à l'heure. Mais quand même. Ah, Pamela qui a pas une voix de femme. Non, mais attends, je le rappelle. On va vérifier. Mort de rire quand t'as dit t'as bien une voix de merde. Il y a eu plein de messages. Lol, Pamela. Allô? Elle, allô? Bonjour. bonjour. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie d'Emmanuel. Oui, c'est Emmanuel. Je vous rappellerai dès que possible. Oui. Ah bah, dis-lui qu'il a... T'as vraiment une voix de merde. Ah, mais t'as vraiment une voix de merde, hein. C'est confirmé même sur le répondeur. Incroyable. Réponds la prochaine fois, j'essaie de te rappeler, suceur Emmanuel. Bisous. Et ben voilà, il est super, le suceur Emmanuel. Bah, magnifique. Bon, Pamela, tu retentes un coup avant minuit, promis. Rien, pas de soucis. Pas de soucis. Dans un instant, le multi-appel. Ah ouais, on va faire un multi-appel. On a fait un super double appel et comme vendredi dernier, on va tenter un multi-appel avec les gens qui bossent. On les appelle au boulot. On a plein de numéros. On va tenter de mettre en contact tout le monde. Ça va être un beau bordel, je vous préviens. Ouais. Attention. Mais vous avez l'habitude. Et puis, Marianne. Alors, Marianne, oui, qu'est-ce que... Oui, alors, ouais. Je te mets donc face à face avec Romano, le conseiller financier de Skyrock. Ah, ça fait du bien, les conseils pas chers. Alors, Marianne, mais t'as un souci d'ordre financier, mais c'est quoi ton souci? En fait, si tu veux, je suis en CDI depuis un petit moment, ouais. En 35 heures. Ouais. 35. Et en fait, à côté, je travaille, tu vois, genre, j'ai des petits contrats à 3 heures, 6 heures. Mais en fait, ça fait beaucoup d'heures, en fait. Ouais. Et du coup, en fait, dans la loi, ce que j'ai compris, c'est que t'as pas le droit de dépasser 44 heures. T'as vu ça, Romano? Mais excuse-moi, Marianne, mais les questions qu'on te pose maintenant, tellement que t'es devenu un spécialiste financier, tu vas finir sur BFM Business. Mais les gars, il va vous dire de la merde. Non, mais ta gueule. Tu vas travailler pour Wall Street Journal. Non, mais bon, franchement, les contrats de travail, c'est pas le truc forcément c'est que je maîtrise le plus. Non, mais vas-y, Marianne, pose-lui ta question, Marianne. Vas-y. Non, mais vas-y, dis-moi. Bon, 44 heures, ouais. Ouais, et donc moi je fais plus de 44 heures par semaine en fait, clairement. Et en fait, je voulais savoir qu'est-ce que je risque. Je risque quoi en fait? Ah, c'est la cabane, je crois. La cabane. Ah, le Habs direct. Non, mais moi, bon, le conseil que je te donnerais, c'est pas super légal, mais tu peux pas faire du black à côté. Non, j'ai que des. Ouais, bah ouais, j'y ai pensé, mais c'est que des contrats en fait. C'est des vrais boîtes. Non, mais franchement, non, mais parce que bon, moi, voilà, t'es pas emmerdé. Non, ouais, pas... c'est ça. Non, sur le coup, je sais pas du tout, moi, ce que tu risques. Bah alors, conseiller financier, bah alors, BFM Business. Romano Business, là. Non, mais j'en sais rien. Romano Business. Mais est-ce que les impôts, ils vont te prendre tout ce que t'as gagné à partir tout de 44 ans? Ah, peut-être pas non plus. Non, mais je crois que c'est surtout les entreprises qui. Quoique. Non, mais moi, est-ce que les entreprises savent, si l'entreprise A sait que l'entreprise B t'embauche et qu'elle fait rien, je pense qu'elle peut prendre aussi. Ah bon, hein. Et si l'entreprise B t'embauche alors qu'elle sait que déjà tu fais 35 heures ailleurs, je pense qu'il peut y avoir un problème. Après, je dis ça complètement, j'y connais rien. Hein. Moi aussi, pareil. Mais rien, je vous dis. Mais moi, je voulais savoir pourquoi on n'a pas le droit de travailler. Si j'ai envie de travailler 80 heures par semaine, pourquoi je peux pas travailler 80 heures? Parce qu'il faut partager le travail, parce qu'il n'y a pas beaucoup de boulot, etc. Bah ouais, mais s'il y a des P4 qui savent pas faire le travail. Non, en fait, si tu veux, c'est pour fixer une limite. Parce que sinon, il y a des employeurs, ils feraient travailler. Ouais, mais c'est ça le problème. Non, mais je te parle pas que dans une boîte. Moi, je te parle de genre avoir un contrat de 35 heures dans une boîte et un autre de 35 heures dans une autre boîte. Pourquoi j'ai pas le droit? Alors, monsieur Romano, monsieur Romano Business, le spécialiste Romano Business, là. Non, mais c'est ce que disait Samy. Le problème qu'il y a, c'est que toi, t'auras envie. Par exemple, toi, t'as envie de travailler 80 heures par semaine. Ouais. T'es dans une boîte. Excusez-moi, Marie parle toute seule. Non, mais elle est là. Et elle parle, mais elle parle toute seule dans sa tête. Je sais pas avec qui, mais. Non, mais ma belle-mère, elle est juge au prud'homme, donc je vais lui envoyer un petit texto pour savoir si elle sait. Mais tu sais, le texto, ça s'envoie pas en parlant toute seule dans sa tête. Non, mais ouais, je parlais à mon téléphone. Excusez-moi. Je parle au meuble. Donc, pour revenir à la question de Karim. Admettons, Karim, je sais pas, tu travailles dans un magasin ou n'importe où. Toi, t'as envie de travailler 80 heures. Donc, le mec, il va te dire, OK, tu travailles 80 heures. Le problème, c'est que tes autres employés, eux, ils auront peut-être pas envie de faire 80 heures. Et le patron, il peut très bien les obliger, lui dire, en gros, si t'es pas content, tu te casses. Ouais, moi, je te parlais pas dans une société. Moi, je te parle d'avoir deux contrats. Moi, je suis 35 heures dans un travail. Parce que, tu sais, en CDI. Et en fait, à côté, je fais plusieurs heures, tu vois, genre plusieurs. Et au final, ça fait plus de 70 heures, 35 heures dans mon premier contrat. Mmh. Et après, tu vois, genre, j'atteins facilement, 60 heures presque. Ah oui. Non, mais ça, t'as pas le droit, je crois. Bah tu as le droit de bosser 44 heures, point. C'est légal de cumuler les jobs, mais jusqu'à 44 heures. On nous dit kilo là sur SMS. Bah oui, mais bon, ça fait que 9 heures quoi. Ah oui, tu peux faire que 9 heures, ouais, c'est vrai. Tu peux pas faire tes 60 heures là. Ça dépend des conventions, on peut cumuler plusieurs emplois à temps partiel. Ouais, mais il y a un nombre d'heures à pas dépasser, ça c'est sûr. Bon, on va. Dites-nous, Romano Business. Attends, je suis en train de me renseigner. Bon, Romano Business se renseigne pour toi. Pour le reste, c'est au 41-759 et sur l'appli Skyrock. Tu bouges pas, Marianne, le multi-appel à suivre. Ah ouais, puis un son qu'on kiffe bien là, qu'on va se passer tout de suite. Ah ouais, je vais voir qui va reconnaître en premier dans l'équipe. Attention, j'offre 100 000 euros aux membres de l'équipe. Qui vos gueules, les autres. Qui trouvent quel est le morceau qu'on va passer maintenant. Vous êtes prêts? Au revoir. Ouais, ils sont tous chauds là.

Je sais pas pourquoi je déraille. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vogue sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. 2-3 millions, 7 mois là juste pour quitter la terre. Je fais plus tard, tu élèves, se fait le rap FR. L'odeur de la mer, je sens qu'il est temps de se refaire. Je suis bien chez père, je rattrape les années en l'air. J'aime son accent, j'aime la vie en vrai. Je prends ton temps, je réfléchis après. J'ai souri à la merde, souri à l'envers. Sans commentaire, sans commentaire, sans commentaire, sans commentaire. Suce-moi, merci d'avoir douté de moi. Je prends mon oseille, je chante, je me casse de la de bois. Elle est sombre, elle est timide. Ce soir, la lune rougit. Je pète Nax Veritachi. Le temps, c'est de la monnaie, j'ai pas de monde, j'ai des sous. TTF, IGT, EMZ, des bisous. Même adresse, personne ne nous inquiète. Personne ne nous inquiète. Personne ne nous inquiète. Dans le vide, je vois le monde en entier. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vogue sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vogue sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Skyrock, Romano. Depuis la rentrée, excusez-moi, je fais de la merde. Qu'est-ce que t'as fait? Et voilà, il y a un truc, mais je me suis. Non, attends, on était en train de parler là. Et voilà, tu fais du brin, gros. Ouais, on disait qu'on est. Voilà. 21h minuit, Difool, Radio Libre, tous les soirs sur Skyrock. On coupera au montage. Ouais, ouais, ouais, c'est pas grave. C'est ça, c'est les aléas du direct, comme ils disent à la télé. C'est ça, man. Non, on était en train de dire qu'on parlait de PNL, on aime bien. Ouais. PNL, qu'on vient d'écouter sur Skyrock, je suis QLF, que la famille. Et designer à écouter avant minuit, ça aussi, Panda, on aime bien. Panda. Panda, et vos places de concert à gagner pour Soprano, c'est promis. Je vous donne le top dans pas longtemps, c'est un petit quart d'heure, un petit top à vous donner. Au 7-20-20, vous pourrez vous inscrire ouais. en envoyant roulette. Tiens d'ailleurs, en parlant du 7-20-20, inscrivez-vous pour les 1 500 €, on va en faire encore plein d'argent. Tiens, Romano disait que j'étais un gros radin là, parce que tu parlais d'argent avec Marianne, il se prenait pour BFM Business. Non mais c'est Marianne qui pose des questions, on essaye de lui répondre. Bah ouais mais c'est gentil. Et on a des réponses pour Marianne. C'est qui ça? C'est un pervers qui attend avec sa webcam. Ah il y a un pervers qui t'attend avec sa webcam. Pamela viens voir. Il a poil. Ah ouais mortel. On s'occupe de Marianne. On s'occupe de Marianne et de sa question argent. On fait un multi-appel aussi avec les gens qui bossent. Et appelez-moi le pervers. Le mec il est en caleçon caleçon posé allongé, tranquille. Eh redis-moi son pseudo. Chris. Ah ouais je l'ai c'est bon. C'est Chris. Ouais t'inquiète. Allez, on appelle Chris pour Pamela. Pamela doit serrer avant minuit. Reste moins d'une demi-heure. Pamela, attention, attention. Aucun souci. Aucun souci, on va voir. Ça, c'est la conversation. Ah, mais l'autre, il t'a dit que le précédent qu'on a appelé, il t'a dit que t'avais une voix de merde quand même. Hein. Ouais, bah lui aussi. Oui. Ah, alors. Ferme sa gueule. On appelle Chris qu'on est en train de draguer en live là. Parce que cette année, c'est nouveau, Pamela. Allô, Chris. Allô, Chris. Allô, Chris. Je t'entends pas, Chris. C'est bizarre parce que je raccroche. Hein. C'est bizarre parce qu'on n'entendait pas ça de bruit. Mais ce con, il est en train de trafiquer son téléphone. Je le vois. Il dit allô. Il dit allô, mais on l'entend pas. Alors, attends, vas-y, on le rappelle. Par contre, il a plus le temps, il a des stars sur le front, mon pote. C'est quoi là la webcam? Mais c'est moi. Salut Romain. Non, mais pire que Cédric, il a des stars. Attention. Allô, oui. Allô, Chris. Oui. Oui, c'est Pamela du réseau. Oui. Ouais, comment vas-tu? Ça va. Ça va? Là, je te vois, là. Tu me vois? Ouais, je te vois, ouais. Mais je vois pas ta bite. Non, je... Ah, descends un peu. Donc, remonte un peu sur le lit. Voilà, c'est mieux, là. C'est quoi ton prénom? C'est Chris, c'est ça, ouais? Ouais. T'es d'où? Je t'entends mal. Je suis de Rouen. De Rouen? Ah, c'est bien en Normandie, ça. Oui, Moi, je suis. au Havre. Ah, bah, tant mieux. Mais là, sur la webcam, là, je te vois, t'es en train de bander, là, non? Non, non pas. Ah, t'as une grosse bite, alors. Je t'entends mal, là, parle mieux dans tes téléphones. Ouais. Bon, alors, pourquoi t'as pas de cam, alors? Bah, écoute, parce que mon truc, il fait pas cam. Ton truc, il fait pas cam? Mon ordi, il fait pas cam. Ouais. Ouais. Et tu fais quoi dans la vie, toi? Je suis designer. Un designer? Moi, je suis modéliste. C'est vrai. Designer, c'est toi qui as fait Panda? Non, c'est pas moi qui ai fait Panda. Non. Ah, parce qu'il a le même nom que toi. D'accord. Ouais, t'as une voix... T'as une voix virile un petit peu, non? Non, pas du tout, je suis une femme. Ouais, bah, je sais pas, moi j'hésite peut-être. Ah mais non, mais je suis un petit peu enroué là. Avec la clim, j'ai pris froid. Ouais. Je sais pas. Tu vas venir une cam, ce serait mieux quoi. Ah ouais, mais j'ai pas de cam. Bon, c'est dommage. Je vais te laisser tranquille. Mais non, bah non, mais moi je vais pas te laisser tranquille moi. Moi j'ai envie que tu me montres ta queue. Ouais. Mais la cam, bah, il faut que tu t'achètes une webcam, ça sera plus simple. Tu auras plus genre de problème, tu vois. Mais la cam. Attends, j'ai une cam. Je vais mettre ma cam. Allez, salut. Non mais attends, je te mets ma cam direct. Attends, je mets ma cam. Attends, allô. Merde. Mais va plus vite, Romain. Vas-y, mets la cam. Mets la cam, Marie. Mets-toi devant la cam. Voilà, voilà. Marie, tu te mets devant la cam. Et on le rappelle dans 2 minutes. Et on le rappelle 2 minutes, mais tu caches ta bouche, Marie. Tu fais comme si Pamela parlait. Ouais, non, tu te touches, tu sors tes seins et tout. Ouais, ouais, vas-y, montre tes seins, vas-y. Ça va pas. Si, si, ok, d'accord, les gars. Non, mais descends un peu trop. Voilà, sois sexy un peu. Ouais. Enlève-le, peut-être. Pourquoi t'as un soutien-gorge? Non, mais enlève-le, Marie. Non, prends ton chat, Marie. Tu te caresses avec le chat. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tu chasses sur la tête. Tu dis, je me caresse la chatte. Ouais. Bon, dans un instant, donc, on s'occupe de notre nouvel ami Chris. C'est Chris, on va voir ce qu'il pense de ça. Je suis designer, moi. Allez-y, mettez la cam. Valentin, qui est 18 ans, qui nous dit, j'ai honte, je suis à côté de Rouen. Oh, il était normal, lui, par rapport aux autres. Il était en train de bander. Énorme, Pamela, pour Derek. Salut à toi, Derek. Trop fort, le blablabla. Ah oui. Alors, on va l'écouter, Panda, là. Il s'appelle comme, c'est peut-être lui, d'ailleurs. Ouais, c'est, ah, lui, ouais, c'est lui, ouais. C'est designer qu'on est au téléphone. Ouais, le rappeur. Parle bien français. Hein. Ouais, grave. Bravo. Hein. Bon, on finit avec juste Marianne, oui, parce qu'on a des renseignements pour Marianne. Romano Business a été mis en échec par question de Marianne. Ça y est, j'ai la réponse. Alors Marianne, il y a une... Ah non, moi je sais aussi, ouais. Alors Marianne, juste ta question en 10 secondes pour ceux qui n'avaient pas entendu tout à l'heure. Donc quand t'as un contrat de 35 heures... Qu'est-ce qu'il demande ce qu'on demande à Romano maintenant? Donc quand t'as un contrat de 35 heures et que tu fais plus de 35 heures dans une société et que tu veux faire d'autres heures dans d'autres sociétés, genre, et que tu dépasses 44 heures, il se passe quoi? Voilà. Donc logiquement, t'as pas le droit au-dessus de 44 heures. Et 48 heures. On a Ellie qui est avec nous au téléphone. Allô Ellie? Allô. Salut Ellie, Bordeaux et 23 ans. Toi, ouais, Ellie. Ouais. Hélicoptère. Voilà. Ouais, c'est très drôle. Ellie Treillé. Ellie Treillé. Voilà, Ellie. Ellie Simone. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, Ellie. Alors, moi, je suis en CDI dans une boîte, donc à Bordeaux, et je devais faire pion la nuit dans l'internat à mon ancien lycée. Absolument, oui. Et j'avais pas pu parce que la convention me bloquait, ça faisait trop d'heures. Et donc le nombre maximal d'heures, c'est combien? 44. Ah bah moi on m'a dit 48. Non, il y a deux cas, il y a 48, il y a 44 sur 12 semaines et il y a 44 pour une semaine. Ouais, c'est un bordel, ouais. Le droit du travail en France, c'est simple à comprendre. Oui, bah ça c'est le bouquin déjà, tu peux pas le porter tout seul, faut être deux ou trois pour le porter tellement il est lourd. Ouais, c'est un bordel. C'est ça, ouais. Non, parce que moi ce que j'ai vu, bon, j'étais voir sur internet, hein, je ne vais pas vous le cacher. Mais je suis sur legifrance.gouv.fr. Waouh. Et en gros, si tu te fais choper de toute façon, a priori tu te feras choper, c'est dans un premier temps une amende de cinquième catégorie. Karim, roi des amendes, ça correspond à combien de montants? J'en sais foutre rien. Renseigne-toi, toi qui as pris que l'amende, tu sais pas ce que c'est une cinquième catégorie? C'est pas 1005, non? Je sais pas, ouais. Bon, en tout cas. Oh, non. Aïe, aïe, aïe, ouais, Marianne. Donc, l'amende, c'est pour toi et tes employeurs. D'accord. Et en deux, et s'il y a récidive dans les 3 ans, je crois. Là, c'est la cabane. Non, c'est pas la cabane, mais en fait, c'est transformé en, ça se transforme en délit et du coup, tu passes au tribunal. Voilà. Et le problème, c'est que c'est marqué sur la feuille d'impôt. Hein? Ouais, c'est marqué sur la feuille d'impôt, de toute façon. Donc, et ouais, tu vas te faire griller. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, donc, non, ouais, forcément, choper, ouais. Tu vas te faire choper. Donc, je t'ai dit, il fait du black, hein. Oui, non mais bon, écoute, moi je te dis comme c'est, je sais c'est interdit, mais non mais c'est vrai qu'en soi c'est con. Et si toi t'as envie d'avoir ouais, de taf, pourquoi c'est ça que je comprends pas moi. Si j'ai envie de travailler, je peux oui, travailler quoi. Ils disent que c'est pour partager. Travailler en fait, plus pour gagner plus. Être riche un peu, oui. Non, avoir être propriétaire. Après, ça dépend. C'est quoi que tu fais avec tes petits contrats? Je fais de l'échantillonnage, distribution de prospectus. Ouais, moi aussi. Ouais, je fais de l'échantillonnage. Si genre tu fais du ménage ou quoi, tu peux te faire payer au black. Oui. Non, je fais pas du ménage. Après c'est pas bien, mais bon. Change de boulot. Ben fait du ménage, voilà. Oui, je prends des risques. Non, donc c'est 44 ou 48 parfois. Ouais. Voilà. 48 par semaine, mais la semaine précédente ou suivante, tu dois faire 40 heures. Tu peux... Ah ouais, d'accord. Faut ouais, après, il faut faire une moyenne. Oui, c'est la moyenne sur 15 jours, en gros. C'est Tidav du 76 qui nous laisse le message. Ouais, et une amende 5e catégorie, c'est confirmé par le Louche Vie Britannia. Oui. C'est 1500 balles. Et voilà, j'avais raison. Et c'est cher. Et tu payes des impôts en plus. En plus. Ah ouais. Non, mais je pense que, ouais, en plus, les impôts, ils doivent te casser les couilles, parce que vu que c'est pas normal, voilà. Ok, bah, écoutez, je vous remercie, les conseillers financiers de Skyrock. Tu t'exposes à de graves problèmes. Avec plaisir. Pas mal. Merci, Ellie. Merci. Avec plaisir. Je peux faire une petite dédicace? Ah, vas-y, tout ce que tu veux, profite. Je vais faire une petite dédicace à ma chérie Sonia, qui doit m'écouter gentiment dans son lit. Salut, Sonia. Et je fais une petite dédicace aussi à tous mes potes qui m'ont aidé à remonter ma moto ce soir, et à tous ceux qui font du motocross. Ouais, bah, fais gaffe. Bah, enfin, une dédicace à Cédric et sa moto cassée maintenant, tiens. Ouais, ouais. Mais je suis meilleur que lui, je pense. Ah bah oui, non mais j'espère. Mais je lui avais dit Cédric, tu vas te un jour. De toute façon, il est mauvais. Bah il est mauvais, il est mauvais. En tout cas, il conduit mal avec sa moto, ça c'est ouais, il fait le cacou sur la route, ouais. C'est ça, il fait le cacou. Ouais, tu sais, il met des accélérations quand il faut pas, il met des feux. Tu sais, une accélération sur une ligne droite pour après s'arrêter au feu d'après, de la merde. Il fait le malin, il doit mettre le casque à moitié sur la tête à mon exactement, avis. Ouais. Non, mais ça rentre pas. Oui, ça. Oui, exactement. Non, c'est le casque, il est trop petit pour la tête, rentre pas dedans. Oh là, j'arrive pas à le mettre en entier. Bah oui, ça rentre pas dedans. En plus, il conduit en t-shirt, c'est un ouf, gros. C'est quand tu rentres en t-shirt, ouais, tu tombes, t'es niqué, gros. Bien sûr. Ah oui. Ah ouais, il faut le blouson qui protège. Ouais, bah ouais, bien sûr. Ça mieux. Blouson de motard. Ouais, avec la dorsale ouais, et tout. Ouais, tatatin. Bon, merci Ellie. Marianne, bon, ben. Marianne, si, il y avait une dernière solution, ouais, c'est vrai que c'est pas con. Ah, écoute. Si tes employeurs, tu peux devenir auto-entrepreneur. Auto-entrepreneuse. Ouais, tu fais auto-entrepreneuse. En fait, en gros, tu montes ta petite boîte et voilà. Tu fais les factures aux boîtes pour lesquelles tu travailles. Et ça, je pense que t'es pas limité en heure. Voilà, c'est pas mal ça. Ouais, et tu peux travailler à côté. Voilà. Ah ouais, c'est bien ça. Qui c'est qui a trouvé cette idée? Attends, je retrouve le message. Bravo, merci pour les messages. Ouais, il y a toujours des solutions. C'est dingue. Même quand on pense que c'est impossible, t'as vu Marianne? Alors attends. Ouais. Il y a Bibuse qui nous dit moi je fais ça 51 heures par semaine, je m'emmerde. Mais merci Boulanger du 59. Fais des contrats d'auto-entrepreneur, ça passe comme ça. Et voilà. Ouais, bon. Bah oui. Bah non, mais pourquoi pas, bah, si t'as vraiment envie de bosser beaucoup après 1500 euros, c'est confirmé pour les 1500 euros. Ouais, pour la catégorie 5, ouais, 5e catégorie. Bon, bah c'est pas grave, vous m'appellerez pour les 1500 euros. Voilà, c'est ça, on fait ça. On va pour s'arranger payer comme mon ça. Amende. Bah tu vois, c'est bien, bien pratique. On t'embrasse, Marianne, on te fait un gros bisou. Bah merci. Et merci à toi, Ellie aussi, un bise. Avec plaisir, bisous les gars. Vous avez des t-shirts? Oui, on vous l'envoie, un t-shirt collector. Bien sûr. Le collector Skyrock. À la maison. Salut Ellie, salut Marianne. Salut. Bisous. Et Billy69 nous dit que lui, il y a 22 ans, il fait 50 heures, on tourne à 50 heures à l'aéroport, il nous dit. Ah ouais. 50 heures. Ah ouais. Peut-être qu'ils ont le droit, non? Bah logiquement non, il y a pas de. Enfin bon voilà, c'est marrant, moi j'aurais appris des trucs. Non mais après ça peut être compensé par des jours de repos. Des jours de repos ouais aussi. Si ouais. Si tu fais beaucoup d'heures d'un coup, après t'as 3 jours de repos derrière. Ouais, ouais, a priori il y a toujours une solution. Ouais, il y a des arrangements. Super Romano Business, hein, vraiment. C'était bon, vraiment pas mal, pas mal. Bon, on se reconnecte sur la cam avec le gars là. C'est bon. Il est toujours. En fait. Du coup, on a pris le suivant parce que l'autre il s'est pas reconnecté. Ah. On a le suivant là, on le tient là. L'autre, en fait, on l'a calmé pour la soirée. Ouais. Tu l'as fait fuir. Ouais, le mec a dû dire oh putain, c'est une galère ce site. Le suivant est encore mieux. Le mec il va pas se branler du week-end. Le suivant est encore mieux. Il est en cam ou pas lui? Ouais, il est en train de se toucher la douille. Ah ouais, normal. Ah, attendez, laissez-moi voir cette histoire quand même, fais voir. Il a un peu le ventre. Eh, tu peux pas l'envoyer. Envoie-le sur l'écran là. Ah, il est ignoble. Mais si, normalement. Mais il a une toute petite bite. Non, on voit pas sa bite, elle est chelou. Ah non, je peux essayer son doigt. Mais Romain, mets-le sur le grand écran là. Ah ouais, l'autre il est déchaîné. Donc lui on l'appelle en direct. On dirait qu'il est une chatte. Mais si, connecte-toi. Non, mais eux ne sont pas connectés. Vas-y, on s'en fout. Ah, les écrans sont pas connectés. Ah merde, bah c'est con d'avoir des écrans connectés qu'on connecte pas. Ouais, c'est. Ah, mais ça, c'est vrai. C'est intéressant. Ça, on a des téléconnectés, mais. Et pourquoi tu voulais sur grand écran? Bah, non, mais comme ça, on pouvait tous voir en même exactement. Temps. Absolument, oui. Vas-y, mets-le sur grand écran. Tiens, en plus, on a un écran d'1m60 là, ou 1m80. Énorme. On l'appelle? Bah, allez, c'est parti. Attends, une seconde. Il faut récupérer le numéro. C'est pas le numéro? Non, on n'a pas de numéro. Il dit quoi ? Il veut lancer la caméra avant que. Bah vas-y, viens, Marie. Vas-y, Marie, montre-toi. Vas-y. Ouais. On va montrer Marie, on lance la caméra. Il y a le son ? Ouais, tu peux. Non, il n'y a pas le son, tant mieux. Et après, on va voir. Non, mais sinon, Marie, elle aurait bougé la bouche et j'aurais fait coucou. Pamela. Bon, on essaye de. Donc avant minuit, il te reste un quart d'heure, Pamela, pour serrer ce soir. Hein. Attends, il faut. Ouais, pas de problème. Oui, pas de problème. Voilà, c'est mieux comme ça, ouais. Non, mais attends, c'était juste pour le décor derrière qu'on voit pas le gros logo Skyrock. C'est bon, tu regardes la télé, il y a du sport, c'est bien. Voilà, c'est bien. Attention. Vas-y, demande-lui son numéro. Demande-lui son numéro et on l'appelle juste après. Décris-le un peu, Romano, parce que moi j'ai pas l'image. Je vois que t'as le nez. Merde, j'ai fait une fausse manœuvre. Oh. Non, mais Romain, c'est un pro, hein. Moi je suis pas habitué à ces. Tu passes ta vie là-dessus, toi, Romain. Non, je suis entré. Le mec, il t'ouvre toutes les fenêtres et tout. Voilà. Bon, là, tout le monde s'écarte. Marie, rapproche-toi. Voilà, Marie. Mais pourquoi tu te mets. S'il parle. Ah non, mais oui, mais c'est pas grave, il t'entend pas là. Vas-y, demande-lui son numéro maintenant. Voilà, demande-lui son numéro vite. Tu m'envoies ton numéro que je t'appelle ? Non mais Marie ne t'entend pas. Marie ne t'entend pas. C'est un chat, t'écris des trucs et Marie, le mec il lit. Marie, vous savez qu'elle parle aux vidéos sur YouTube. L'autre jour j'ai parlé à ma télé. C'est bien Marie. J'ai regardé le journal sur BFM. Le mec il me regardait, je lui ai parlé moi. Je lui parlais mais il disait des trucs bizarres. C'est bon. Mais Marie, tu sais pas taper sur un écran? Bah, si, sur oui. Un fais-lui un coucou, il veut un coucou. Il pense voilà. Que c'est un truc bidon. Coucou, voilà. Alors, coucou. Lui envoyer ta photo. Non, mais vas-y. Vas-y, hein. Monte tes seins, Marie. Fais-moi un truc sexy. Non, fume, Marie. Dis lol. Pourquoi lol? Allume ta clope, comme ça, il va voir que c'est pas un truc bidon. Voilà. Allez, vas-y. Ah, parce qu'il lui demande d'allumer une clope. Non, mais parce qu'en fait, je pense que le mec, il pense que c'est peut-être une image bidon. Il demande de faire des signes et tout. Ah, il va chercher son tel, c'est bon ça. Ah, il va chercher son téléphone. Regarde, tu vas te faire filmer, Romano. Il a marqué attirante. Attirante. Attirante et attirée. Et attirée. Ah, oui, Marie, elle chope. Vas-y, Marie. Oh, ça pite. Allô, t'es le mec normal, il met son sgeg, quoi. Ça y est, c'est parti. T'as, il a du ventre, le mec, un peu. Ouais, t'as vu, il a une grosse. Une grosse queue. Ouais, non, mais au niveau du ventre, là. Ouais, mais je sais pas, il a plusieurs ventres. Tu sais, ça fait des vagues. Je te sens sur les charbons, là. Ouais. Mais parle pas dans ta bouche, Marie. Non, mais là, parle normalement. Bah oui, parle normalement. Ouais. Pas, Marie. Ouais, je sais. Mais... Ouais, mais si tu bouges trop la bouche, c'est vrai que tu vas passer pour une conne. Il spin son numéro, là. Il fait quoi, le mec? Ah, il se croit qu'il s'est levé pour aller chercher le téléphone. Ah, il va chercher son téléphone. Il a disparu? Mais il bandait? Ah oui, il y a un polochon. Non, il bandait pas, elle était molle, c'est couché sur la cuisse. Ah putain. Et il est poilu, a priori. Ah, Marie, tout ce que t'aimes. Voilà, Marie, donne un peu de ton corps. Mort de rire, la Marie. Elle comprend rien. Ouais, touche-toi les seins. Ouais, touche-toi un peu. Vas-y. Dans la webcam. Excité. Non, mais sois naturel, Marie, parce que là, t'es figé comme. Touche-toi les cheveux, touche-toi la moule. Mets-moi ta chaise. Tiens, William, il a fait la même chose avec des potes pendant les vacances. Ils avaient mis une copine devant la cam et ils draguaient des mecs. Trop lol, trop MDR. MDR, lol. Bon, vas-y, il est revenu. Vous rigolez, mais vous allez tomber sur Cédric en live. Ah ouais. Non, mais c'est possible qu'on le trouve sur. Cédric, c'est possible qu'on le trouve sur un truc comme ça. Ah ouais, c'est clair. Alors, on lui renvoie un message. Mais il en est où, lui? Il est revenu? Putain, il est long, mec. Je te tiens sur des charbons. Je te sens sur des charbons. Ouais, là. Ça veut dire t'es chaude. Ah, t'es chaude. C'est quoi ces vieilles expressions? C'est un gros ringard. Il a quel âge, d'ailleurs? 45, d'accord. Ouais, parce que là, on n'a pas vu la gueule encore. Ah, vous avez juste vu la bite. Le mec, il se présente, il monte sa bite. La bite et ses trois ventres. Le mec, il a trois ventres. Voilà, hein, petite surprise dans un instant, t'imagines? T'imagines, on tombe sur Cédric, ça va, oh putain, moi, je me pisse dessus. Ah ouais, moi aussi, je pisse dessus. Voilà, salut. Oh, ça va, j'ai besoin de me faire câliner. Il est revenu. Ah, vas-y. Voilà, câlinez-moi, je me suis cassé la clavicule. Ah, ça y est, il a sorti ses poils. Non, mais en fait, tu sais, il est revenu, il était en calbar. Ouais. Et là, il a baissé un peu le calbar. Et tu sais, comme dans les bronzés, il y a la touffe de poils. Ouais, c'est ça, en fait. Vas-y, prends une photo pour les réseaux, on voit pas sa gueule. Attends, faut pas qu'on te voie. Ouais, oui, faut pas qu'on te voie. Ah, oui, bah prends-la après. Ouais, prends après la photo. Bon, il a donné son numéro. Bon, qu'est-ce qu'il fait chier? Bah, dis-lui, dépêche-toi, t'es relou. La soirée. Et y'a pas moyen de mettre le son de la cam? Non, y a pas. Ah, il connaît par cœur, lui, t'inquiète. On l'a déjà demandé. Non, mais ça serait bien, sinon Marie, elle bouge la bouche et je parle derrière. Oui, mais c'est ça qu'on va faire. Quand tu seras au téléphone avec, on fera ça, Romano. Il faudra bouger la bouche, hein, Marie. Oui, alors. Tu es bien couverte. Marie, je t'ai dit. Dis-lui, tu t'embrouilles. Non, mais enlève ça. Non, ta main, Romano, enlève tes mains. Allez, dis-lui un truc. Allez, mais je lui ai dit. Non, mais écris-lui. Romano, écris à la place. Ah ouais, non, mais tu peux pas, alors. Bah non, je peux pas. Faut pas qu'il aille devant la cam, Romano. Vas-y, penche-toi. Enlève donc. Allez Marie. Non mais dis-lui, téléphone, allez, téléphone ou je coupe. Allez. Ouais, coup de pression maintenant. Allez. Ouais, suffit. Téléphone ou je coupe. Marie doit être très excitée. Ah, il y a Routier qui nous dit. Mais pourquoi tu lui dis non, appelle avant? Mais t'es con Marie, le mec il a pas notre numéro. Mais qui me donne. Non mais putain Marie. Ah, vas-y, mets le micro vers Marie, on l'entend pas, Romano. Voilà. Ah oui, mais le micro, mais ouais, mais le micro, il y a, micro, il y a Skyrock qui crie dessus, merde. C'est le mec qui doit avoir des trucs passés, il comprend rien. Ah oh là là. Vas-y, mettez Marie sur en live. Mais non, mais Marie, on peut pas la mettre partout. Alors. Si, vous pouvez. Ah ouais, mais si, tu peux filmer. Car le portable est en carafe de batterie. Oh, dis, va te faire enculer, allez. Dis-lui, va te faire enculer. Va te faire enculer, voilà, et c'est pour voir ce qu'il répond. Attends, il le met. Il met quoi? Non, attends. Marque-lui la suite, vas-y, la suite. Ah là là, il rend fou. Ah ouais. Non mais c'est un gros relou, il met le début de son numéro, mais pas la fin. Enfin, c'est un relou. Ah, insulte-le. Oui. Insulte-le, vas-y, oui. Mais lui, connard. Allez, connard, dégage. Alors? Alors? Attends, mais pas Marie, dis-nous ce que tu fais, bien. Elle a plus le connard, elle a tapé connard. L'autre, elle est en train de regarder l'autre qui se branle sur le. Hein? Il met les numéros. Ah ouais, il les met deux par deux, il est relou. Voilà, qu'il aille se faire enculer. Et là, ah si, il a mis un troisième numéro et derrière il met pardon pour l'interrogation. Mais lui, il va te faire mettre. Attends, Marie, je tape à ta place. Non, mais reste devant, je mets mes. Vas-y, pas. Romano, qu'est-ce que tu tapes? On voit son crâne, on voit ton crâne, dégage, on voit, dégage. On voit ton crâne, Romano. On voit ton crâne. Attention. Dis-lui le dernier. Qu'est-ce que tu lui as écrit? Le connard, il met pardon, où ça, connard? Numéro. Mais je suis trop excité, vas-y, dis-lui. Non, mais lui, c'est un relou, il donnera jamais son numéro. Enculé. Allez, enculé, vas-y. Vas-y, on lui fait des doigts. Allez, on apparaît tous, on lui fait des doigts. Bon, faut que tu viennes avec une perruque la semaine prochaine, Romano. Ouais, bah Cédric, il faut qu'il la ramène. Ah ouais, alors Cédric. Bon, lui, c'est moi. Si tu nous écoutes dans ton lit. Moi, je suis en perruque. La perruque du Bois de Boulogne, tu la ramènes très, très, très vite. Très vite, parce qu'on en aura besoin pour Pamela, pour le prochain rendez-vous de Pamela. Bon, il est quoi? Il est 23h52, on est sur Skyrock, et on va se faire un multi-appel dans un instant. Ah ouais, attention. Le multi-appel pour terminer cette soirée en beauté. Oui, heureusement qu'on devait le faire plus tôt. Oui, j'avais dit, on le fait plus tôt, on le fera pas en fin d'émission. Bah écoutez, on a fait double appel, on a fait plein de choses ce soir. Pendant ce temps-là, ils continuent de t'envoyer des bites, hein, les mecs. Ah ouais, celle-ci, elle est. Regardez les numéros. Celle-ci, elle est pas mal. Je sais pas qui elle est, y a pas de nom là. Ah non, bah Beau Sexe, il s'appelle. Beau Sexe. Attends. Voilà, Pamela, une photo de Beau Sexe. Tiens Marie, cadeau. Il est bien. Merci, sympa. Il est bien tendu celui-ci là. Mignonne. Bon, et merci pour vos messages. Merci le Sunis, merci Sabi, merci Poker Pierre. Salut Poker Pierre, merci à Flav et à tous les autres. Il y a De Niro qui est là aussi. D'ailleurs, vous allez tous pouvoir vous inscrire pour la roulette. On va faire tourner la roulette dans un instant. Ouais. Dans un instant, la roulette est tourne. Ouais. Avec Soprano à gagner, la tournée de Soprano à gagner dans toute la France. C'est évidemment une tournée Skyrock et c'est évidemment à gagner sur Skyrock. D'ailleurs, ce week-end, si vous kiffez Soprano, je crois qu'il y a encore des places à gagner pour Soprano. Ouais. Oui. Et ben il y en a deux ce soir, c'est au 41-759. Non, c'est sur le 720. 720, ouais, il faut envoyer roulette. Ouais. Témoignage, 720 roulette. Ouais. 720 roulette. Vous envoyez roulette au 720. 720 ouais. Roulette. Et vous choisissez vos dates de concert dans toute la France. Il passe, Soprano. Et designer à écouter, on avait promis. Brava. Bra. C'est Panda, maintenant sur Sky. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. Power 106. La radio rappée R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Skyrock, première radio urbaine mondiale. Des problèmes pointent toujours le bout de leur nez, hein. Moment au 71-777. Les astres vous guident vers la voie. Moment, M-O-M-E-N-T, au 71-777. Nos astrologues vous apportent les réponses. L'amour, le travail, le succès. Vous voulez savoir? Envoyez Moment au 71-777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Concert. Skyrock. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien, vas-y viens. Le phénomène Nekfeu. C'est Nekfeu sur Skyrock. Choisis encore Skyrock pour son prochain concert à Paris. Nekfeu. C'est ce bon vieux feu. Le beau gosse du rap français. Le 1er décembre, en concert Skyrock à l'Accor Hotel Arena de Paris. On verra bien. Merci. Plus d'infos sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Banzai Noodle de Lustucru, c'est super bon. Pratique, les Banzai Noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Banzai. Pour vous régaler. Bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai Noodle de Lustucru, Banzai que c'est bon. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Difool, radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Et avant le multi-appel et avant la roulette qui va tourner pour gagner Soprano, c'est Designer avec Panda. Panda. Et puis juste après nous, hein, il y a la Nocturne avec Fred. Ouais, à pas louper. 100% rap français, nouveauté du rap français, comme tous les vendredis soirs sur Sky. Bra. Bang, bang, bang, bang. I got broads in Atlanta. Just to the lean the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then the bullet, you ban it. Killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted to lean the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Why is it brand new? Package full, Danny. Selling ball, candy. May not the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then they pull up your band. Hope you killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta. Twisted the main street. Sip it fine. Credit cards in the scammers. Wake up beside you. Let it sign. Over to Lattice. They be acting rats. I know we clavish you. I be pulling my stuff in the finest you. I got plenty of stuff with Bugatti. But look how I tried to shoot. Black and six. Final. Why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla. They come and kill you with bananas. For feelers, I feel it. Pull up in the finer. No niggas, they come and kill you on the counter. But Broly is dancing bigger than the pound. Go out to the Grammy. But pull it, you find it. Pull up, I'ma flip it. I got bitches, pull up and they get it. I got niggas, just count for digits. Say you make you a lot of new money. No some killers, pull off in the inner baby. CTDD, pull off in the killer baby. Call a filler, pull up, gon' fill it, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning it. Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business in the brave, doing the fooling, I'm doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are bleeding. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Twisted to lean the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Why is it panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. May not the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then nigga pull up your banner. Hope you killers understand me. Panda. Panda. Panda, designer sur Skyrock. Tous les soirs, Diffoul Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Eh ouais, le vendredi aussi, presque minuit. Allez, on va faire notre multi-appel qu'on devait faire super tôt et qu'on fait à minuit. Ouais, mais on va le faire quand même. Eh ouais, mais c'est ça, il arrive toujours des trucs, toujours des imprévus. Hein. Bah, Pamela s'est connectée, tout ouais, ça. Ouais, on a eu l'infirmière de Cédric en début d'émission, celle qui s'est occupée de lui. Ah ouais, la cette pauvre. Nuit après son accident de moto. Ah bah, c'était pas Jojo. Non, elle était pas dans un bel état. Hein. Ah non, non, non. Fait bah, de la peine, ouais. Ça. Hein. Ah ouais, c'est dur pour le corps médical. Oui, pas facile. Bon, on a géré plein de trucs ce soir. Merci pour tous les coups de fil que vous nous avez passés, pour tous les messages que vous laissez. Et puis, on a eu du foot avec le PSG qui a fait match nul contre Saint-Etienne. Eh bien, le et PSG oui. Mis en difficulté par Saint-Etienne. Je ne vous cacherai pas qu'on a reçu des millions et des millions de messages hein, ce soir. Hein. On était entêtés dans le monde entier à cause de ce match, hein, Karim. Les PSG-man sont déçus et Saint-Etienne a réussi une belle performance. Saint-Etienne, ils ont gagné la Coupe du Monde. Voilà. C'est ça, ouais. Non, mais un partout pour le millième match du PSG. Marie, ouais. Y a ta chatte qui vient. Ouais, elle vient de grimper là. Qui est sur la table et qui se balade comme si elle était chez elle. Ouais, bah, normal. Là, elle marche sur mes tablettes. Non, bah, tu sais, elle était là quand elle était bébé, hein. Elle connaît, hein. C'est vrai qu'elle c'est vrai. Bah, ouais. Elle connaît la maison. Elle a grandi ouais. Ici. Ouais. Inscription pour la roulette. Vous pouvez vous inscrire encore. On n'a pas fait le tirage au sort pendant deux minutes. Hein. 7-20-20, vous envoyez roulette. Ah, il y en a qui sont énervés, ça marche pas. On me dit que c'est impossible. Ah, putain, il y a plein de messages. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais? Ça, c'est Bambin qui nous envoie un message. Je teste immédiatement. Pinou aussi qui nous dit la même chose. Vas-y, casse-toi le chat. Là. Le chat, j'ai son trou du cul sous le nez, Marie. Ouais, là, elle marche sur les numéros que j'ai préparés. Ah, bah, elle a un trou du cul. Non, mais surtout, elle est obèse, quoi. Bah, elle est grosse, ouais. Elle au régime. Ah, bah, ça se voit pas, Marie. Ouais, bah, pourtant. Bon, alors. Et quand t'envoies roulette, après, ça te renvoie un truc. Bah, ouais, c'est ça. Après, tu logiquement, t'es inscrit après. Ouais, mais là, ça m'envoie rien, moi. Ah. Bon, il y a un problème. Marche pas? Bah, ça non, pas je crois pas, gros. Ça a pas l'air de marcher, là, ouais. Bon, dites-nous si vous êtes inscrit, vous avez un souci, vous dites ça au 41-759. Le 41-759, ça marche, au moins. Non, mais moi, je reçois rien, là. Bon, allez, sinon, ils s'inscrivent à l'ancienne. Allez, inscrivez-vous à l'ancienne sur le. Ça marche pas, 720-20. Idem, j'y arrive pas. Ah ouais, il y a un bug. Eh ben, écoutez, c'est très bien. On a le 41-759. Inscrivez-vous tout de suite et on fait le tirage. Ah, c'est pour ça que vous me disiez que vous avez pas tiré. Ouais, bah ouais, gros. Ah, bah, je commence à comprendre. Le système de bruit. Donc, vous allez. Ça marche pas, oui, c'est confirmé. Au 41-759. Et on a un petit point sur le tennis, notre match de tennis de ce soir. Bon, bah désolé. Hein. Il a perdu. Bah, ouais. Monfils contre Djokovic. Ouais. Terminé. Fini. Terminé en 3-7. Ouais, j'ai pas vu. Ah ouais, c'est ça, je crois. Hein. Ah, il gagnait pourtant au troisième set, il gagnait. Ouais, mais il a dû. Difficulté. Bon, quand même, Djokovic, je peux y aller quand même. Bon, bah, Djoko, premier ouais, le classement, quoi, Elise ATP, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est premier ça, en finale. ATP. Ah, il y a Tahiti Airlines qui nous dit de toute façon, depuis la rentrée, ça marche pas. Ah, bah, si, pourtant, moi, j'ai essayé de m'inscrire. Bah, si, pour les autres soirs. Pour les 1500 euros, ça marche très bien. Non, même pour la roulette, hein. Bon. Les autres soirs, on va voir ça. Ouais, ouais, ouais, c'est vrai. Et mettez vos numéros quand vous inscrivez, s'il vous plaît. Parce qu'il y a plein de messages, il n'y a pas de numéro. Ouais. Bah si, regarde, Chris, je m'inscris, 0780. Là, juste en dessous de Nas, je m'inscris, 0760, 0671 pour Nino. Bah voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a qui oublient. Ouais, Loulou, il n'a pas mis son numéro. James, il a mis ton numéro. Alors, je viens de faire tester. Oui, alors. Alors, 1500, ça fonctionne. Vous pouvez vous inscrire pour les 1500. Par contre, roulette, ça ne fonctionne pas. Et ben voilà. Il y a un problème avec roulette. Ouais, ouais, ouais. Essaye avec poulette, peut-être, écrit à la place, non? Roulette, t'en fous des majuscules, des minuscules. Ah ouais, rien à branler. Ouais, bah non, mais ça marche pas. Mais poulette. Ah merde. Ouais, non, mais ça va, j'ai pas non plus envoyé. Envoie pas de message, Romano, plein, vas-y. Ouais, ouais, bien sûr. Et si j'envoie Romano? Essaye avec coulette. Couillette, vas-y. Couillette, ouais. Et l'appli, ça marche si vous voulez vous inscrire aussi. Il y a Calliope qui dit on peut le faire avec l'application. Ouais, tu peux avec l'appli. Bon, on fait le multi-appel. Allez. Allez, c'est parti. Le multi-appel sur Skyrock. On y va. Et on va aller où? Alors, des hôtels, des épiceries, des pizzerias. Alors, des hôtels, des épiceries. Épicerie, mon frère. Épicerie, pourquoi tu dis ça comme ça? Je sais pas, parce qu'en même temps, j'étais en train de lire Ibis de Hôtel Ibis. Donc voilà, des épiceries. Ouais, des épiceries. Et voilà, pizzeria. J'ai même un club échangiste. On va voir, apprendre à parler, ma gueule. Un standardiste d'une chaîne de télé. Ah ouais, c'est bien. L'agent de sécurité. Ah, c'est bien. Allez, puis merci pour. Ouais, c'est le numéro en fait qu'on a pris sur ceux que vous nous avez laissés depuis tout à l'heure. Sympa. Bon, de toute façon, on met tout en même temps. Il y a Patrick qui est dans le coin. Ouais. Absolument, ouais. C'est allez, ça. On met tout le monde en contact. C'est parti. On y va. Donc là, il y en a trois qui sont appelés en direct. Hôtel Ibis Boulogne-Centre-les-Ports, Delphine, bonsoir. Allô? Hôtel Ibis Boulogne-Centre-les-Ports, Delphine, bonsoir. Allô? Allô? Hôtel Fédéric. Allô? Oui? Allô? Oui? Oui, comment vas-tu? Allô? Pardon? Hôtel Régina, bonsoir. Excusez-moi? Allô? Oui? Ben, moi, je suis bonsoir. Patrick, hein. Allô? Allô? Décalote complètement. Salut les filles! C'est Skyrock. Ouais, moi, je suis décaloté complètement. Salut les filles! Salut les filles! Salut Skyrock! Voilà. Skyrock. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Et je peux dire que je vais te baiser. Pardon? Et je peux dire que je vais te baiser. Je vous entends mal là. Moi, je suis décaloté complètement. Je suis en train de m'assurer. Vous voulez parler à qui? Voilà. Vous voulez parler à qui? À toi. Bordeaux, Dominique, bonsoir. Bah, il faudrait que tu viennes me masser, mais pas simplement ça, hein. Allô? Vous voulez parler à qui? Sébastien, bonsoir. De trois doigts dans le cul. Allô? Trois ou quatre? Bonne soirée, au revoir. Tu mets un petit peu de savon, là, tu la sodomie, ça fait du bien. Ah, oui. Ouais, j'ai une bonne bite, surtout, hein. Ah ouais, bah, tape-la, toi, sur le bord du lavabo. Allô? Ça te fait du bien. Absolument. Allez, salut, mon pote. Surtout si elle commence à bien te frotter, et puis à bien te sucer et tout. Elle bave, là, bah, c'est bien, là. Ah, il n'y a plus personne. Putain, ils ont tous coupé, ouais. Ils sont tous partis. Bravo, ils ont une petite salve quand même. Bravo, Patrick. Attends, il reste le mec qui nous avait reconnu. Hein. Ah, mais là, on va le prendre. Skyrock, Toi, t'as pas raccroché, c'est bien. C'est bien, t'es toujours là. On t'avait mis en antenne, t'as failli nous faire foirer notre truc. T'es qui, toi? T'es une pizzeria? Non, t'es qui? T'es un hôtel, toi? Ouais, t'es quoi? Hôtel? Ouais, hôtel, ouais. Hôtel. Eh ben, écoute, bienvenue à toi. C'est quoi ton prénom? Anthony. Bon, tu as eu quelques hôtels, un club échangiste. Un standard de télé, 13 des numéros ou pas, Sani? Et une épicerie également, là. Une épicerie. Ok. Tu passes du jusque 7h. Ouais, écoute, bon courage. Hein, bah, branche-toi sur Sky, très bien. Merci, ouais, en plus j'écoute alors. Bah, ah bah parfait. Tu as reconnu le célèbre. Salut les filles. Salut les filles. Ouais. Salut les filles. C'est Cédric. Hein. Bah, on va t'envoyer un cadeau, tu bouges pas. Ok, ça marche. Tu bouges merci. Pas. Allez, merci à toi. Bon ciao. Courage, hein. Ciao. Bonne nuit, salut. Bon courage au taf. Eh, Patrick qui est félicité dans les messages. Carmelo, bravo Patrick. C'est les meilleurs, nous dit Amstown Lucas. Salut Lucas, 13 ans. Salut c'est Lucas. Excellent là. Et Patrick, écoutez, même Patrick est content. Voilà. C'est excellent. Allez, on fait une deuxième petite salve. Allez, vas-y, on y retourne. Allez, deuxième et dernière salve. On appelle principalement des hôtels et des pizzerias. Bon, là on en appelle deux déjà. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, comment vas-tu? Ça va et toi? Allô? Ah, très bien, là, bon. Oui? Allô? Moi, je suis décaloté complètement. Oui, t'es où, là? Tu vois, dans la chatte, là. L'impact, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui? Oui, qui c'est? Anthony. Allô? Allô? Oui, j'écoute. Oui? Allô? Oui? Bah, je vous écoute. Bah, je vous écoute, oui, bah alors. Bah, qu'est-ce que vous voulez quoi? Mais je veux rien, moi. Bah alors, pour vous m'appeler. Bah c'est vous qui m'appelez, monsieur. Bon, allez, bonne soirée. Hein. Tu veux te faire sodomiser, là? Ah merde, l'impact c'est un club gay qui est juste à côté d'ici. C'est le club gay naturiste du quartier. C'est ça, ouais. C'est le QG de Cédric. Ouais, c'est ça, il y traîne en permanence. Oh, Cédric, on t'entend derrière. Non mais attends, vas-y, tu veux pas les rappeler avec Patrick? Ouais, ah bah, l'impact et Patrick, à mon avis, ça peut faire un malheur. Ah ça, je pense que c'est... Absolument, tu vois, c'est un truc qui nous faut, ça. L'impact, prépare-en un autre, si jamais. Absolument, oui. Allô? KTM6, bonjour. Allô? Oui? Oui, comment vas-tu? Allô? Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Oh, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe, là? Moi, oui, je vous appelle pas, c'est vous qui m'appelez, hein. Allô? Oui, deux, trois, loin dans le cul. Allô? Deux, trois, loin dans le cul. Allô? Branche-toi un peu, là. Ouais, je suis à poil, là. T'es avec ton copain, là? T'es avec ton copain, là? Ouais, j'ai une bonne bite, surtout, hein. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Allô? Oui, oui, bonsoir, oui, je vous écoute. C'est vous qui m'appelez. Allô? Vous viens là, tu viens là? Ah non, vous devez vous tromper. Hein. C'est pas grave, je vous en prie. Au revoir. Ah, fini. Là, je suis à poil, là. Ah, c'est fini, ils sont plus là. Ah, il n'y a plus personne. Eh bien, voilà, merci pour. C'est super. Ouais, bien. Mais la meuf, juste à l'écran, c'est pas grave. Oui, non, c'est pas grave. Au revoir. Ah, ouais. Salut, à bientôt. Putain, ils sont au taquet, nos amis de l'impact, juste à l'arrivée. Ah ouais. Le mec, il te répond, ouais, alors, tu fais chier. Tu m'emmerdes avec ton coup de fil, toi, déjà. Ah ouais, non, mais attends. Bon, il est minuit 8. Allez, on va faire tourner la roulette. C'est l'heure de retrouver. Tiens, on file dans 07. Tarek qui va faire tourner avec nous la roulette. Skyrock t'offre 200 places de concert soprano. Ah là-bas, multi-appel pour finir cette semaine là, dans la radio libre. Tarek, t'es où dans le 07? Salut Tarek. Salut l'équipe. Salut Tarek. T'appelles d'où? J'appelle du 07 de Viviers en Ardèche. Viviers en Ardèche. Eh bien, bienvenue à toi Tarek. De toute façon, il passe partout soprano. Il a passé pas loin de chez toi, il passe à Valence, je crois d'ailleurs. Pas très loin. Ah bah parfait. Eh bien, ça tourne. Avec Valence. Nickel. Allez, soprano. Passe Marseille, il passe partout. Il y a des dates, vous retrouvez sur skyrock.fm. Même à Paris. Et même à Bercy. Et ouais, à Marseille et à Paris. Et Tarek, tu viens de gagner tes deux places pour aller voir Soprano, dis donc. Nickel. Et Bravo Tarek, deux places de concert pour toi. Même aller le voir au Vélodrome si tu veux. Bien ça. Ah ouais, le Vélodrome serait nickel. Ah bah si tu veux, tu prends le Vélodrome. Ah je suis une heure et demie de Marseille. Soprano, bien voilà. C'est parti. Tu vas donc aller voir Sopra à la maison alors. Allez, c'est bon. Ça va être plus chaud, ça va être bouillant. Et bouillant. Bah bravo Tarek. Et des places de concert à gagner sur Skyrock. On vous offre plein de concerts. Hein. On a du Rihanna. Enfin, on a eu du Rihanna cet été. On a eu du. On a du Nekfeu. On a eu du Gims. Là. On a eu du Gims pour démarrer la saison. Oui, là, on a du Soprano. Deux places pour toi. Tu fais quoi ce week-end, Tarek? T'as prévu des trucs, toi? Ce week-end, petite balade avec la femme et les enfants et tranquille. Ah ouais, déjà, tout est équipé à la maison. Ah ouais. Ah, t'inquiète. Bah, bon courage, Tarek. Enfin, bon courage. Bon week-end surtout. Oui, bon week-end, ouais. Salut, Tarek. Merci, bon week-end. Excusez, sortez tout seul. Bisous, Tarek. Salut, Tarek. Passez un bon week-end vous aussi. Bon week-end à toute l'équipe. Bon week-end. On aura des nouvelles de Cédric à vous donner dès lundi matin dans le morning entre 6h et 9h. Ouais. On vous dira tout. Dès 21h, on sera là en direct pour la radio libre. Profitez bien de Skyrock ce week-end. Ça va déchirer. Tous les rendez-vous du week-end à pas louper. Oui. Et le premier rendez-vous du week-end. C'est avec Fredo. Yes. Fredo. Je suis là. Le vendredi soir, c'est toi qui ouvre. En pleine forme. C'est vrai, tu es la première émission du samedi. Ouais, c'est vrai. Je fête le week-end avec tout le monde. La nocturne à minuit 10 sur Skyrock. Mais qu'est-ce que c'est que ce cri? Ah, ben là, je veux dire qu'il y a une sacrée ambiance. On est là, Oh, salut les filles. Salut les filles. Salut les filles. Salut les filles. C'est pour rendre hommage à Cédric. À Patrick. Aussi, ouais. Bon, ben merci pour. Une grosse dédicace à Cédric en tout cas. Oui, oui, on l'embrasse. Enfin, on l'embrasse. Bien sûr. Oui, quoi, ouais. Il ne peut pas se laver, donc. On le check. Ah. Non, mais quand il reviendra, par contre, il faudra lui faire gagner les clashs de la drague. Franchement, ça, voilà. C'est ah, important. Mais ta gueule, Fred. Ouais, c'est ça. C'est important. Je pense que c'est important. Il faudra soutenir Cédric dès son retour. Ça te fait pas plaisir, Romano, c'est ouais, non, mais je peux pas. Mais attends, Romano, un peu, s'il te plaît, quand même. Non, mais une fois, il fera son cirque. Qu'un soir et puis c'est bon. Bon, on vous remercie pour cette belle semaine. Rendez-vous lundi matin pour le morning. Pensez aux 1500 euros, inscrivez-vous si vous voulez, on a testé, ça marche. 7-20-20. Ouais, 7-20-20, vous aurez 1500. Et puis peut-être qu'on vous appellera lundi matin dans l'émission. C'est parti pour la nocturne, grosse nocturne encore. Ouais, chaud, soir. Bouillon, on y va. Et ben nous on est à l'écoute. Ciao, bon week-end. Lundi, demain il y a le Morning Best. Morning avec Best. À 6h du matin, n'oubliez pas le rendez-vous. Et à lundi. Ciao. Allez, salut. Depuis la rentrée, Difool a déjà distribué plus de 30 000 euros en cash. 30 000 euros en cash. Il faut me dire quelle est ta radio préférée. Bah, Skyrock. Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. C'est Skyrock. Mais oui, c'est Skyrock. Ouais, c'est gagné. C'est pas vrai. Plus de 30 iPhone 7. Ton iPhone 7. Le tout dernier. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà arnaqué des commerçants. Bah, que va faire que Randolph, hein. Des familles. C'est encore une arnaque ça, hein. Des vendeurs sur le bon coin. Et vous le vendez 50 euros, c'est ce qu'il y a de marqué sur l'annonce. 550 euros. Non, non, bah t'enlèves les 500, tu me le lâches à 50 et puis ça ira bien. Ouais, ouais. Ah bah j'arrive. Et ce n'est que le début. Que le début. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Et c'est parti, coup d'envoi de la nocturne. 100% rap français. J'espère que tout le monde va bien. On attend vos messages. Allez-y, bombardez de messages sur Skyrock. Ça arrive avec le skyrock.fm, l'application Skyrock. On télécharge gratuitement un peu partout. La nocturne, 2 heures de son, 100% rap français. Coup d'envoi de cette nocturne qui va être chargée une fois de plus sur une session classique tout à l'heure dans la deuxième partie de la nocturne. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de sons rap français. On va débuter avec évidemment les invités de cette semaine. Le Ghetto Phénomène sur Skyrock. Une grosse dédicace au Ghetto Phénomène. Merci à vous, hein, d'être passé dans ce Planète Rap. On a fait une super semaine avec vous. On termine où pour débuter la nocturne 100% rap français. Puis après, nouveauté. J'espère que vous êtes bien. J'espère que vous êtes calés dans la voiture, chez vous, en bas de chez vous. Il fait bon, profitez-en. C'est parti, coup d'envoi de la nocturne sur Skyrock. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Bataille. Ghetto Phénomène, boy. DJ Khan. J'ai vu que chaque chose a ses limites. Et qu'il faut de tout pour faire un monde. J'y ai cru, mais c'était qu'un rêve. J'suis pas tombé pour elle. De nos chutes on se relève plus haut. Amore mio, on termine où? La nuit est courte et sans toi c'est long. Amore mio, on termine où? La nuit est courte et sans toi c'est long. Tu joues un rôle où j'vois flou. Il me faut des larmes. Je t'aime tout le temps. Quand t'en veux encore et encore jusqu'à la mort. On termine. On termine. Vas-y, mollo. Si je regarde ton boulot. Dédicace à Grégoire Accord. Greg, il est là, la famille, le frangin. Elle m'a vu baiser. Elle s'est dit les millions. Ouais. Je sais plus comment elle s'appelait. Elle a trouvé ça humiliant. Ouais. Et elle fait tourner, tourner la tête des hommes. Elle a foutu le désordre. Y'a que son boule dans la tête des hommes. Tu joues un rôle où je vois un flou. Il me faut des larmes. Je t'aime, t'aime tout le temps. Tant qu'on veut encore et encore jusqu'à la mort. On termine. On termine. Vas-y, moi. Si je regarde ton boule, prends pas mal. Non, à ta l'heure. Toi et moi, je crois qu'on va faire un malheur. J'aperçus une soirée.

T'es où? Je suis à l'hôtel avec une de ces chiennes d'Instagram. Instagram. Vodka recoupé à l'agrume. Et si t'es en manque, il me reste un gramme. Ouais, si t'es en manque, il me reste un gramme. J'ai la crème, de la crème. De quoi exciter le chien de la douane. J'ai Thiago Silva dans la défense. J'suis dans le Banks avec Rufus. Comment faire confiance? Bah tu sais que des frères ont deux faces. Et les histoires de liquide dissoudent l'équipe. Ne mélange jamais le business et les potes. Dis-leur que c'est fini, dis-leur que c'est Henny. J'assumerai le bébé, je te baisse sans ta pote. Tu connais la zone quartier mal fréquenté. Tu connais la zone quartier mal fréquenté. Tu connais la zone quartier mal fréquenté. Tu connais la zone quartier mal fréquenté. Tu connais la zone quartier mal fréquenté. Ça joue les brigandés. Mais c'est des gandis, j'ai envie de les étrangler. Mais je vais rester tranquille. Des plans me arrêtent, des plans pilons. Du papier vert et je suis pépélé. Je te conseille de respecter les délais. Je te conseille de respecter les délais. Où tu connaîtras l'au-delà. Je suis dans la chop avec Céleman. Toutes les instrus, laissez-les moi. T'écoutais le son, tu pissais le sang. Tu demandais c'était qui, bah c'était moi. Il me cherche mais je suis sur le toit. Je les baisse, je suis sûr de moi. Tu peins sur la planche, on détaille, on viscère. On a en un jour ce que t'as en un mois. Nous notés derrière la vitre sans teint. Reconnu par la victime. Pris en photo de face et de profil. On est passé du bitume à la distrib. T'as zéro style, mais tu t'obstines. Mauvais train de vie, direction outfit. Même le pilote est complice. Ton bar retardement dans le cockpit. On ne dit pas toujours ce que l'on fait, mais on fait toujours ce que l'on dit. On ne dit pas toujours ce que l'on fait, mais on fait toujours ce que l'on dit. T'inquiète même pas pour nous. T'inquiète même pas pour nous. On ne dit pas toujours ce que l'on fait, mais on fait toujours ce que l'on dit. On ne dit pas toujours ce que l'on fait, mais on fait toujours ce que l'on dit. T'inquiète même pas pour nous. T'inquiète même pas pour nous. Jack et Nessie. Je n'oublierai pas ce qu'on s'était dit. On fera pas comme eux, on restera soudés. Je ne laisserai pas tomber l'équipe. Je bois un verre à ma santé. Et le pire c'est qu'il m'abîme le foie. Si dans la chambre tu m'attendais, je me déshabille et je m'occupe de toi. Le jardin d'Eden a fait craquer Eve. Ce qu'on voulait c'était l'allégresse. Mais on a eu la crise, un peu comme la Grèce. Tu ne fais pas de clash, envoie ton adresse. La matière est grasse mais je perds de la graisse. Loin des strass et loin des paillettes. Que des ghetto youth devant ton palier. On revient cagoulé, si tu veux pas yep. On me la fait pas, je suis pas né hier. Les yeux rougis, on est ailleurs. On est ailleurs. Miroir, dis-moi qui sont les meilleurs. Tu fumes le synthétique ou fume la Saint-Etienne. 2016, je fais tout tienne. On les tue, on les retue et on reste à Teco. Comme dans Tekken. On ne dit pas toujours ce que l'on fait, mais on fait toujours ce que l'on dit. On ne dit pas toujours ce que l'on fait, mais on fait toujours ce que l'on dit. T'inquiète même pas pour nous. T'inquiète même pas pour nous. On ne dit pas toujours ce que l'on fait, mais on fait toujours ce que l'on dit. On ne dit pas toujours ce que l'on fait, mais on fait toujours ce que l'on dit. T'inquiète même pas pour nous. T'inquiète même pas pour nous. Planète Rap. Dossé dans la nocturne, African History X.